nouvelle fois, on termine avec Martin Garrix. Une nouvelle fois, Martin Garrix reste l'artiste le plus joué dans tous les clubs d'Europe avec le single Animals. En numéro 2, on avait Avicii ce soir, 3ème Naughty Boy. Ça ne bougeait pas par rapport à dimanche dernier, 4ème David Guetta et 5ème plus 4 places pour le son de Showtech avec Bouya. Le classement à récupérer dès maintenant, évidemment, sur funradio.fr, rubrique Eurodance 25. Belle soirée à tout le monde. Party fun tout à l'heure dès minuit avec Adrien et Mickaël qui va être encore une fois, j'imagine, en pleine forme ce soir. Bah évidemment, comme d'habitude. Alors cette pizza, bah écoute, très bonne, très locale, enfin une hawaïenne quoi, bien. Oui, non, bah, vraiment. Bah, oui, une pizza hawaïenne, c'est très local, tu vois. Mais raison, très c'est local. Très Nancy, oui. Exactement, oui. Ça mériterait un coup de pelle made in Nancy. Oui, ça aurait pu effectivement, oui. Voilà, tiens, tu l'as eu comme ça. Merci beaucoup. Avec plaisir, écoute, moi si je peux rendre service, c'est toujours sans problème. Bon, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes parti? Eh ben écoute, de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix, donc on va démarrer. Eh ben bonne soirée à vous, bonne émission. Eh ben retour de l'Eurodance la semaine prochaine. Exactement, dimanche à 18h. Ciao. Salut. Mickaël débarque en Lorraine. Mickaël, c'est Mickaël nos limites. Fun. Jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end là. Ce soir, on est en direct de Nancy. On y a été tout à l'heure sur la place Tagne. Il y avait d'ailleurs beaucoup de monde. Il y a les photos d'ailleurs à aller voir sur le Facebook de l'émission. Alors, on a refourgué une PS3. Il y avait des places pour Starfloor, les premiers gagnants. Hein. Oui. Eh oui, pas mal. Non mais c'est bien, il y en a eu beaucoup. Il y j'ai eu, bien aimé parce qu'on a fait gagner 5 filles. Oui, non mais il y a eu le garçon qui a gagné la PS3 ouais, mais on aussi. S'en fout, hein. Ça. Ouais ouais c'est on ça. On a fait gagner des filles, bon, c'est ça qui compte. En tout cas merci à tous ceux qui sont venus sur la place Tan et puis à ceux qui sont venus également dans le studio, il y en a encore qui viennent. Et ils blindaient, hein. C'est-à-dire que. Ça va pas trop serré? Non ça va, attends, on vous entend mal, puisque on est derrière une vitre en fait. Oui, une on porte. Va les faire rentrer, on va les voilà, faire rentrer. Voilà, c'est ça, attends, on recommence. Pas trop serré? Ah bon d'accord ok ça va me voilà rassuré. Parce que s'il y a des filles ils peuvent venir sur les genoux de Toff hein. Ne vous battez si, pas. Si vraiment il y a des dingues c'est bon personne n'a à... bougé. Voilà personne n'a bougé. Elles sont toutes terrorisées. Si si il y a des filles mais pas assez connes pour venir sur les genoux de Toff en fait. C'est juste ça. C'est bon. Pas grave je garderai mon ordinateur bah, je mettrai YouPorn. Voilà tu fais bien tu fais bien. Bon ce soir donc Mickaël No Limit là pour ceux qui connaissent pas bah, moi c'est Mickaël évidemment. Et puis il y a toute l'équipe hein, qui est là au taquet. Avec Toff, avec Sandro, avec Polo également. Et puis bah on est là jusqu'à minuit. Comme chaque dimanche soir de 20h à minuit pardon. Et toute la semaine évidemment de 23h à 2h du mat. Bon, si vous voulez nous appeler ou que vous soyez en France, 01 42 48 5000. Le numéro pour la Belgique, c'est le 02 851 4x0. Et puis on va accueillir également Kylian qui est avec nous là. Bonsoir Kylian. Salut Mickaël, ça va? Bah ça va bien et toi? Ouais, tranquille, ouais. Dis donc, t'es pas venu nous voir toi, enfoiré va. Oh, excuse-moi. Ouais, bah c'est pas ouais. Parce que t'habites à Caen que tu pouvais pas te déplacer jusqu'à Nancy. Hein. C'est honteux. Excuse-moi. Oui, bah excuse-toi, effectivement, mais hop, tu mérites un coup de pelle, Kylian. Oh. Non mais c'est vrai quand même, sans déconner. Ouais. Bon, Kylian, t'as passé un bon week-end? Ouais, tranquille. Tranquille, t'as fait quoi? Oh bah je suis allé en vacances chez mes grands-parents. En vacances chez les grands-parents, ouais. Mais écoute... Grosse semaine, Kylian. Mais t'es encore en congé là, ça y est, encore une semaine. Ouais, encore une semaine. Et tu vas faire quoi là du coup la semaine prochaine? Je sais pas. Tu sais pas. Sûrement en PS3. PS3, GTA, FIFA, t'es sur quoi là? GTA et Call of. D'accord, eh ouais, très bien. Et n'oublie pas d'ailleurs qu'il faut aller voter hein, sur funradio.fr puisque mardi on sera en direct encore hein, décidément du Paris Games Week donc à Paris avec tous les jeux vidéo etc. Et puis on attend évidemment vos votes sur funradio.fr pour savoir quel est le jeu vidéo de l'année, quel jeu vidéo recevra la récompense du meilleur jeu vidéo de l'année. Pour toi c'est lequel Kylian? Ouais, pour moi ce serait The Last of Us. The Last of Us, d'accord, ok, très bien, on l'a fait la semaine dernière d'ailleurs. Bon bah Kylian, bah, reste avec nous, on va parler de quoi dans quelques minutes? Ah bah je vais vous faire une petite chanson dédicacée pour votre émission. Ah, quelle chance. T'es sûr, je vais t'accompagner au pipeau. Oui parce que Polo est revenu avec le pipeau également hein. Je vais le régler. Il est mal réglé, il a fait qu'il l'accorde. Je vais l'accorder. Et bravo à Sandro également hein, qui n'a pas raté le train. Eh, chose exceptionnelle, elle est arrivée avant moi à la gare. Oui, contre toute attente. Alors qu'il y avait, on y a quand même mis un piège puisqu'on a fait la déloc exprès. On est venu à Nancy le jour où on changeait l'heure. Ouais, mais voilà. J'ai des amis sur Facebook. Ah d'accord, ok. Ce qui était quand même un gros piège évidemment pour Sandro. Mais bravo à elle en tout cas, elle est là. Bon et puis pour tous ceux qui sont venus en pensant passer sur la balance de Toff, eh ben évidemment. Désolé. Ce n'est pas possible. Au baltringue côtier, au PD côtier, enculé, va. Voilà, c'est ça. Mais je suis désolé, j'ai oublié la balance. Oui, bah voilà, Toff a oublié la balance. Là, félicitations, bravo. Mais c'est pas grave, ça t'empêchera pas de faire le tour pour être sûr quand même. Bah, je pèserai moi-même, hein, je prendrai dans mes bras pour faire génial, la balance. Quelle chance. Oui, à vue d'œil, tu peux balancer aussi. Oui, oui, aussi. Bon, donc Polo qui est là également avec le pipo. Il est là. Et puis, encore un coup? Ouais. Vas-y. Vas-y. Bah alors, vas-y, qui t'attend? Mais non, mais parce que j'ai mal accordé. Ah bah voilà, là, il s'est remis, là. Voilà, quel talent. Voilà, bon là il le fait beaucoup moins bien, c'est assez bizarre quand même. Mais c'est parce que en fait c'est il y a un traitement de son exprès. Ah oui, donc c'est voilà, ça. Voilà, là-dessus sur le bon, sur voilà. Le typo. D'accord, OK. Puis on a également du son hein, si vous voulez choisir du son. Kylian, c'est quoi ton son préféré actuellement? Moi j'aime bien Tsunami de Dubs. Tsunami de Dubs, d'accord, ok, très bien. Bah, je te le mettrai. Mais on m'a fait n'importe quoi dans ma machine. C'est pas grave, je te le mettrai. Il y aura déjà Backerman quoi qu'il arrive. Tu connais Kylian, t'aimes bien? Ouais. Bon, très bien. Il y a également Crewella qu'on mettra tout à l'heure là avec Live for a Night. Ça t'aime bien aussi, Kylian? Si t'aimes pas, tu peux me le dire, hein, ça me pose pas de problème. Hein. Oh ouais, non, Kylian, bien. Bon, bah très bien. Et puis après, bah Pitbull également avec Kesha. Ce sera Timber. Voilà, on se mettra en mode Texas, comme ça va être pas mal, surtout sur le début. Bon, et si vous voulez écouter des sons en particulier, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, bien entendu, sur le Twitter de l'émission. Il n'y a pas de problème, d'ailleurs, il y a DJ Block Ops qui a envoyé un message déjà. Félicitations, Sandro, le fait d'être arrivé à l'heure, pas mal, bravo. Merci, ça mérite un bon dessert. Il y a, ne t'emballe pas non plus, t'as déjà bouffé de la pizza. Il y a Reader également, Reader qui dit, désolé, j'ai pas pu être sur Nancy car boulot. Mais ce n'est pas une excuse, Reader, tu mérites un coup de pelle. Putain, il est rouillé son pipeau à Pilo, c'est Vincent, Apollo, pardon, qui a Apilo. C'est Vincent qui avait envoyé le message. Et Yaku aussi, Let's Be Freaks qui dit, moi je veux être sur les genoux de Toff et qu'il me souille. Ouais, mais bah, oui. Écoute, va falloir patienter encore un petit peu hein. Bob Block Ops aussi qui dit, en train d'écouter Mickaël No Limit, je vous kiffe, fun, merci beaucoup. Et puis salut Mickaël, est-ce que c'est beau Nancy? C'est Yvan. Oui, bah écoute, on a encore vu des belles filles comme d'habitude. Oh là là, on avait cette idée-là en tête et on est resté sur cette idée-là, donc très bien. Et Tom qui dit, équipe de fou en place. Et puis Dédé qui dit aussi, mode boulimie de tweet activé pour écouter Mickaël No Limit. Et on essaye de mettre Mickaël en top tweet tout le monde. Eh ben écoute, bah c'est gentil Tom. Hein. Et puis Lola aussi, fun, c'est la fun attitude ce soir dans Mickaël No Limit. Vous emballez pas sur les slogans, hein. Vous n'êtes pas là pour ça. Hein. n'hésitez pas, vous pourrez réagir, il n'y a pas de problème. Et puis on a des cadeaux également ce soir avec de mémoire. J'ai un iPhone 5S à vous offrir tout à l'heure avant la fin d'émission. Donc pour ça, bah, maniez-vous sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Vous verrez, je suis là avec un bel iPhone 5S. Une belle boîte magnifique. Il suffit de faire vos likes et vos partages, on tirera au sort évidemment tout à l'heure. On a également des appareils photo numériques qu'on vous offrira et puis des Wii Mini, voilà la console Wii Mini qu'on aura l'occasion de vous filer avant minuit, voilà. Et puis on a également évidemment le top tweetos, hein, on laissera pas tomber ça, comme tous les soirs vous pouvez devenir le top tweetos. Et puis le dimanche on a surprise dans le top 5, hein, donc maniez-vous, vous mettez un maximum de messages avec le hashtag MIKL, il suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag MIKL et puis à la fin de l'émission on donnera le classement des 5 meilleurs. Bon, avant de se faire également la colle, Kylian est avec nous, donc tu voulais faire une chanson Kylian, c'est ça que j'ai entendu? T'es sûr? Ouais. Tu sais que tu as du public, hein, tu t'en rends pas compte comme ça, mais dans le studio juste à côté il y a blindé de monde et donc ils seront là pour te juger Kylian. Oh là là, faut être indulgent, j'ai que 14 ans. Je vois pas le rapport. Le mec il s'assume plus, t'es. Ouais, tout d'un coup comme ça il a changé d'avis. Non mais je vois pas le rapport, Kylian. Attends, on va demander aux auditeurs qui sont passés nous voir. Est-ce que vous allez être France sur la prestation de Kylian? Oui. Ouais. Bon, très bien. Kylian, tu vas chanter quoi? Je vais chanter une chanson dédicacée pour vous, mais est-ce que c'est genre une production propre ou c'est une reprise? Ah non, tout est de moi. Ah, tout est de toi, tout, complètement. Même la musique. Ah bon, on est bien dans la merde. Il y a un titre. Ouais, c'est quoi le titre? Mickaël No Limit. Mais oui, c'est bien aussi. Ouais, pourquoi pas. C'est pas mal. Bon, Kylian, est-ce que t'as besoin de polo éventuellement en soutien? Non, j'ai pas envie de ruiner la chanson. Ouais, tu te calmes, hein. Écoute ça. Non, mais il a raison. Ah, oh, quelle horreur. Ah, mais il y a horreur. Pas de traitement de. Non, mais arrête. De son. Non, mais c'est. On m'a pas emmené, voilà. Je bon, attends, refais-le, je mets le traitement là. Vas-y. Attends, vas-y. Eh ben voilà, ça va beaucoup mieux là. Sans le traitement. T'as entendu la différence, Kylian? Ouais, carrément. Bah oui, évidemment. Donc t'es sûr que tu veux pas de polo en soutien, hein, Kylian? Ouais, je suis sûr, ouais. Bon, parfait. Même pour faire les cœurs? Ouais, non, même pour faire les cœurs, je pense. Bon, Kylian, reste avec nous. On va faire ça dans quelques minutes, Kylian, d'accord? Bon, et dites-nous, pourquoi t'as fait une chanson pour nous comme ça? En ce moment, j'aime bien faire écrire des chansons. T'as raison, écoute, Kylian. Bon, alors, Kylian, reste avec nous. Dites-nous les autres si vous avez déjà fait une chanson d'amour pour votre copain, votre copine, vous avez décidé de faire une chanson et vous êtes passé pour un ringard. Eh ben, n'hésitez pas à venir nous chanter cette chanson en direct. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. Est-ce que dans les auditeurs qui sont venus, il y en a qui ont déjà écrit des chansons? Ou des poèmes, hein? Ou des poèmes? Non? Non, si, apparemment, on balance là. Il y en a un artiste. Il y en a qui est avec nous là. Comment tu t'appelles? Tom. T'as déjà fait une chanson toi, Tom? Non. Tom qui est un animateur en herbe. Il était passé dans l'émission il y a quelques semaines, pour ne pas dire moi. Oui. Et bah viens, Tom. T'inquiète pas, on va pas te mettre sur les joues de Tof, n'aie pas peur. Voilà, c'est ça. Approche-toi, mets-toi à côté de Sandro, tu risques rien de ce côté-là. Ah, il choisit par contre, meilleur. À côté de Polo, tu risques quelque chose. Attention, il va te mettre un coup de pipeau. Attention tes oreilles. Voilà. Gueule, allez hop, roule. Bon, ça va Tom, t'as déjà fait des chansons apparemment. C'est qui? C'est ton papa? Non. C'est qui? C'est l'ami de ma mère. C'est l'ami de ta mère. Bon, c'est le beau-père quoi. Ouais. Bon, très bien. Donc, apparemment, t'as déjà fait des chansons? Non. Oh, t'arrêtes, ils viennent dire oui. Ils viennent dire oui pour encore. Pour la radio, un peu, des fois. Ah, ben voilà. Monsieur écrit des parodies, des chansons. Fait de la radio. Très Tom. Bien, Tom. Bah oui, on l'avait eu à l'antenne d'ailleurs il y a quelques mois. Très bien. Bah, Tom, reste avec nous puisque t'es là. C'est parfait. Bah, tu bouges pas, Kylian. On va se faire également la colle maintenant avec Gabriel qui est avec nous là. Salut, Gabriel. Gabriel de Marseille. Il est où, Gabriel de Marseille? Non? Gabriel, bon, on va te récupérer dans quelques minutes, Gabriel, c'est pas grave. C'était la colle, bah du coup, Gabriel, je vais la faire à ta place, la colle, on va te récupérer dans quelques instants. Alors, la colle, c'était cette musique là, je me trompe. Alors, Gabriel, donc il dit: je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle, qui suis-je? Voilà, je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle, qui suis-je? C'était bien ça, Gabriel? Monsieur Gabriel. Gabriel, parle-nous. Ici non. La police de on la FM. On n'a toujours pas. Bon, c'est pas grave. Gabriel, on va le récupérer dans quelques instants. Donc, alors, je répète la colle. Donc, je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous envoyez tout simplement M-I-K-L espace votre réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, histoire de repartir peut-être avec votre oui mini. Voilà. Si vous voulez gagner ça, à vous de jouer maintenant. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je? Bonne chance tout le monde. Et puis ce qu'on va faire, c'est que dans un instant on va revenir avec le son de Bakermat sur Fun Radio avec Van Dack. Et puis on va se remettre aussi tout à l'heure, il y a le chéri je peux te faire cocu, on s'est bien marré la semaine dernière. Et puis évidemment le grand canular bien entendu qu'on a eu l'occasion de faire jeudi soir. Et puis tous les appels de Tof. Alors il y a quoi en gros là comme choix là, si vous voulez en écouter en particulier? Bah écoute, il y a les seins. Oui. Les strings je crois. Il y avait les strings. qu'est-ce que j'ai demandé aussi Ah oui, s'ils avaient un gros sexe, non? Il y avait aussi le gros sexe. Bon, si vous voulez en écouter en particulier, n'hésitez pas à vous demander, il n'y a pas de problème. Et puis Christopher qui dit: je suis pas venu à Nancy. Gros coup de pelle, bah bien sûr. Hop là. Dans ta gueule. C'est tout ce que tu mérites. Allez, restez sur Fun Radio, on est en direct de Nancy jusqu'à minuit. Venez, déjà si vous êtes sur Nancy, venez nous rejoindre dans les studios. Et puis bah pour les autres, vous pouvez venir aussi avec un petit peu à manger, hein, si vous voulez. Hein, bon, bah, on a déjà été bien servi. Oui, sans oui, mais du repas local, mais c'est pour notre semaine. Ah pardon. Parce qu'on va reprendre avec nous, donc c'est pour ça. Allez, restez on avec mange nous. Lorrain toute la semaine. Et on mange Lorrain toute la semaine, on va récupérer Kylian dans un instant, Gabriel avec la colle. Vous toutes et vous tous en direct, où que vous soyez, 01 42 48 5000 et pour la Belgique, le 02 851 4x0. Toute l'équipe de Mickaël No Limit est en direct des studios de Fun Radio Lorraine. Sur Fun Radio. Mickaël No Limit. En direct des studios de Fun Radio Lorraine. Sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio dans toute la France, dans toute la Belgique. Venez nous rejoindre si vous voulez. Délirez avec nous. Hein. Ça se passe au 01 42 48 5000. Et puis pour la Belgique, 02 851 4x0. Retour avec Gabriel dans un instant avec la colle. Tous les messages qui arrivent également en direct sur le Facebook et le Twitter de l'émission. N'hésitez pas à venir nous rejoindre d'ailleurs. Il y a toujours l'iPhone 5S à gagner sur le Facebook. Ce sera avant minuit le tirage au sort. Donc venez tout simplement. Un bête like et un partage suffira peut-être à vous faire gagner votre iPhone 5S que je vous offre ce soir. facebook.com/mikaelofficiel. Et puis Miss Lorraine s'est mis à côté de Polo. Oh donc là là comment là te dire que lui ne se sent plus du je tout. Je ne me sens plus du tout. Voilà, il est en elle mode est catastrophe. Ce qui n'est pas ton cas avec ton bonnet, mec, je peux te dire que. Non, c'est comment te dire que ça fait très tâche hein, entre les mais deux. Mais je suis une tâche comparée à cette beauté. Non mais alors parfait. C'est alors, une beauté, alors c'est parfait. Bon, retour avec vous tout en direct avec Kylian qu'on va récupérer. Et puis vous hein, venez délirer avec nous. On est là sur Fun Radio. Ça se passe juste après le son de Bakermat qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. Et le titre, c'est un titre hollandais évidemment, ça s'appelle Vanda, qu'on revient juste après sur Fun. Hello everybody. Mickaël débarque en Lorraine. C'est Mickaël No Limit. Jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio comme chaque soir au final, hein, tous les soirs, tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat. Et bien entendu, le dimanche soir de 20h à minuit. Et puis là ce soir on est en direct de Nancy. Dans l'absolu, ça change pas grand chose pour vous. Pour nous ça change beaucoup parce que déjà on voit tous les auditeurs qui écoutent, ils sont tous là. D'ailleurs vous êtes en forme ce soir? Ouais. Voilà. Ils sont tous là en direct et puis on est surtout avec Miss Lorraine. Polo a du mal à se remettre. Polo a beaucoup de mal à se remettre. J'en pleure. Une catastrophe. Alors Miss Lorraine et Miss Crystal, c'est ça? Alors prenez juste vos micros, parlez bien devant le micro, voilà, c'est ça. Oui, c'est un petit peu phallique, mais ce n'est pas grave, vous pouvez quand même parler, il n'y a pas de souci. Ça va bien les filles? Ah oui, très bien, merci. En pleine forme? Oui, ça va, merci. Désolé de vous avoir stocké à côté de Polo. Ah mais... Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être à côté de toi. C'est ça, c'était ça ou moi, donc elles ont choisi quand même. Hein. Voilà, c'est ça. Elles ont choisi le beau gosse. Voilà, oui, bon, enfin bon. Physiquement, entre Polo et toi, vous choisirez qui... Imaginons que vous êtes à la fin, c'est la fin du monde. Voilà, c'est la fin du monde, il n'y a qu'une seule solution. Ah, il n'y a qu'une seule solution pour continuer l'espèce humaine. C'est Toff ou Polo? Je garde ma place. Oh ouais. Oh là là, on va l'entendre parler. Ça y est, alors on va l'entendre parler pendant 1000 ans là, c'est parti maintenant, c'est foutu. Et Miss Crystal? Moi je pars en courant. Ah donc toi tu préfères laisser tomber l'espèce humaine? Extinction. Je ne vous connais extinction pas. De l'espèce humaine. Eh bah bravo. Je ne bah, vous connais pas Marie. Eh ouais, bah très bien, parfait. Bon heureusement tu as quelque chose. Putain, voilà. Ça c'est un truc de fou. Mais heureusement Polo sera là pour nous sauver. Ouais bah c'est sûr. On va vous mettre les photos dans quelques minutes là sur le Facebook de l'émission, comme ça vous pourrez suivre en direct ce qui se passe dans les studios ce soir. Et puis message aussi de DJ Block Ops qui dit impatient d'être au moment de ce canular, comme à chaque fois ça déboîte dans Mickaël No Limites. Oui d'ailleurs, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, et en particulier lundi lorsqu'on a fait le chéri, je peux te faire cocu. Écoutez ce qui va se passer d'ici quelques minutes. D'accord, quoi? Il couche quoi avec qui? Il a couché avec sa mère lui? Ouais voilà, c'était en toute simplicité. Et puis pour ceux qui en veulent encore un petit peu plus, j'ai encore un autre extrait. C'est quoi, je vais descendre, mais c'est quoi, je vais t'accrocher derrière la voiture, je vais te tirer, je vais te faire bouffer le béton. Voilà, donc toujours la grande classe, toujours la gentillesse même, ouais. Bref, vraiment, vraiment la grande classe. Bon, alors Miss Lorraine, donc alias Charline. Oui, c'est ça. Très bien, alors donc qu'est-ce qui te reste comme étape là pour arriver chez Miss France? Alors, je me prépare physiquement. Je fais des pompes. Je fais des pompes, ouais. Les abdos, oui. Et ensuite, donc, c'est le voyage au Sri Lanka. Avant. Ah bah ça va, vous faites pas chier, hein, Sri Lanka. Et on a des chances, nous, à Miss France ou pas là? Si vous voulez pas qu'on vous suive, qu'on fasse l'émission en direct de là-bas. Je veux être reporter. Ouais. Ah nous, on va bien faire le reportage au Sri Lanka. Ah bah oui, pourquoi. Mais est-ce nécessaire d'aller si loin? Apparemment oui, mais d'accord. Ah bah tu m'étonnes. Bah oui. Et alors du coup Miss Crystal, c'est quoi la différence? C'est plus bas, c'est pour arriver jusque là? Non mais c'est non, quoi? Non, c'est pas plus bas en fait. Ah je sais pas. Non, je suis pas plus chum. Non, mais ça n'a rien à voir. En fait, on a toutes les deux été candidates à l'élection de Miss Lorraine, donc on a fait l'élection le 19 octobre dernier. Ouais. Et Charline a remporté le titre, mais j'ai et fait. Et toi, t'es la loseuse dans l'histoire. Oh, oui, mais tu sais ça. Ah, si, elle a mérité. T'es la dauphine, c'est ça, en gros. T'es rancunier, Toff. Hein. Totalement. Mais en même temps, ça se voit. Enfin bon. Oui, alors. Non, je suis pas la dauphine non plus, mais je conserve mon titre de Miss Crystal pour la ville de Baccara, et donc voilà. D'accord, ok. Je suis avec vous ce soir. Très bien. Super belle voix. Vous entendez cette petite voix cassée là? Elle se barre, si jamais. C'est pas grave, je l'aime quand même. Oh, c'est gentil. Toi, t'es pas rancunier, pas. Lui, il est. Non, il vaut mieux pas. Moi j'ai tous les défauts. Il vaut mieux pas. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit jeu. D'accord. Histoire de voir de quoi. Qu'est-ce que t'es pas prêt encore? Bah si, moi je suis prêt. Mais... Ah bah parfait, très bien. Bon, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, on y va. Alors attention. Donc on va se faire un petit jeu maintenant, à voir si vous connaissez bien votre région. D'accord. Vous venez bien d'ici, on est d'accord. Hein. Vous venez bien de la Lorraine, tout ça, etc. Donc normalement vous êtes incollable. Ah Marie, hésite. En théorie. Ah Marie, tu viens d'où toi? Ah si, je viens de Nancy, mais j'ai déménagé 14 fois avant de revenir en Lorraine. 14 fois. En fait, je suis nomade. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, alors le concept est très simple. Vous allez jouer face à Sandro. Hein? Oui. Attends, moi je viens pas de Lorraine. Non mais t'inquiète pas. Toi t'es juste là pour perdre. Ouais, toi t'es juste là pour perdre. Donc concrètement, je vais vous poser des questions évidemment de la région. D'accord. Donc si jamais tu réponds bien, enfin vous répondez bien, vous pouvez jouer à deux évidemment. Hein. Sandro boit. Bois un petit verre, voilà, bois un petit shot de Mirabel, c'est l'alcool du coin. Et si jamais tu réponds mal, bah à ce moment-là c'est vous qui devez prendre une petite gorgée. D'accord. Voilà. Alors nous on prendra de l'eau, hein. On prévient par contre. Oui, non mais t'inquiète pas. Oui, c'est de l'eau, regarde. C'est de l'eau, on a mis ça dans une bouteille spéciale, mais en fait c'est de l'eau, t'inquiète pas. Va. Bon alors on y va. Première question, combien de départements compte la Lorraine? Alors. Attention. 5, elle dit 5. Non, non, attends. 4. Alors les miss, non, combien? 4, c'est une bonne réponse. Sandro, santé. Allez, un petit coup de pipeau. Tu bois pas tout. Non, une gorgée. Non, mais bois pas tout. Oh, comment ça, c'est la Mirabelle? Mais non. Bois pas tout. Une petite gorgée. Ça suffit. Elle a même pas encore avalé quoi que ce soit là. Une petite gorgée, une toute petite gorgée, léger. Je préviens, je dégueule sur vous les filles. Ah non, non, ah, non, non, tu peux y aller sur Toff. Intérêt de perdre. Attends, j'en ai un intérêt. Pas sur Miss Lorraine. Ouais, ouais, tu peux y aller sur Toff. Tu peux y aller sur Toff. Je mettrai mon corps sur voilà. pour la protéger. Bon, question suivante. Combien de Miss Lorraine ont gagné le titre de Miss France? Aha. Aha, ça fait moi les malins là, hein. Enfin, maline en l'occurrence, hein. Bon, alors attention. Voilà, donc pour l'instant, il y a une bonne note, effectivement. Voilà. Ce qui nous fait. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a Sophie Talman. Ouais. Voilà, parce qu'on a pris 3 secondes. Ouais, d'accord. Non, non, non, pas 3 secondes. Alors vas-y. Allez, on va dire 2 secondes. Alors Charline, moi je vais répondre Charline Miss France en fait. Pour combien? On va dire 3. 3 oui. 3 Miss Lorraine. Sandro Santé. Voilà, il y avait Isabelle Krumacher en 73, Sophie Perrin en 75 et puis Sophie Talman en 98. Un vivier de Miss France. Eh, tu vois, le deuxième passage il passe mieux. Hein. Le premier t'as failli tout cracher, le deuxième il va beaucoup mieux quand même. Non mais je vais sentir le Ricard et tout. Mais non, pas de Ricard. Non, c'est d'une Mirabelle. Ouais mais je vais sentir Ricard. Le vieux poivreau. Mais non. C'est pas grave. Question suivante. Quelle est la préfecture de la Lorraine? Je peux vous envoyer des compiles, hein. Même si vous perdez. Surtout si vous perdez. Voilà. J'ai des autocollants. Quelle est la préfecture de la Lorraine? C'est Metz. C'est une bonne réponse. Santé Sandro. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Santé Sandro. Vous passez déjà à côté d'une console. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, santé Sandro. Question suivante. Je vais te bourrer. Mais non, question suivante. Il est 20h27. C'est une idée du boss ça, non? Non, pas du tout, c'est une idée à nous. C'est une idée à nous, tout simplement. Non, on vous a donné de la Mirabelle, on vous a dit qu'il fallait voilà. goûter. Alors nous on goûte. Est-ce que le poète Paul Verlaine est originaire de Lorraine? Oui ou non? Vrai ou faux? Ça triche, ça triche. Mais non, ça triche pas, il y a ça rien. C'est sérieux là. Bon, un oui. poète, un poète. Bon, alors vrai ou oui ou non, on a des PS3, on a des PS3 les mais filles. Mais t'as rien sans drone quoi, on l'a filé tout à l'heure. Tu peux négocier des PS3. Mais tu peux négocier que dalle. Des places à Starfloor, non? Bon, oui, combien t'en veux? Non, non. Père, je t'en file. Bon, non, alors non, les miss, oui ou non? Oui. Et santé Sandro. Ça, j'ai de la chance ce soir. Allez. Et la dernière question, t'inquiète pas. Quel talent. Ah, je vais vomir. Mais non. Sur Toff, là. Oui, sur Toff, uniquement mais sur Toff. Je préviens avant que j'ai le temps d'enlever l'ordi. Ah non, il y aura vengeance sur les filles, je vous préviens les et filles. Et enfin, dernière question. Cite-nous une élection qualificative pour l'élection de Miss Lorraine pour Miss France. Combien de places tu voulais? Je répète. Cite-nous une élection qualificative pour l'élection de Miss Lorraine pour Miss France. Alors je vais dire le voyage. Miss Cristal, santé Sandro. Ouais, la ouais, c'est solidarité pas mal. Féminine, j'adore. Bah attends, mais elles sont solidaires entre elles. Pour jouer. Voilà, elles sont solidaires entre elles. Moi, quel est le problème? Ah, tu as bien bu. Espèce de pochetronne. Tu mérites un coup de pelle dans la tronche. Tiens, tout ce que t'as mérité, voilà. Aïe. Eh ben voilà, il y a DJ Blokov qui dit elle va être bourrée Sandro à la fin de l'émission. Oui, surtout qu'on a encore prévu 10 jeux comme ça avant la fin de l'émission, donc je pense qu'on va bien se marrer. Hein. J'ai déjà un petit peu chaud là. Ah oui, c'est étonnant, tiens. Kylian, tu crois qu'elle va bien se sortir là, Sandro, d'ici à la fin de l'émission? Ouais, je pense, ouais. Ouais, bon bah très bien, écoute, bah, alors ça. Vu comment elle tape maintenant sur son ordinateur, ah, ouais. Qu'elle est bien là. C'est-à-dire qu'elle tape beaucoup plus vite qu'avant, hein. Et puis il y a Dédé qui dit je m'amuserai pas à écrire une chanson car j'ai pas envie d'être la risée du monde. Et alors Echo qui dit allez Polo dans ta gueule, ça c'était par rapport à ce que Miss Christelle avait dit tout à l'heure, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et puis un message aussi, Christopher qui dit super, elle laisse tomber l'espèce humaine. Ouais, bravo. Hein. Les auditeurs sont pas contents, ils sont scandalisés. Tu préfères encore laisser tomber l'espèce humaine que te taper Toff ou Polo quoi. Alors Polo, moi Polo. Je me donnerais 100%. Ah oui, ça oui, contrairement à sauver pour l'espèce humaine. Bien sûr. Le et moi, même s'il n'y a pas de raison, je me donne. C'est oui. Le contraire m'aurait étonné, effectivement. Bon, donc du coup, comment ça se passe pour la suite alors pour les mises? Donc tu vas au Sri Lanka? Oui, voilà. Ça se passe de quand ça? C'est le 11 novembre. Ok, je suis pris. Je suis pas pris, je suis disponible. Pas de problème, 11 novembre, je serai là combien de temps? Donc c'est environ une dizaine de jours. Parfait, et je serai de retour pour le Starfloor le 23 novembre. Impeccable, nickel. Mais tu pars avec Geneviève ou rien à voir? Ah non, non, ça rien fait un à moment voir, que Geneviève est plus dedans. Hein. Ah bon? Ça fait juste 3 elle ans ou 4 ans. Oui, elle est décédée. Mais non, Sandro, elle a été virée. Ah, ils l'ont virée les salauds. Mais oui. Oh c'est l'alcool. Là. Mais t'as vécu en quel monde là dernièrement là? J'étais en Inde. C'est Pipo qui rigole. Ah mon dieu, mon dieu. Oh, il y a le comité Miss France au téléphone, il voudrait parler. Je suis désolée. Non, je crois qu'elle aurait préféré de décéder. Bon, enfin bon, ça, chaque oh, c'est pas gentil. Mais non, mais ça arrivera à un moment ou un autre. Mais oui, mais écoute, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux. Bon, donc du coup, une dizaine de jours au Sri Lanka. Oui, voilà, et ensuite, donc on revient vers Dijon pour les répétitions. Ah, ça va être dur, hein. Le Sri Lanka-Dijon, je peux te dire que psychologiquement, ça va être compliqué. Hein. Et Marie, toi, tu bouges, toi, tu vas pas là-bas, toi, évidemment. Moi, non, j'aurais bien aimé, mais ah, moi, ouais, je la retrouverai à Dijon pour venir la soutenir. Ah ouais, donc toi, tu passes, tu fais Nancy-Dijon, quoi. Voilà, Nancy-Dijon, ça. Ligne directe. Bon, bah, très bien. Non, mais très bien, très bien. Bon, reste encore un petit peu avec nous, les filles. Reste, bah, j'imagine, ouais. Il y a Adam qui dit, ça fait une semaine que j'écoute et j'ai toujours pas eu mon message d'accueil. Comment ça? Voilà, bah tu l'as eu ton message d'accueil, il y a aucun problème, il y a aucun problème. Il y a Nicolas qui dit c'est mieux que le sexe, mais je ne sais pas de quoi il parle, mais je suppose que oui. Je pense qu'il parle de l'émission. Ah peut-être, ah bah oui, si c'est l'émission, alors évidemment. Et puis Emeline qui dit moi je suis désolé, je suis malade, je peux pas venir vous voir ce soir. Mais c'est quand même décevant, c'est vraiment dommage. Tout ça parce que t'as un petit rhume, c'est honteux. Mais oui, c'est ça, c'est pas une excuse, ça mérite un coup de pelle, ça, voilà. Bon, Kylian, reste avec nous, il y a Mehdi dans quelques instants qui voulait aussi réagir. Salut Mehdi. Mehdi. Mais ils sont tous absents. Bah oui, on dirait qu'il y en a, t'as vu, hein. On va essayer Gabriel. Gabriel. Je pense qu'il n'y a qu'une seule ligne qui marche et c'est la une. Kylian, surtout ne bouge pas de là, tu vas être très bien. T'es là, Gabriel? Ouais. Ah, Gabriel est de retour, parfait. Mehdi, t'es là? Ouais. Ok, impeccable. Bon, bah bougez pas, Mehdi, tu vas nous parler de quoi, toi, dans un instant, Mehdi? Des paris sportifs. Ah, très bien. Tu gagnes ou tu perds? Maintenant je perds. Ah ouais. On est deux. C'est le problème tout le temps, Mehdi, hein. C'est qu'au début tu gagnes, tu te prends pour Dieu le père, et puis bah forcément ça arrive une catastrophe. Ne bouge pas de là, Mehdi. Ne bouge pas de là, Kylian. Bon. Gabriel, on va te reprendre dans quelques minutes par rapport à la colle pour gagner votre mini. On fait ça dans quelques minutes et je vais vous mettre également l'énoncé sur le Facebook de l'émission comme promis. Le temps d'écouter le son de Crewella maintenant sur Fun Radio avec Live for the Night. Et on est en direct de Fun Radio à Nancy, hein, toute la soirée jusqu'à minuit sur Fun Radio. Venez nous rejoindre 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. No Limit, Mickaël, en direct des studios de Fun Radio Lorraine jusqu'à minuit. Mickaël, No Limit. Sur Fun Radio. Et oui, on est en direct sur Fun Radio comme tous les dimanches, hein, de 20h à minuit. Si vous voulez venir délire avec nous, et ben un seul numéro, enfin deux en l'occurrence, 01 42 48 5000 pour la France et 02 851 4x0 pour la Belgique. Je rappelle que si vous êtes d'ailleurs dans un autre pays, puisqu'il y en a beaucoup qui nous écoutent aussi via internet ou via l'application Fun Radio, vous pouvez aussi nous joindre en faisant le 00 33 1 42 48 5000. Voilà, et puis vous êtes les bienvenus. Vous serez les bienvenus comme Gabriel qu'on va récupérer là maintenant, là, le Marseillais. Il est là, le Marseillais. Gabriel? Attends, t'entends mal. Gabriel? Ouais. Ah, parfait. Oh là là là. Alors, Gabriel, le Marseillais, donc, qui avait la petite colle de ce soir. Alors, on va mettre la petite musique de la colle, évidemment. Alors, on t'écoute, Gabriel. Fais péter la colle. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je? Je respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle, c'est ça? C'est ça, très bien. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je? Alors, il y a des réponses qui sont arrivées. On proposait le vent. Non. Un ventilateur, pas mal. Non. Une bouteille d'oxygène. Non plus. Une baleine. Non. Non. Une tornade. Non. Un ballon. Non plus. Un climatiseur. Non. Non plus. Bon bah très bien. Bon bah les autres, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique par SMS. Et vous répondez correctement à la question, je ne respire jamais mais j'ai beaucoup de souffle, qui suis-je? Et je vous ai également mis la petite photo de la Wii Mini qu'on vous offre, comme ça vous visualisez. Et en plus de ça, vous avez l'énoncé, donc bah rejoignez-nous sur le Facebook de l'émission. Vous allez sur M-I-K-L officiel, voilà, facebook.com/M-I-K-L officiel. Vous avez la question, la boîte de la Wii que vous allez pouvoir gagner, donc je vous souhaite tout simplement bonne chance. Gabriel qu'on va récupérer dans quelques minutes, et avant de remercier les Miss qui sont passées nous voir, bah oui je sais bien, on peut pas dégager Toff à la place. Écoute, c'est vrai que réflexion faite, vous voulez pas travailler dans la radio les filles avec vous? Ah bah oui, pourquoi pas, la, je me sacrifie à la place de Toff, franchement. Ouais, on peut le découper sur la place Tan. Sandro, voilà, on les mettra Miss au milieu. Et nous. Exactement. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Bon, Kylian, t'es avec nous là. Kylian? Ouais. Ah, très bien. Alors, Kylian de Caen, donc, tu voulais nous faire une petite chanson, toi, c'est ça? Ouais. Bon, on va garder les Miss avec nous, comme ça, elles nous donneront leurs avis de professionnels de la chanson. Vous avez déjà chanté, les filles, ou pas? Non. Non. Vous êtes tombée amoureuse d'un garçon un jour, jamais vous avez, eu envie de chanter une chanson pour lui, ou inversement, est-ce qu'un garçon vous a peut-être fait une déclaration d'amour en chanson ou en poème? Non, jamais. C'est honteux, je t'écrirai un poème. Oh, génial. Et il te fera une chanson au pipo. Une chanson au pipo. Voilà, attention, attention. Pipo, 3, 2, 1. Quel talent, Le plus dur, c'est le vibrato de la fin. Oui, exactement. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que vous trouvez qu'il joue vraiment bien du pipo? Alors là, on essaie. Quand même. Ah, elle est séduite. Marie est séduite. C'est terminé, Marie. C'est fini entre nous. Voilà. Ça n'a jamais commencé. Je suis fidèle à Charline. C'est ça. Il est fidèle à Charline. D'ailleurs, elle s'est installée directement à côté de lui et tout. Elle a bon goût. Il s'est passé quelque chose tout de suite dans le regard. Ah, directement, ouais. Il y a eu un truc. Chez Charlie, il y a eu un truc directement de dégoût dans son regard. Et c'est ce qui s'est passé tout de suite, ouais. C'est ça, Charline. Je peux le dire, hein. Non. So sweet. C'est mignon. Il se passe un truc, je t'ai dit. Mais il se passe un truc de dégoût, oui, certainement. Arrêtez votre jalousie, ça suffit. Mais il n'y a pas de mal, t'inquiète le pas. Le sous-sous-chef aussi est jaloux. Exactement, oui. Il est très jaloux, le sous-sous-chef. Sous-chef, voilà, c'est ça. Bon, Kylian, alors, la chanson pour nous, c'était quoi? C'était... Je vais la faire. Ah bah, écoute, avec plaisir, vas-y, Kylian. Ah, vous êtes prêts? Vas-y, on t'écoute, Kylian. Et attention, j'attends vos avis après sur le Twitter de l'émission avec le hashtag et Mickaël. Que pensez-vous de la prestation de Kylian? Ok, bon bah je suis prêt. Vas-y. Ce soir, je rentre d'une soirée, je suis complètement claqué. Je suis hyper fatigué, mais j'ai envie de rigoler. J'ai pas oublié, il y a mon émission préférée. Voilà, radio, je l'allume vite. C'est Michael No Limit. Avec Michael No Limit, on parle pas que de beat. Un coup de pelle pour Toff, et ça y est, c'est la teuf. Avec lui, il y a pas... J'adore son pipeau, il y a aussi Toff et sa mobilette. T'as de la chance, j'ai qu'une bicyclette. Qui c'est qui répond quand on l'appelle? Ouais, c'est Sandra, elle est vachement belle. Et il y a Michel, l'animateur radio. Toi aussi, tu l'adores, gros. Avec cette équipe qui est vraiment équipe épique, on rigole tous à fond, sans exception. Cacariser une voiture, c'est pas sympa. Mais t'inquiète pas, tu t'en remettras. J'ai pas eu mon message de bienvenue. Ouais, j'ai pas eu mon salut. Tu sors le lance-flamme et on brûle ta femme. Ma chanson, tu l'as kiffée. Malheureusement, elle est terminée. Ah, c'est du rap, hein. Ah oui. Ah, Kylian, ouais, t'as pas eu ton message de bienvenue? Non. Attends, je vais te le mettre. Bah, tu dois te faire foutre et puis c'est tout. Tu me casses les couilles. Bah voilà, tu l'as eu ton message de bienvenue, là, Kylian, là. Hein. Kylian? Ouais. Ah bah voilà, tu l'as. Eh bien, Kylian, qu'en ont pensé les auditeurs qui sont là, vous en avez pensé quoi? Bien, pas bien? Vous avez aimé ou pas? Bah venez, approchez-vous parce qu'on vous entend mal. Mais qui sont mous? Très bien. Ah et Kylian, apparemment t'as quand même des fans Kylian. Ouais. Et qu'en ont pensé les bis? Nous on signe, Kylian, c'était pas. Ah tu signes, bah voilà Kylian. On n'a pas demandé à Charline, la femme de Polo. De bonnes rimes. Merci. Je juste l'Alexandre, hein, là. Ouais, je te voilà. Ta femme. Ouais, ouais. Exactement. Ça faut le changer. Bon, Kylian, attends, reste un petit peu avec nous encore. On va vous remercier, mesdemoiselles, d'être passées. Bah, merci à vous. Avec grand merci plaisir. Vous revenez quand vous voulez, hein, Charline et Marie, sans problème. Merci. Et de toute façon, on se reverra au resto, parce qu'en général, ils m'invitent, Polo, à manger. Donc, comme vous êtes un nouveau couple, j'imagine qu'on mangera ensemble, quoi. Il s'incruste. Ah oui, je m'incruste évidemment. Hein. Merci beaucoup les filles. Bonne chance pour la suite, bonnes vacances. Hein. Ah oui, c'est gentil. Merci. Allez, tu nous enverras une petite carte postale. Pas de soucis. Ouais, mon cul, j'en ai rien du tout. Vas-y. Alors, je voulais juste faire une petite dédicace aux pétresses de Brabois, qu'on est en partiel demain, alors bonne chance. Très bien, parfait. Bon. C'est comme ça que tu révises. Voilà, bravo. C'est ça. Ouais. Bravo. Hein, bon, merci les filles. Et Toff va vous raccompagner. Oui, je vous ramène dans l'ascenseur. Bon, allez, restez sur Fun Radio. On va revenir dans quelques minutes avec, comme promis, évidemment, la rediff de notre grand chéri, je peux te faire cocu, de la semaine dernière. On aura Mehdi, on aura Gabriel avec la colle. Et puis vous toutes et vous tous en direct avec le son de Pitbull dans quelques minutes sur Fun Radio. Pitbull avec Kesha, ce sera Timber sur Fun. Toute l'équipe de Mickaël No Limit est en direct des studios de Fun Radio Lorraine. Sur Fun Radio. Hello everybody. Mickaël débarque en Lorraine. Mickaël, c'est Mickaël No Limit. Fun. Jusqu'à minuit. On est sur Fun Radio en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. N'hésitez pas à venir taper la discute avec nous. Vous êtes les bienvenus, hein, comme Greg qu'on va prendre dans quelques minutes, qui était sur la place Tan tout à l'heure et il nous a loupé. Bravo à lui, Greg. Hein. Bravo, Greg. Hein. Bravo. Eh ben coup de pelle. Vous m'aviez dit de venir. Bah je suis venu mais vous étiez plus là. Eh ben non, mais t'es arrivé à quelle heure, mec? Bah, j'arrive à 18h, je te l'ai dit. Que ah, mais oui, mais à 18h, on a juste eu fini. On avait filé les 10 places là pour Starfleur. On avait filé la console PS3. Il fallait venir plus tôt, Greg. Pourquoi tu viens pas ici là? On est dans les studios de Fun Radio à Nancy. Bah, je peux pas, je suis un peu trop loin. Oh là là. Mais qui est mou? Mais t'as raté les Miss Lorraine, y'a des auditrices de partout là. Greg, mec. T'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. On a même de la Mirabelle. Exactement. Je vous mets d'ailleurs les photos de Miss Lorraine dans quelques minutes, qui était passée nous voir il y a quelques instants. Oh, justement. Mais je suis amoureux. Ah bah oui, mais pas elle, hein, visiblement. Hein, enfin bon. C'est pas bon, vrai, je Greg, l'aime. Reste avec nous. On va parler avec toi dans quelques instants. On aura Mehdi également. On aura Gabriel le retour avec sa colle, bien sûr, pour repartir avec la Wii Mini que je vous offre ce soir sur Fun Radio. Et ne loupez pas également l'iPhone 5S que je vous offre tout à l'heure. Ce sera avant minuit, tirage au sort sur Fun Radio. Parmi tous ceux qui auront fait un like et un partage sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Je vous l'avais promis, on va se mettre en mode Texas maintenant sur Fun Radio avec le son de Pitbull et Kesha. Allez, Mexico. C'est parti. Non, pas Mexico, Texas. Ah, j'ai dit Mexico. Ah, pris pour une vache. Voilà. Allez, Pitbull et Kesha maintenant, c'est Timber. On est en direct jusqu'à minuit. Bienvenue tout le monde. Mickaël, en direct des studios de Fun Radio Lorraine. On est en direct effectivement sur Fun Radio avec Mehdi dans quelques minutes, avec Greg également, et puis avec plein d'auditeurs qui sont venus nous voir là. Notamment une petite toffe, regarde, tu lui fais peur là, la pauvre. Désolé, pardon. Elle s'appelle Cristal, c'est ça? Bah Cristal, alors, t'as peur de Toff? Bah oui, mais je sais. Il est moche, hein. Mais oui, avec des... C'est pas de sa faute. Hein, ça va Cristal? C'est Halloween, regarde, il s'est déguisé. Ah non, il s'est déguisé en citrouille, c'est top. Ça va Cristal, dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Non. Ah mais la peur de Toff, je suis sûr que s'il sort, c'est ça mieux. Là, la peur de Toff, mais c'est normal en même temps, c'est normal. On est désolé. Attends, je me cache. C'est vrai qu'en règle, ça va mieux. Voilà. Ça va Cristal. Ah là elle a parlé, ouais, loin du micro, mais elle a parlé. Tu vois, finalement ça marche. Hein. C'est la tête de Toff. Mais que fait le CSA? Il faudrait l'interdire, tu vois, en dessous de 18 ans, les gens ne peuvent pas le voir, quoi. C'est scandaleux. Un sac, peut-être. La prochaine délog, je viendrai dans une boîte et je serai tout seul dans ma boîte. Et bah parfait, c'est une très très bonne idée. Bon, ça va tout le monde? Ah, nous avons l'autrice qui était passée avec nous la semaine dernière et qui a rigolé pendant 1h30 à peu près, hein, dans le standard. Approche-toi de Sandro ou de Polo, comme tu veux, peu importe. Comment tu t'appelles encore, rappelle-moi? Allison, et oui, c'est ça, c'est vrai, Allison. Allison qui était dans le standard et qui rigolait, et là, c'est pareil. Rigolait encore. Et c'est reparti. Et ben, c'est reparti. Non, je rigole pas, c'est mort. Comment ça, tu rigoles pas? Tu sous-entends qu'on est pas drôle? Non. Quoi? Ah d'accord. Voilà. Eh ben, très bien. Moi, vous êtes pas drôle. Eh ben très bien. Eh ben, tu sais quoi? Soit tu dis qu'on est drôle, soit c'est Toff qui te raccompagne. Ah bah il peut me raccompagner, il y a pas de soucis. Ah bon? Quel beau gosse! Bah, enfin. Oh là là! Le combat Toff Polo ce soir, un partout, la balançante. Ouais. Exactement. Ouais. Elle est là, la petite. Exactement. Qui ça, la petite quoi? Celle-là, là. Elle est où? Là, elle est où? On voit mal. Elle va faire des photos. Ah oui, mais... Oui, Polo qui a failli se marier encore sur la Plastane tout à l'heure. J'ai failli me marier sur la Plastane. Exactement, oui. Comment t'appelles-tu? Colline, on t'entend mal. Elle est magnifique. Colline, attends, approche-toi, Colline. On fera des photos, rassurez-vous. Faut que je les mette, je suis un petit peu à la bourre là. Miss Lorraine encore qu'on va mettre dans quelques minutes sur le Facebook et le Twitter. Sur Mickaël officiel. Comment ça va, Colline? Bah ça va bien. Polo, t'as pas fait peur tout à l'heure sur la Plastane? Non, il est super gentil. Ah bon? Oh là là. Je vais venir m'installer ici, je crois. Oui, mais tu devrais, hein. Tu devrais. Bon, bah écoute, Colline, sois la bienvenue, hein. Polo va t'offrir un petit verre dans quelques instants. Ouais, j'arrive. Oh, ouais, c'est ça, un mode beau gosse. Quel beau gosse, c'est Polo. Ouais, je sais. Mais oui, bien sûr. T'es venu tout seul, Colline? Non, avec une copine. Ah, sinon Polo aurait pu te ramener en taxi, mais il aurait pu te ramener. Mais... C'est bon. Et ou à pied, il aurait pu te promener dans les rues. Ouais, c'est vrai aussi, effectivement. À pied. Bon, retour avec Greg dans quelques minutes. Et puis souvenez-vous, c'était cette semaine, on a fait les appels avec Toff. Oui. Oui, bah oui, de grands appels. Oh bah toujours. Bah oui, on va se mettre lequel là dans quelques instants. Bah, comme tu veux. Bah je sais pas moi. Je propose les éjacs précoces alors. Ah les éjacs précoces, bah oui, très bien, ouais, ça me paraissait pas mal ça. On avait fait quoi exactement? C'était quoi le thème? Bah c'était de savoir si les gens avaient des problèmes d'éjaculation ou pas. Exactement. Puisque un Belge sur trois malheureusement souffre de ce problème. C'est vrai qu'un Belge sur trois. Donc, on s'est demandé si en France c'était pareil. Voilà, donc du coup on avait fait les appels. Bah ce que je propose c'est qu'on écoute le premier maintenant. Allons-y. Allez, bah c'est parti. Ouais. Oui, allô? Ouais. Oui, bonsoir monsieur. Oui. Voilà, en fait, je vous appelle parce que un Belge sur trois est éjaculateur précoce. Et du coup, je voulais savoir comment ça se passait pour vous. Et d'où tu me poses une question comme ça, toi? Bah, pour savoir, monsieur. Ah bah voilà, donc ça a été relativement rapide oui. Mais rassurez-vous, on avait rappelé hein, cette semaine. Donc voilà, pour ceux qui ratent les émissions entre 23h et 2h la semaine, ça se passe comme ça. On avait donc encore une fois rappelé afin de continuer cette enquête, évidemment. C'est parti, on rappelle. Ouais. Oui, excusez-moi, on a été coupé, j'ai pas eu votre réponse. Non, c'est moi qui ai raccroché. Bah, ça se fait pas, monsieur, vous aviez pas répondu. C'était quoi votre question ? Bah, je voulais savoir si vous aviez des problèmes d'éjaculation. Et mes couilles sur ton nez ? Bah, je vois pas le rapport, monsieur. Bah, tu vas me laisser tranquille, s'il te plaît ? Bah, d'accord, mais répondez à ma question, monsieur. Bah, non. C'est pas grave si vous en avez un, monsieur, ça, c'est anonyme, hein, donc y a pas de souci, vous pouvez me le dire. Ah, c'était quand on avait eu la rencontre avec mes couilles sur ton nez. Oui, après avoir eu un clito sur le front. Oui, après le clito sur le front, il y a eu également et mes couilles sur ton nez, qui était quand même très sympathique. J'ai aussi failli être décapité par une bite. Oui, aussi, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, oui, tout ça est vrai. Tout ça est vrai, il y avait ça. J'ai coupé la tête avec mon pénis, ok. Voilà. Un mec s'était un peu énervé. On l'avait rappelé encore, je me souviens plus sur le rappelé. Non, c'était tout. Bon, on en fera d'autres tout à l'heure, évidemment. Et puis on a aussi le chéri, je peux te faire cocu, qui va débarquer d'ici quelques minutes. Mais avant cela, récupération de Gabriel de Marseille, afin de refaire évidemment un petit tour du côté de la colle ce soir. Allô, Gabriel. Oui. Oui, alors, c'est dommage que, bon, évidemment, t'es à Marseille, mais c'est dommage que tu sois pas venu jusqu'à Nancy. Là, on est bien, là. Hein. On est plutôt bien installé, tranquillement, tout va bien. Polo est content. Il a de... Ah, mais on va venir à Marseille, t'inquiète pas. Hein. Allez, ça va. Oui, t'inquiète pas. Tu viendras nous voir, Gabriel. Et bien sûr. On viendra sur le vieux port. Eh ben, très bien. En plus, le studio de Fun est sur le vieux port. Ah, mais t'inquiète pas, mais pas du tout. On viendra avec le maillot de Marseille, Gabriel. Ah, ben c'est bon alors. Voilà. Bon, Gabriel, vas-y, fais péter la colle pour peut-être repartir avec la Wii Mini. Si je rappelle que si quelqu'un trouve la réponse à ta colle et qu'on l'appelle en direct avant la fin d'émission, il gagne. Et si, s'il décroche pas ou qu'il n'a pas la bonne réponse, c'est toi qui gagne, Gabriel. Vas-y. Alors, je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je ? C'est ça ? C'est ça. Bon, très bien. Il y a Brian qui dit « Et mes couilles sur ton nez ». Oui, mais ça n'a rien à voir, Brian. Un train vapeur, c'est Yvan qui proposait ça ? Non. Non, il y a Camille avec un K qui proposait une pompe à vélo. J'imagine que le V était en trop. Non. Là, Samuel qui proposait le feu. Non plus. Non, sur Facebook encore, il y a Yann qui proposait « Le vent ne respire jamais, mais a beaucoup de souffle ». Non. Non, un moteur. Non. Rien. Oui, pourquoi pas, c'est une idée. Possible, mais ouais, non. Mais non, je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. On proposait un sèche-cheveux. Non. Un chalumeau. Non plus. Un moustique. Non. Un climatiseur. Non. Un ouragan. On va y arriver, hein. Non. Et enfin, une pompe à air de Didier. Non plus. Ah, on proposait un trou de cul également, pardon, je viens de le voir. Non, bon bah tant pis alors, c'est pas grave. Bon, eh bah écoute, c'est pas grave, hein, Gabriel, hein, en attendant, pour l'instant c'est tout bénéf pour toi, si personne trouve, c'est toi qui gagne la Wii Mini, donc c'est plutôt cool. Bah oui, donc Gabriel, voilà, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS maintenant au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle, qui suis-je ? Bonne chance, Gabriel. On donne la réponse aux alentours de 10h-10h30. Pas de soucis. Parfait. Et les autres, vous pouvez aussi jouer, bien entendu, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. On va se faire le chéri, je peux te faire cocu maintenant. Hein. C'était un grand moment. C'était lundi dernier. On va en refaire un autre demain, évidemment. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous êtes les bienvenus. Vous vous inscrivez maintenant. Vous appelez directement le standard 01 42 48 5000 02 851 4x0. Et puis, bah, vous pouvez aussi faire un mail directement à Sandro pour vous inscrire. sandro@funradio.fr. Bon, on va écouter ça maintenant. C'était lundi dernier. Et on va rejouer, évidemment, demain avec d'autres cadeaux à gagner, notamment des Wii Mini, des appareils photo numériques, etc., etc. Le chéri, je peux te faire cocu, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Allô. Ouh, allô, Fabien. Dès le début. C'est Héloïse, je t'appelle. Bah d'abord, ça va? Ouais, ça va, tranquille, ouais. Ouais, je t'appelle parce que je voulais t'avouer quelque chose. Tu te rappelles, la semaine dernière, j'ai été me promener toute seule à la gare Pardieu, enfin au centre commercial. Ouais. Ouais, tu te souviens? Et en fait, là-bas, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Ouais. Et en fait, il m'a invité à boire un café. Ah bon? Oui. Et c'est un homme d'affaires qui voyage beaucoup. Il s'appelle Michel. Ouais. Ah bon. Et on sait beaucoup plus. Et voilà, et puis en fait comme il voyage énormément, et il m'a proposé en fait de coucher avec lui, donc je te demande l'autorisation. Mais t'es malade toi, non? T'as un grain dans la tête là. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ah mais en plus il est avec toi là. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, qu'est-ce qu'il dit quoi? Héloïse, est-ce qu'il est d'accord? D'accord quoi? Il couche quoi avec qui? Il a couché avec sa mère lui. Attends, mais passe-le-moi si tu veux. Ouais, bah passe-le-moi. Bah, je te passe Michel. Il s'appelle Michel. Parfait. Ouais. Allô? Oui.

Écoute, oh, c'est quoi là, toi tu viens de me mettre l'attention là. Oh qu'il est bête. Toi ton pélo là. Oh qu'il est bête. Il s'appelle Michel, hein, c'est pas mon pélo. Mais non, mais, hein. Ouais, mais je m'en bats les couilles. Oh, qu'il est bête. Je sais pas qui, ou même s'appelle Gérard ou Christian. Tu dis, c'est quoi? Oh non, reste là, je vais descendre. Et on va et même le mec d'hôtel, là, qui m'a dit. Bah, attends, déjà, bah, écoute, si tu veux, au pire, on fait un plan à trois. Bah, moi, je suis d'accord. Hein. Ah, bah voilà, en plus, Michel si est d'accord. Si tu peux me permettre, moi aussi. Oui, non, bah, merci, monsieur. Écoute, c'est quoi, on va faire un plan à trois. Moi, tu vas me laisser avec lui, là, dans une chambre. Et moi, je vais faire un plan avec lui. Ah, bah, non, est-ce que t'as une paire de seins? Ouais, ouais, mais tu vois, mais j'ai autre chose. Bah, j'ai une paire de couilles, tu vois, comment je vais te la faire. Oh, comment il se la ramène. Mais t'inquiète pas, rien. Dis donc, Héloïse. Héloïse, il m'a l'air un petit peu énervé. Il s'énerve rapidement, hein. Ah, non, mais attends, mais tu te prends pour qui, toi? Mais t'es avec ta gonzesse, machin. Attends, ça fait combien de temps que ça dure, cette merde, là? Ah, mais on s'est rencontrés la semaine dernière, c'est la première fois qu'on se voit. Mais oui, mais on a encore rien fait. On est tombé follement amoureux en plus. Ouais, ouais, follement amoureux, mais dis-lui, je vais me mettre amoureux de lui, là, bientôt. Là. Ah, bah, c'est parfait. Je vous emmerde. Ouais, mais dis-toi, tu parles derrière, là. Ça doit être le maître d'hôtel, je sais pas quoi, là, qui dit qu'ils emmerdent, là, non? Vous savez qu'il y a un appel masqué peut être démasqué? Ouais, ouais, mais moi, je vais te montrer si je suis démasqué aussi. Bon, bah, c'est bon, alors, je peux pas dire. Oui, arrête. Bon, Fabien. Non mais quoi, Fabien. Ouais, mais dis-lui qu'il arrête. Fabien. Ouais. Oh. Ouais, dis faire ça. Dis-lui. Oh. Ouais. Hey. Ouais, Thomas. Bon, c'est fini maintenant ce cinéma là. J'ai là qui aimerait dormir. Ouais, mais c'est toi qui va arrêter ton cinéma là. Bon. Hein. Alors, bah oui, on va l'arrêter. Allez, on l'arrête, Héloïse. Ouais, je crois que c'est bon quand même. Mieux, là. Prends tes affaires et pars là. Parce mais non, mais non, mais non. Oh là là. Bon. Tout de suite, tout de suite ce cinéma. Bon. Dis-lui. Oh merde, attends, parce que le repas de l'hôtel était pas très bon là. Ouais, bah allez, c'est bon. Ouf. C'est bon, arrête. Oh, je suis désolé, hein, mais. Fabien, t'es toujours là? Ouais, non, je suis là, mais attends, mais. Bon, Fabien. Fabien. Fabien. Fabien. Ouais. Reste calme. Ouais, mais non, je reste calme-toi. Calme. Non. Non, mais calme-toi. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun. Ça va Fabien? Oui, ça va, oui. Bah parle un peu plus fort, on t'entend plus tout le coup là. Ouais, bon enfin oui, au final c'était pas le plus important non plus, hein, surtout sur la fin. Mais bon voilà, donc comme ça vous avez eu une petite idée de ce à quoi pouvait ressembler le chéri, je peux te faire cocu. Si vous voulez vous aussi jouer, piéger votre copain ou votre copine, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire, vous envoyez un mail tout simplement Sandro sandro@funradio.fr et on rejouera évidemment dès demain en direct de la radio bien entendu pour gagner vos appareils photo numériques. On a également des Wii Mini à vous offrir et puis ce soir je vous offre également votre iPhone 5S sur Fun Radio. Il est tout beau, il est magnifique et on vous l'offre tout à l'heure. Alors que le sous-boss de la radio n'a qu'un 5. Ouais. Ah oui, quel minable. Quel minable. Et ouais, et nous on vous offre le 5 nous on vous offre le 5S. Attention, c'est le dernier. Donc si vous voulez le gagner, eh bien vous envoyez tout simplement maintenant, vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel, vous faites vos likes tout simplement évidemment et puis vous repartirez peut-être avec votre iPhone 5S. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On va récupérer Mehdi dans quelques minutes, Kylian également, Greg, Mehdi, t'es toujours là? Mehdi de Nîmes. Ah ouais, je suis là. Bon, parfait, on parle des paris sportifs dans quelques minutes. Est-ce que vous aussi, tiens, vous avez déjà été tenté par les paris sportifs, par le loto, par les jeux de tirage en règle générale? Est-ce que vous avez déjà gagné, perdu? Bref, venez nous en parler. Eh bien, vous appelez maintenant le 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous restez là, on va revenir après le son de Britney Spears. Alors, ce sera la version normale ce soir parce que je ne suis pas dans le studio et que il du coup, je n'ai pas ce qu'il faut. Il n'a pas le matériel. Voilà, je n'ai pas le matériel. On revient après Britney Spears sur Fun Radio. Ce sera Work Beach. Hello everybody. Mickaël débarque en Lorraine. Mickaël, c'est Mickaël nos limites. Fun. Jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. Attendez. Voilà, parfait. Voilà, la photo de Polo est faite avec une auditrice, avec Colline, sa nouvelle meuf. Je tiens à dire à Cécile qu'elle peut dégager tout de suite. Oh le salaud. Quel enculé. Quel truc de ouf. Toff, arrête de prendre coup la voix. Coup de pelle. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Non mais je rêve. Bon, Kylian à suivre, Mehdi également. Il y a Greg qui appelle également de Nancy. Et puis on va se faire, comme promis, le son de Britney Spears maintenant. Version normale avec Work Beach. Oui. C'est mieux. Non. Bah c'est surtout qu'on n'a pas le matos ici pour faire le remix en direct. Je vous le ferai demain, promis. Allez, bonne soirée tout le monde. C'est Mickaël No Limit. On est en direct sur Fun Radio dans toute la France et la Belgique jusqu'à minuit. Bienvenue tout le monde. Toute l'équipe de Mickaël No Limit est en direct des studios de Fun Radio Lorraine. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio avec tous vos messages évidemment qui arrivent en masse. Alors il y a un message aussi qui est arrivé tout à l'heure, je l'ai vu. Let's be free, je suis tellement jalouse des auditrices qui sont dans le studio actuel. Elles sont toutes avec Tof Radio, les chanceuses. Oui bah tu parles, comment t'expliquer que tu n'as rien à craindre, Let's be freaks, hein, il n'y a pas de soucis. Et puis aussi. Bien sûr, je me préserve pour elle. Mickaël, surveille que les auditrices ne draguent pas trop Tof. Il est à nous, je te fais confiance. Oh. À ce niveau-là, tu peux être tranquille. Est-ce qu'il y a une meuf qui est intéressée par Tof dans le studio là? Bah t'es pas hein. Ah c'est bon ça. Ah ça c'est bon ça. Ah il nous reviendra. Ah il nous ferait presque mal au cœur. On me signale qu'il n'y a que des hommes. Ah, non c'est faux, attends, tu rigoles quoi, il y a des filles là, t'es sérieux là? Colline, que des hommes intéressés par physiquement, comment tu trouves Tof? Il est gentil ou pas? Ouais, il est gentil. Non, t'entends mal, partage le micro avec Polo, il se fera un plaisir. Il est gentil, tu vois. Bah tu vois, t'es gentil Tof. Bah je suis gentil, j'ai déjà ça voilà. Pour moi, moi. Bah c'est déjà ça de prix. Bon, il y a la photo de Colline d'ailleurs que vous pouvez voir aussi hein, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, sur le Facebook, sur le Twitter également, vous pouvez venir nous rejoindre en tapant mikael_officiel. Underscore c'est le petit tiré en bas. Donc venez nous rejoindre sur donc le Twitter et sur l'Instagram. Et sur Twitter, si vous me faites un follow, eh bien je vous ferai un follow également. Bon, il y a Jean avec nous là qui là de Clichy dans le 92. Salut Jean. Oui allô. Comment ça va? Bah très bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien Jean. Alors on vient de te mettre dans le standard en catastrophe, qu'est-ce qui t'arrive? Bah moi en fait quand j'écoute du Britney Spears, et ben ça me provoque des sensations en fait. C'est-à-dire genre t'aimes bien et tu mets la radio plus fort ou t'aimes pas et tu coupes? Non, même pas, au contraire, je mets plus fort. Ah tu mets plus fort, bah tant mieux. En d'ailleurs plus, la dernière fois il s'est assis sur sa chaîne. Voilà, et en plus on vient de le mettre, donc c'est parfait. Ah oui, mais, oui, ça mais qu'est-ce que tu dis, ça te donne des sensations, mais c'est-à-dire? Jouis. Non, en fait, il y a 5 étapes. Ah, pardon. La première étape, c'est... Ah, il y a plusieurs étapes? Ah non, il y en a 4, attends. C'est la première, c'est... C'est comme le régime du camp. Ouais, c'est en 4 étapes. Voilà, c'est ça. Première étape, comparaisons à la con. Les filles comprendront. Deuxième étape, c'est frissonnement. Attends, première étape, c'est quoi? J'ai zappé, du coup. Palpitation, d'accord. Deuxième étape, frisson. Ouais. Troisième étape... Masturbation. Ah non. Érection. Ah, érection. Ah, carrément, quand même, hein. Ouais. Et j'aimerais connaître la quatrième étape, c'est l'hôpital, c'est de rencontrer Britney Spears pour la pénétration. Oh, c'est dégueulasse. Ouais mais Jean, est-ce que t'as vu parce qu'on l'a vu dans une émission de télé, elle avait été faire une émission en Angleterre sur je sais plus quelle chaîne, et elle est quand même plutôt toute fraîche hein. Ouais je sais, bah vieille. Oui, bah non, mais bien sûr, non, mais je n'ai pas le problème, hein, elle est encore bien pour son âge, c'est pas le problème. Mais je dis juste qu'elle n'est plus comme dans I'm a slave for you, hit me baby one more time, tu vois. Bah oui. D'accord, ok. Non, mais c'était pour être sûr, voilà, c'est juste pour être sûr. Bah après, c'est pas l'apparence, c'est sa voix, quoi. D'accord, oui, bah écoute, pourquoi pas. Donc là, tu viens de te branler ou pas? Mais non. Non, mais je veux savoir ce que les auditeurs font juste avant de me parler. Et si on te remet le disque? Et voilà. Si on te remet le truc, tu nous passes les 4 étapes? En live. Pas, en live. Attends, regarde. Non, là, je suis devant ma belle-mère, là. On s'en fout, vas-y. Mais c'est pas grave, il y a la belle-mère, quand même. Hein. Imagine que ta belle-mère, c'est Britney Spears. Vas-y. Ouais. Bouge ton cul. Après, elle va être choquée. C'est pas grave. J'ai envie de danser. Allez, première étape, on y va. Première étape, Jean. Frisson. Palpitation. Voilà. Allez, deuxième étape. Putain, ma braquette, elle s'est cassée. Ah. Troisième étape. On est qu'au frisson là. Ouais. Calme-toi. Ah non, là tu viens l'érection là. Ah ça y est, l'érection, on y arrive. Parfait. J'ai sauté une étape. Le drapeau est levé. Et quatrième étape. Allez, lâche-toi. Attends, j'arrive plus à remettre mon bouton. Mais c'est pas grave, on s'en fout, tu veux pas mettre. Stique-toi. Allez, vas-y, continue Jean là. Allez. T'es pas mal. Ah, essaye de suivre le rythme avec ton poignet. Allez, fais des petits cris, Queen. Eh, vous allez me racheter un jean, hein. T'inquiète. Tof va s'en charger. Oui, on va lui envoyer un jean à lui. Vas-y. Allez, les petits cris. Allez, comme au step. Ah, c'est ça la pénétration, Jean? Hein? C'est ça la pénétration? Non, mais là, je suis gentil parce qu'il y a ma belle-mère en face, en fait. Ah ouais, d'accord, ok. Parce que sinon, j'ai un message de Britney Spears pour toi. Ça tient enculé, quoi. Voilà. Donc, le message est passé, hein, Jean. Hein. Mm. Bah oui. Tu veux qu'on essaie d'appeler Britney Spears? Elle est où là? J'en sais rien. Elle a un téléphone portable. On peut essayer de l'appeler si tu veux, Jean. Bah vas-y. Bon attends, alors ce qu'on va faire Jean, reste là deux secondes, on va essayer de voir si Jill est joignable et dès qu'elle est joignable on te reprend dans quelques secondes. J'appelle Pharrell, il a son numéro. Ah bah d'accord, ok, bah très bien, mais je l'ai aussi, t'inquiète pas. De Pharrell pour... Non, de Britney. Ah excuse-moi, je voulais juste t'aider. Pas de problème, t'es bien, Katy Perry, tout ça. Ah, oui. Y a les Biflux, il dit moi quand j'entends Tov, je suis en chaleur. Ce n'est pourtant pas la même chose. DJ Block Ops aussi qui dit le mec éjacule en écoutant Work Beach. Faut écouter Mickaël No Limit pour entendre ça. Oui, je confirme. Jennifer qui dit c'est un chelou. Il y a Guillaume qui dit mort de rire, il a craqué le type. Et Ketley, sur le Facebook, il dit moi et ma meilleure amie, vous nous tuez sur votre émission, on est chaque fois mort de rire. Bah c'est le principal. Le prince Nadia qui est également connecté sur le Twitter. J'adore comment Mickaël est habillé ce soir, il est trop beau. Oui, moi oui aussi, c'est l'élégance même. Exactement. Un petit haut blanc magnifique. Voilà. Et puis ce jean et ses baskets magnifiques. J'adore. Fait, tu as vu et ça c'est vrai, je te l'ai dit. La grande classe. Ah, ouais. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Jean? Qu'est-ce que tu fais avec ta braguette ouverte? Oh, oh la belle mère. C'est pas vrai. Pas de ma faute. Eh hey, dis-lui tu fais ce que tu veux, t'es un rebelle. Ouais, ouais mais pas dans le salon. Eh hey, Jean. Pas dans ta chambre. Jean, pourquoi tu t'es pas mis dans les chiottes dans ta chambre? Elle est venue dans ma chambre, elle voulait voir je sais pas quoi mais Elle a bien vu là. Là, elle a bien vu, Jean, là. Wow. C'est pas bien, franchement, c'est pas bien. Bon, écoute, j'ai le numéro de Britney, on va l'appeler dans quelques secondes. Reste là, il y a aussi Kentou qui dit « Mickaël en top tweet, c'est bon, ça, c'est grâce à nous les Lorrains ». Eh ben, évidemment, merci à vous, évidemment, d'être passé ce soir, comme d'habitude. Merci à tous ceux qui sont dans le studio, là, hein. Comment ça va? Voilà. Vous êtes magnifique. La Lorraine est là. On vous aime. Tu parles à qui? À Colline ou à eux? À tous, mais à Colline, elle le sait. Elle a non, très bien. Mais je rappelle que la photo de Colline, évidemment, toujours disponible sur le Facebook de l'émission. J'ai dégagé Cécile, hein, pour ceux qui suivent. Oh, je l'ai dégagé comme une vieille chaussette. Et Dédé qui dit, ça fait bizarre de pas entendre les insultes dans Work Beach. Ouais, mais t'inquiète pas, demain ça reviendra. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Camille qui dit, ça fait plus de 3 mois que j'écoute Fun Radio, la meilleure radio, mais je n'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. C'est pas vrai. Pas encore eu de message de bienvenue. Attends, je t'en mettre un petit, moi. Attends, chez ta meuf, là, on cule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Voilà, bienvenue à toi sur Fun Radio, la radio gentillesse. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant Britney Spears. Bon, Jean. Ouais. Jean, je te la passe directement, dès que ça va décrocher, tu peux y aller. Je crois qu'elle parle de trois mots français, donc tu peux gérer, Jean. Hein. Ok. Voilà. Drague en 4 étapes. Hein. Ouais, 4 étapes. Donc on appelle Britney Spears, elle doit être à Los Angeles, là, je crois. Ah, j'ai cru que c'est elle qui avait décroché. Hello, it's Britney, bitch. Mais mon amour. Parle en anglais. Hello. Yeah. How are you? Fine, but who is it? What? C'est qui? Mais c'est pas Britney, c'est un trans là. Mais si, mais non, Jean. Hey, Britney. Vas-y, vas-y. Yeah, hello. Yeah, how are you? It's Michael on Fun Radio in France. I'm so excited. You what? I'm so excited. You what? I'm so excited. About me? What? Bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux ton cul. T'as sauté 2-3 étapes. Ouais, t'as sauté 2 étapes là, Jean. Hein. Ouais, j'ai ça. Si, t'as sauté des étapes. Mais enfin, qu'est-ce que tu crois? Que tu peux pas aller comme ça, petit con? Mais petite conne, on vient de la réunion, maintenant. On dirait qu'on a la belle-mère, surtout, là, au téléphone. C'est un peu les mêmes. Bon, Britney. Viens, yeah, Michael. Oh. Yeah. Bon, Jean aimerait te parler. Ta gueule. Allô? Jean, mais enfin, Jean, dis pas ta gueule à Britney. Mais non, il dit ça à sa belle-mère. Mais c'est la belle-mère. Non, mais très bien. Non, mais la belle-mère, d'accord. Bon, alors, Jean. Oui. Jean, bon, je te repasse Britney. Essaye de négocier un truc avec elle. Mais sois correct. C'est l'occasion, studio, là. Sois correct, sois classe. Oh là là. Non, n'oublie pas qu'elle, n'oublie pas qu'elle chante Work Beach. Vas-y, je te la repasse. Britney. Yes. It's Jean for you. Yes. Hello, Jean. My name is Jean. Et je voudrais bien... My flower are beautiful. T'es où là? T'es loin? What? Je suis quoi? T'es loin? Non, je suis chez moi. Ah, tu peux venir là? Bah, si tu veux, mais pourquoi? Bah, pour te sauter. Pourquoi? La grande classe. Oh là là. Oh, il est classieux. Eh, la pauvre belle-mère. Hein, pour me quoi? À ton avis, pourquoi on t'appelle Britney Bitch? Je comprends pas ce que tu veux dire. Il veut fuck avec toi, Britney. Pas, est bon. Britney. Oui. Il veut coucher avec toi. Il veut coucher avec fuck, moi. Fuck. Fuck me. Yes. Je veux que tu cries. It's not possible. Ah bah très bien, bah voilà Jean. It's not possible. Quand c'est rouge. Oh non, Britney. Bon, Britney, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous passer Jean en antenne, vous allez voir, ça va être bien. Est-ce que Britney, éventuellement, pourrait nous chanter un petit truc Work Beach en direct? Non, c'est pas possible, j'ai aussi. Allez, Britney. Je crois la ligne est mauvaise. Non, chante ce que tu veux, mais une de Britney, t'es obligé. Non, ah bah, fais I'm a slave for you, Britney. No, it's not I'm possible. A slave for you, si. No, it's not possible. Si, it's possible. Mon vocal est pas bon ce soir. Mais si. Ou alors, baby one more time. What? Baby one more time. Allez. No, it's not possible. Arrête de discuter. Oh, allez, oh, baby, one more time. Ah, vas-y Jean, et chante avec Britney. Tout Nancy est là. Vas-y, on se met la musique. Que je viens de caler à l'instant. Ah, c'est pas mal, hein. Ah ouais. Ah bah Jean, c'était pas mal, hein. Ouais. C'était pas mal, hein. Bon, ah oui. Bah oh écoute, là. Non, grand talent. Ben merci Britney, hein. Thank you very much. It's a pleasure. Call anytime. Ok, allez, salut, casse-toi. Allez Britney, bisous. Allez, salut. Bon bah voilà Jean, ton rêve est réalisé, hein. J'espère que t'es content, hein. Bah merci Mickaël, hein. Bon bah écoute avec plaisir, bah nous tu nous rappelles quand tu veux, hein. Ok. Bon bah salut Jean, hein. Allez bon salut, hein. Ciao. Salut la belle-mère. Bon, ah putain la belle-mère elle était énorme. Oh là là, la belle-mère elle était énorme. Il y a Morgane qui dit, Morgane 88 S qui dit mort de rire, l'état de la voix de merde. Juliette aussi, la belle-mère m'a tué. Il y a Shan également sur le Twitter, mort de rire, mais il est con ou quoi le gars là, il voit pas que c'est de la merde. Et Doris qui dit il m'a tué le mec avec Britney Spears. Et encore Tom qui dit moi ça fait 6 ans que j'écoute, mais je veux aussi un message de bienvenue. Bah si tu veux Tom, attends je vais t'en mettre un petit là. Attends, je vais mettre un bon message. Un bon bien sale. Mais bien sûr. Un bien crado. Dans la voilà. Gueule de Tom. Celui-là est bien dégueulasse. T'encule, toi ta mère, ta grand-mère. Voilà, bah voilà, tu l'as eu ton message de bienvenue. Comme ça au moins il était fait. Bon, on va s'écouter un peu de son là maintenant. On revient avec Alex aussi dans quelques minutes et Amélie. Et puis on va s'écouter le DJ belge maintenant. C'est Basto avec Dance With Me. Et bonne nouvelle pour Sandro. Nous allons manger dans quelques minutes. Yum. Avec Eric qui est venu et qui tient une boulangerie. Quelle chance. Et Sandro qui va grossir. Allez, on écoute Basto maintenant sur Fun Radio. C'est Dance With Me. Toute l'équipe de Mickaël No Limit est en direct des studios de Fun Radio Lorraine. Fun Radio. Exactement, on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio avec tous vos messages qui arrivent évidemment, avec également Gabriel qu'on va récupérer tout de suite. Gabriel, est-ce que tu es de retour pour la colle? Gabriel, parfait. Alors Gabriel de Marseille, donc il va peut-être repartir avec une Wii Mini ou d'autres, un auditeur évidemment. Le principe est simple, tu es venu avec une colle Gabriel, si quelqu'un trouve la bonne réponse, eh bien cette personne repartira avec le cadeau, s'il est tiré au sort évidemment, donc c'est-à-dire la Wii Mini. Si personne ne trouve la bonne réponse ou si la personne qu'on appelle ne décroche pas Gabriel, c'est toi qui repars avec la Wii Mini Gabriel. Vas-y pour la colle, on t'écoute à nouveau. Alors, je ne respire jamais, mais oui. J'ai beaucoup de souffle, qui suis-je? Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle, qui suis-je? On proposait un compresseur, c'est pas ça, on l'avait déjà dit tout à l'heure. Une bourrasque. Non plus. Non, il y a Orléane qui dit un cœur. Non. Non, il y a Rémi qui proposait un ballon pour gagner la Wii, bah non. Hein. Non. Non, le Mistral pour Nicolas. Non. Ah, peut-être une bonne réponse, un anus. Presque. Ah, presque, mais c'est pas ça, non. Genre, c'est vraiment ça, non, pas du tout. Non. Un ouragan. Non. Bon, bah très bien, parfait. Bon, bah alors, si vous avez la bonne réponse, allez-y, maniez-vous. Vous envoyez M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez nous rejoindre également sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Photo, enfin, sur le Facebook et le Twitter. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la photo de Miss Lorraine qui est passée nous voir tout à l'heure et également de la nouvelle femme de Polo, hein, Colline, qui est avec nous. Je sais pas si elle sait. Polo va faire sa déclaration avant la fin d'émission. Exactement, avant la fin de l'émission, exactement. Voilà. Donc allez-y, facebook.com/Mickaël officiel. Gabriel, on te récupère avant 10h30. On donnera la réponse à la colle et donc on verra si quelqu'un a la bonne réponse ou pas, Gabriel. D'accord ? Pas de souci. A tout à l'heure, Gabriel. Et parti. Très bien. C'est Tom aussi qui a envoyé un message qui dit ce soir, plus que jamais, j'ai l'impression d'être 4 ou 5 ans plus tôt, comme un gosse fasciné par cette équipe de fous. Oh, ben merci Tom. Il y a Clara aussi qui dit à la belle-mère, ta gueule, mort de rire. Et Aurélie qui dit, Mickaël, tu pourrais nous mettre la mobilette de Toff. Non, on l'a laissée à la radio. Elle a pas pu venir, la mobilette de Toff. Elle rentrait pas dans le train. J'étais très déçu. Bah oui, écoute, on s'est fait recaler par le. Par les mines. Bah oui, voilà, c'est ça. Exactement, on n'a pas pu, malheureusement. C'est décevant, mais c'est comme ça. Il y a Ambre qui dit, ah, la belle-mère, elle est venue au bon moment. Elle est effectivement pile au bon moment. Et puis Fred qui dit, mort de rire, le coup de la belle-mère. Je suis plié. On le remettra tout à l'heure, le coup de la belle-mère, parce qu'il était effectivement assez drôle. On écoutera encore d'autres canulars avec Toff. On aura aussi le canular qu'on a fait la semaine dernière, c'était jeudi. Et puis Dédé qui dit la belle-mère, qui vient de tricard l'auditeur en plein direct. Et Sandro qui a hurlé comme une hystérique. Oui, c'est Sandro en même temps. Hein. Bon, on a malheureusement plus bon, on en reparlera demain du coup là, des paris sportifs, parce qu'on n'a plus l'auditeur, on n'arrive plus à le joindre. C'est pas très grave. On va accueillir Eric qui est là en attendant. Eric qui est passé nous voir. Bonsoir Eric, comment ça va? On va lui donner un micro. Hop là, Eric le boulanger. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va. Bon, ben merci d'être passé, Eric. Hein. Ouais. Bah voilà, tu nous as déposé, tu peux partir. Merci beaucoup. Merci, c'est super bon sympa. Bon appétit. Voilà, bah écoute, alors Eric, t'es venu avec des spécialités de la région. Voilà, ouais, bah tout simplement le pâté lorrain avec un bon petit vin blanc qui va bien. Oh, bah ça va. Là. C'est Toff qui va bien se mettre là avec son pâté, il adore ça. Avec plaisir. Ah bah là, je peux te dire qu'en plus on a encore un petit panier garni là qu'il va falloir ouvrir tout à l'heure aussi. Donc bah allons-y alors hein, en attendant, comme il y a la pub qui arrive bientôt et on va se mettre aussi le son de Macklemore avec White Walls, ça nous permettra de déguster comme il se doit. OK. Puis deux petites spécialités de chez moi qui est la duchesse et le bras de velours. C'est ça. Moi je prendrais la duchesse. Et le bras de velours, c'est quoi? Alors c'est chantilly fraise et bras de velours crème pâtissière mélangée avec la crème fouettée. Oh là là là là là là. Sandro, bon appétit. Les calories, en veux-tu, en voilà Sandro. Elles sont là. C'est 100% calorique. Ah mais c'est 100% calorique. Mais au moins il nous en fume pas en disant mais vous inquiétez pas, j'ai fait une version light. Génial. Non, il dit 100% calorique, il y a aucun problème, il a raison d'ailleurs. Il a totalement raison. Pas de light chez Eric, il sait pas ce que c'est. Mais non, mais il a raison. On va prendre Mehdi également qui est avec nous là. Bonsoir Mehdi. Mehdi, attends, on va le récupérer. Oh, Mehdi, 19 ans de Marseille, comment ça va? Alors, ça va bien Mehdi? Ça va, on est là. Bon, très bien. Bon, Mehdi, toi, tu voulais parler. Attends, parce qu'ils sont en train d'ouvrir les gâteaux que Eric, le pâtissier, a fait. Ouais, il a fait. Ouais, bien sûr, tout le monde est là, Mehdi, là. Mais il est venu avec quelques pâtisseries. Ah, bah écoute, on pourrait éventuellement, Mehdi. Oh là là, le truc, il est juste énormissime, là. Comment vous dire que. Eh, les auditeurs, vous avez bien fait d'être là, hein, parce qu'il y aura à manger pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Du truc. Tout le monde va pouvoir repartir avec des trucs. Bon, Mehdi, on parle des paris sportifs dans un instant avec toi. Allez, ça va, y'a pas de soucis, je suis là. Bon, alors, ne bouge. Ouais, bah, Mehdi, attends, reste calme déjà. Continue avec GTA 5, c'est parfait. On va récupérer aussi Alex, Amélie, pour parler de tout ça également. T'es là, Amélie? Oui, je suis là, salut. Très bien, mais bienvenue à toi, Amélie. Salut. De Brest, comment vas-tu? Ça va. Bon, tant mieux. Attends, parce qu'il y a Toff qui voulait te parler, Amélie. Oui, Amélie de Brest, merde, du coup, on voit toute la musique. Ça va? Allô, Amélie? Oui. Amélie, attends, deux secondes, j'ai pas pris mon carnet. Alors, combien mesures-tu? 1m60. Hop. Attends, parce qu'il prend son carnet. Il a 39 fois que je tourne la page, ça n'a pas. Voilà, il a pris son réel carnet. Hein. Alors, 1m60. Ouais. Combien pèses-tu? C'est sympa, je me suis pas pesée. À peu près, hein, je suis pas au kilo près. La grande classe. 58. Alors, quel est ton tour de poitrine? 97. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Oh oui, j'ai pas la musique de qu'est-ce qu'elle est bonne, mais la pensée est bonne. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah, quoi, Amélie? J'ai envoyé un message à Toff tout à l'heure, enfin avant-hier, et il m'a répondu tout à l'heure. Quoi? Non, Amélie, ne t'inquiète pas, nous allons mener l'enquête dans quelques instants. Reste avec nous. On va s'écouter aussi le son de Macklemore sur Fun Radio avec White Walls. On est en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Venez nous rejoindre. Vous tapez Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et Instagram. Et on discute ensemble jusqu'à minuit sur Fun Radio. Mickaël débarque en Lorraine. Mickaël, c'est Mickaël nos limites Fun. Jusqu'à minuit. On est sur Fun Radio jusqu'à minuit avec Greg dans un instant qu'on va récupérer. Mehdi, Alex et Amélie pour parler des paris sportifs, des trucs des jeux de hasard, etc., etc. Gabriel également pour la colle. Et puis on est toujours en direct aussi sur Fun Radio, bien entendu. Venez nous rejoindre sur le Facebook et le Twitter de l'émission. Vous tapez M-I-K-L officiel pour venir nous rejoindre. Et sur le Twitter notamment, si vous me faites un follow, je vous fais un follow également. Pareil sur Instagram. Donc je vous attends nombreux et nombreuses, mesdemoiselles. Allez-y. Et puis on va s'écouter Michael Moore avec White Walls. Mais il y a d'abord Tom qui était passé à l'antenne. C'était il y a quelques mois maintenant. Je crois c'était au mois de, tout début, mois de juillet. Michael. Juillet, août, c'est ça, Tom? Ouais, c'était le 24 juillet. Le 24 juillet, c'est ça. Ah, ouais, il s'en souvient en plus. Ouais. On avait commencé depuis deux jours. Je m'en souviens. Effectivement. Bon, alors du coup, Tom, on t'avait fait faire une intro parce que tu voulais être animateur. La première, j'avais loupé. La deuxième, j'ai réussi. Voilà, c'est déjà pas mal. Fais gaffe parce que là, t'as le sous-sous-chef. Sous-sous-chef, voilà, c'est ça. Qui est avec nous. Bon, il n'a pas trop de pouvoir non plus. Donc il peut t'avoir des tickets resto. Ouais, à la cantine. Exactement. C'est tout. Peut-être qu'il peut avoir une place pour Starfloor mal placée. Et encore, il va avoir des problèmes. Voilà. Bon, Tom, il va falloir que tu réussisses l'intro de ouais. Michael Moore, d'accord? Okay. Donc tu la lances, moi je parle plus, tu te démerdes. Et okay. Tu la foires pas, hein. Ok. Je compte sur toi, hein. Ouais. Je te mets pas la pression, mais t'es quand même diffusé en France, en Belgique, au Luxembourg, sur Internet, partout, en Chine, la Réunion. En Chine, via Internet. Enfin, tu vois, rien de grave, quoi. Un milliard okay de Chinois. Je vais me concentrer. Voilà. Bon, alors on y va, attention. Directement l'intro? Ouais. Allez, 3, 4. Et bienvenue sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit en direct de Nancy aujourd'hui. Comment ça va? Ouais. 01 42 48 5000 pour faire de la radio avec Mickaël. Voici le nouveau Macklemore White Rose sur Fun. I wanna be free. I wanna just live. Mickaël débarque en Lorraine. Mickaël, c'est Mickaël No Limit. Fun. Jusqu'à minuit. On est en direct sur Fun Radio évidemment. Et merci d'ailleurs encore à Eric qui nous est en train de nous donner à manger là. Comment vous expliquer que il y a beaucoup. Il y a trop. Limite trop, effectivement. Il ouais. y a trop. Mais en tout cas, très bon vin blanc. On est plutôt bien installé. Je rappelle qu'il faut picoler avec modération. On voilà. s'en fout, nous on est raccompagnés. Oui, c'est on vrai. On refait un jeu que je puisse perdre. Oui, ouais, on va faire ça dans un instant, t'inquiète pas. Bah. Bon, et donc, tous vos messages qui arrivent en direct donc sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Ça fonctionne également sur le Twitter, de plus en plus nombreux aussi. Venez nous rejoindre. Hein. Et je vous rappelle qu'on fera également un top tweetos tout à l'heure pour savoir lequel d'entre vous sera élu le meilleur auditeur de la soirée. Il suffit simplement de mettre un maximum de messages avec le hashtag MIKL. Sur le Twitter, vous venez nous rejoindre et vous m'ajoutez aussi, d'ailleurs je vous ajouterai également, vous envoyez M-I-K-L underscore officiel. Il y a Julien qui dit bon bah là c'est clair, Mickaël m'ignore. Mais n'importe quoi Julien, comment t'expliquer qu'il y a beaucoup de monde ici, il y a beaucoup de monde sur le Facebook, sur le Twitter, je répondrai à tout le monde mais au fur et à mesure, il faut me laisser un petit peu de temps quand même. Il y a Dédé qui dit aussi ça va venir, Mickaël est débordé ce soir. Voilà, exactement, merci Dédé. Et puis en plus avec tout ce qu'on a à manger, il y a un moment il faut mettre ses priorités quoi. C'est très bon. Bah voilà. Bon, Greg qui est avec nous de Nancy également là. Greg t'es là? Ouais. Bon Greg. Alors toi t'avais appelé donc ouais parce que toi tu nous avais raté sur la place, toi t'arrives en retard. Ouais, bah oui. Bah oui, bah coup de pelle. Bah oui, mais j'étais passé jeudi soir, c'est moi qui avais fou rire avec Allison. Mais oui Allison, elle est où Allison? Elle est dans le couloir. Allison viens, il y a du pâté. Attends, parce de retour, attends une seconde. Attends, parce que Allison, elle est venue, Greg. Hein. Bah oui, mais moi je suis venu, mais j'avais un match de foot, je pouvais pas venir avant. Ah bah voilà, mais oui, mais t'avais qu'à venir dans le studio, ah mec, oui. Greg, putain. Ah oui, mais maintenant c'est trop tard. Ah bah non, on est là jusqu'à minuit, t'es sérieux là, encore deux heures? Ouais, mais ça fait trop loin, j'ai pas de moyen de transport. Oh pour là là, oh là là là là, petit joueur. Bon. Attends, bah voilà, tiens, elle est là, elle Allison. Est là. Approche-toi, Allison. Ah, merci. On va te présenter. Est-ce qu'on a un casque ou est-ce que t'entends quelque chose éventuellement? Attends, on va te mettre un casque. Oh, voilà. Trop gentil, merci. Bah, je t'en prie, Allison. Allison, je te présente. Allison, je te présente Greg. Est-ce que tu te souviens de Greg, Allison? Ah, celui qui a rire de fuck. Rire de fuck. Ne serais-tu pas mal placé pour ce genre de remarque? Non, ça va. Ah bah il est reparti lui, hein. Attendez. Ah, je suis juste derrière Toff, ça fait bizarre. Oui, généralement c'est l'inverse, mais bon. Ah, ça y est, c'est parti. On avait juste à démarrer le moteur et hop là, ça tombe. Non, c'est mort, je rigole pas moi. Non, ouais, c'est ouais, ça, c'est parce que t'es intimidé parce que t'es tout près de Toff. Voilà, c'est ça. Ouais, ça la perturbe. Mais voilà, c'est enfin, ça. Moi aussi, entre parenthèses. Hein, exact. Derrière, c'est bizarre. T'inquiète pas, elle est venue équipée, Toff. Bon, et Greg? Ouais. Bon, bah écoute, bah du coup, tu repasses quand tu veux alors, Greg. Hein. Bah avec plaisir. Bon bah voilà, pas de problème. Ça a pas marché avec Alison, elle a pas rigolé cette fois-ci, je suis déçu. C'est moche hein. Ah ouais, je suis déçu. Bon enfin c'est pas grave. Tant pis. Bon bah merci Greg en tout cas d'être passé. Bah c'est un plaisir. Avec plaisir. Salut Greg, à bientôt hein. À bientôt, ciao. Ciao, bye bye Greg. Bon et Eric, on peut le retrouver où alors du coup si on veut goûter les petits gâteaux, etc. qu'il y a dans ta boulangerie, on peut te retrouver où dans le coin alors? Alors c'est à Malzéville, au cœur du pain à Malzéville. Voilà. Au cœur du pain à Malzéville. Il y a un Facebook, un site internet? Non, il y a rien de tout ça. Bah et alors, t'es sérieux là ou quoi? Il y a un numéro de téléphone pour commander au moins? Oui, bien sûr, oui. Ah, c'est déjà ça. Bon bah très bien. 03 83 29 43 35. Très bien, voilà, vous l'appelez, vous faites des commandes, voilà, n'hésitez pas. Voilà, et il fera 85% de réduction aux auditeurs de Fun. Pas de soucis. Non, il fera plus 15%, c'est-à-dire qu'il vous donnera 15% de ce qu'il aurait dû vous demander. Ça c'est un bon deal ça. Sans des affaires. Non, c'est pas mal, hein, mais ça dépend dans quel sens. Voilà, donc on mettra également l'adresse sur le Facebook avec toutes les photos des gâteaux que tu nous as ramenés, du vin blanc, etc. Ok. Tu peux encore rester bien évidemment, puisqu'il reste encore des trucs, je pense. Bah, il faut manger les gâteaux. Hein. Ah bah ouais, voilà. Non, mais t'inquiète parce pas. Moi j'ai mangé le pâté, mais. Le pâté, mais il faut ouais, manger mais les bon, gâteaux. Ouais, écoute, pas ses pâtés. Ouais. Je vais distribuer. Que, bah voilà, très bien, que le pâté tourne, que le pâté tourne, c'est parfait. Bon, retour avec Mehdi avant de faire les canulars de Toff également là. Mehdi. Allô. Mehdi, est-ce que t'as écouté la semaine dernière l'émission ou pas, Mehdi, du lundi au jeudi? Laquelle? Bah de la oui, bah la nôtre, oui. Mais laquelle? Quel sujet? Ah non, mais de 23h à 2h quand on avait fait les canulars avec Toff. Quand on fait des appels oui, là oui, pour oui. Les vérifications de sondage. Ah putain, j'aime trop ça. Oh putain, on voit que tu viens de Marseille. Oh putain. Oh putain. Eh ben justement, on va en faire un petit maintenant. Tiens, Toff, là, t'as calé quoi là? Bah là, on peut faire la fellation. Ah bah oui, la fellation, on peut c'était faire. C'était pas mal. Tu l'avais entendu? Je voulais vous demander. Oui, Mehdi. Un jour, hein, c'est possible d'en faire un à mon père. Ah bah avec plaisir Mehdi, bah, tu sais quoi, tu vas donner le numéro de téléphone aux antennes, au stagiaire qui est resté à la radio, parce que de toute façon il est puni. Il est puni, voilà. Avec tout le travail qu'il fait en ce moment. Exactement. Parce que lui c'est un grand joueur de poker mon père. Ah ouais? C'est pour ça que je viens de discuter là. Et bah très bien. Et vous lui dites ouais, on vous a repéré au casino, vous avez triché, vous sortez quelque chose. T'inquiète, pas de problème Mehdi, on va gérer ça, surtout laisse ton numéro à Geoffrey le stagiaire dans quelques instants et puis on va le rappeler avec grand plaisir Mehdi. Mais attends, reste avec nous, on va faire les appels, donc fellation. Fellation, oui. Voilà, on avait appelé des gens pour petite vérification, c'était quoi le sujet exact? Le sujet c'était pour savoir à quoi pensait leur femme pendant qu'elle leur pompait le dard. Exactement, donc allons-y, c'est parti, on avait fait plusieurs appels et voici le premier. Grande classe, hein, comme d'habitude avec Toff, toujours grande classe. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir à quoi vous pensez quand vous faites une fellation à votre mari? Voilà, ça avait été relativement court. Ah, hein. Trop court. Oui, très très court, très très bref, j'ai envie de dire. Donc on l'avait rappelé. Et on l'avait rappelé, ça avait Allô donné ça. Oui, excusez-moi, on a été coupé, j'ai pas eu le temps d'avoir votre réponse. Non mais vous êtes sérieux, mais les gens, c'est une blague. Pas du tout madame, je veux juste avoir une réponse. Mais va te faire, mais va te faire enculer et moi je te demande ce que tu fais à ta femme. Fils de pute va. Ta mère va, en plus sur mon fixe. Sur mon fixe, c'est quel rapport en plus sur mon fixe. On l'avait rappelé encore un coup? Non, c'est tout, c'était déjà pas mal. Hein. C'était tout, elle avait été assez gentille comme ça. Mais oui, si tu veux, j'en ai d'autres. Je vous emmerde. Voilà, et est-ce que vous saviez que... Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué? Vous le saviez ça ou pas? Masqué peut être démasqué. Non? Non, vous saviez pas? Eh bah comme quoi finalement, voilà, vous le savez. Hein. Ça tient enculé, connard. Voilà, c'était pour Toff, c'était gratuit. Oui, bon, je sais bien. Ben oui. Bon, on aura aussi tout à l'heure le petit canular qu'on avait fait jeudi, Mehdi. Mehdi. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue sa bouche? Non, il fait du bricolage. Ah, Mehdi. C'est dimanche. Oui. Ah, très bien. Qu'est-ce que t'es en train de faire là, Mehdi? J'étais à Smack. Comment? J'étais au Smack. Il était au snack. Ah, au snack, d'accord, ouais. Ok, très bien Mehdi, parfait. Y'a pas de souci, y'a le droit de manger. Hein. Non, mais t'as raison, évidemment. Ouais. Bon, Mehdi, alors, on va parler avec toi. Oui, Mehdi. Je suis seul là, vas-y, tu peux. Dis-moi tout. Je te dis tout, Mehdi, mais en même temps, c'est toi qui nous appelles, hein. Ouais. J'engage le sujet ou pas encore? Eh ben si, vas-y, là, vas-y, démarre, là. Tu voulais parler des paris sportifs. Ouais, je vais vous expliquer une histoire, hein. Dis-moi, dis-nous. En fait, quand tu as besoin de sous. Et on a tous besoin de sous dans la vie. Ouais. Et des moments de crise. Ouais, je sens que ça va être dur là. Et dans des moments de crise, mes collègues, ils faisaient des côtés match. Ouais. Des côtés match. Et ils gagnaient 1000 euros, 500 euros, 800 euros, 30 euros, 40, 50. Et je me suis mis au côté match. Et je me suis mis et tout. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et par jour, j'en faisais jusqu'à 30 côtés match. D'accord. Je suis devenu accro, mais côté match. Mais tu gagnais ou pas? Non, j'ai perdu. Ah, tu... mais il y a un moment où t'as gagné quand même pour continuer. Oui, il y a un moment où j'ai gagné. D'accord, ouais, vas-y, continue après. Et en fait, jouais. Soit tu joues par 2 euros, soit 10 euros, soit je serais le maximum. Euros. Ouais. Ouais. Bon, mais dis, tu nous fais pas la promo du truc là quand même. Hein. Je dis, tu nous fais pas la promo du truc là. Ouais, il y a la française des jeux au standard, on va bien te faire une ou deux pubs. Bon, et donc Et donc, je me suis devenu accro. D'accord, on l'a bien compris. Donc, tu as perdu de l'oseille. Non mais après ça m'est arrivé aussi hein. Moi aussi j'avais joué un jour, j'avais commencé dans les paris de foot et donc j'avais bien gagné hein. J'étais arrivé à plus de 1000 euros sur le compte et puis un jour il y avait un match de merde France-Japon. C'est-à-dire que la cote de la France était minuscule et la cote du Japon était énorme et je me suis dit bon je vais tout mettre sur la France, ils vont gagner, bah ces espèces de connards français ont perdu. Voilà, alors que c'était impossible de perdre, impossible, bah ils ont perdu quand même. Mais bon voilà, non, ça arrive. Tu joues pas le foot tu joues pas. Parce que, si moi j'ai joué le foot, mais un match qui va te niquer. Tu vas sur les matchs de basket ou de handball, les choses comme ouais, ça. Mais finalement tu perds tout le temps, donc je suis pas sûr que ton conseil soit bon, Mehdi. Hein. Ouais. Ah, non, c'est toi qui l'as dit. Hein. Regarde, le dernier que j'ai joué, il y a un club qui s'appelle Goya. Ouais. Dans la saison, ils sont pris 78 buts. Ah, 78 buts, c'est le Brésil. Ah oui. Ouais. Et il est content. Ils ont eu que des défaites. Jamais des matchs nuls. C'est pas gagné. Mal ça, c'est une bonne équipe, hein, Mehdi. Hein. T'as misé sur le bon cheval, toi. J'ai misé 200 euros, ils ont gagné en extérieur, fils de pute. Voilà. Eh ben voilà, Mehdi. Eh ben oui, mais Mehdi, mais qu'est-ce que tu veux? Mais Mehdi, c'était toi aussi le fan de Téléphone Rose, non? Oui, c'est moi. Ah ouais, je me souviens, j'ai reconnu ta voix, là, Mehdi, hein, qui avait appelé les Téléphones Roses et que ton père, il t'a mis une patate. Ouais. Bon, attends, Mehdi, il y avait Amélie également qui était avec nous de Brest, là. Salut, Amélie. Salut. Comment vas-tu? Enfin, comment vas-tu à nouveau plutôt? On t'avait déjà eu là tout de suite. Écoute. Bon, bah très bien. Alors, Amélie, toi aussi, tu voulais réagir par rapport à Amélie? Ouais, bah j'ai une solution pour lui. Il peut se faire interdire. Attends, on va le remettre parce qu'on l'avait viré là. Attends, on va là. Vas-y, Amélie, tu dis. Il peut se faire interdire de jouer. Je sais plus où est-ce qu'on fait ça, mais on peut se faire interdire de jouer et du coup, bah il pourra plus jouer. Pour les casinos, ça marche. Ouais, ça marche pour les casinos, mais après. Parce que nous, on joue au poker. Ouais. Et moi au début je comprenais rien et tout, et puis j'ai commencé à m'y mettre malheureusement, et du coup je suis devenue un petit peu accro aussi, enfin un peu moins que lui. Et du coup bah il perdait tellement qu'il s'est fait interdire quoi, et après je sais pas si c'est possible pour les paris sportifs, mais... Ah, paris sportifs ça m'étonnerait, hein. Qu'est-ce qu'il y a, Mehdi, parce que je t'entends parler là depuis tout à l'heure. Non, je parlais au mec du snack, et je disais qu'Amélie elle avait une belle voix. Oui mais elle est maquée, Mehdi, t'emmerde pas. Tu vois, même là tu t'as perdu. Ouais. Ah ça non, arrive. Ah bah oui ça arrive. Attends, il y a Alex aussi qui est avec nous de La Rochelle là. Bonsoir Alex. Bonsoir Alex. Ça va et toi? Bon, bienvenue à toi. Alors toi tu voulais aussi donner ton avis par rapport à Mehdi et Amélie. Toi aussi t'as fait les paris sportifs. Toi aussi t'as perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi pour moi? Ouais. Ouais en fait moi en fait j'ai pas perdu. J'ai fait que gagner. En fait je fais rager tous les footeux parce que en fait le délire c'est que j'ai... Et je m'amuse à parier sur des matchs de foot. Alors tu donnes l'exemple là du France-Japon. France-Japon, j'ai parié 20 euros sur le Japon gagnant et tu vois une cote de 5. Et voilà, je t'explique pas l'histoire. Hein. Quel enculé alors. Et pendant, en fait, sache que c'est l'argent de Mickaël que tu as gagné. Oui, bah, si tu peux même le rendre, Alex, s'il te plaît, hein. Parce que bon, il y a un moment, ça suffit ces conneries. Hein. Non mais c'est vrai. Mais après c'est de la chance, le problème c'est qu'il faut arriver à s'arrêter quoi, c'est tout. C'est juste que si tu te dis que t'es invincible et que t'as toutes tes combines, t'as jamais de combines, ça marche pas, c'est de la chatte. Là le problème c'est que Mehdi a plusieurs problèmes puisqu'il est accro au paris sportif et au téléphone rose. Ça fait cher la Ouais si Mehdi, tu nous l'as dit la fois passée, arrête au cinéma Mehdi. Allô. Au départ il s'est mis au jeu pour renflouer ce qu'il perdait dans le téléphone rose. Voilà. Et au final il a tout perdu, c'est ça Mehdi hein. Bah non, il a juste gagné que sa banquière l'appelle tous les week-ends. Exactement, ouais. Tu me fais niquer de partout. Ah oui, là partout, et en plus tu niques rien, Mehdi, t'as remarqué un peu? Ah, tu fais vraiment bien niquer. Ah, ça c'est clair, ouais. Bon, ben Amélie, Alex, merci à vous deux d'être passés en tout cas, je vous fais des gros bisous. Nickel, je peux juste faire une petite dédicace? Oui, vas-y, il y a une personne, vas-y. Attends, on t'entend mal, tu dis? J'ai dit, je fais une dédicace à la terminale L de l'Arteloire de Brest. Très bien, on les embrasse également, Amélie, pas de problème. On peut passer une dédicace. Vas-y, Alex, gros bisous, Amélie. Gros bisous. Ciao, vas-y, Alex. On peut passer une dédicace. Bah, vas-y, profite. Ok, donc je passe une dédicace à tous ceux qui m'écoutent, qui sont dans la voiture avec moi. Ah bah, ils sont dans la voiture j'aime. En l'occurrence. Et en même temps, t'étais pas obligé de passer à la radio pour leur parler. Ouais, ils sont derrière. Bah, parle-le. Les mecs, en fait, ils se parlent pas. Il faut que s'envoyer des messages et parler, passer par la radio. C'est pas mal, ouais. Ils étaient tellement contents, tu vois, c'est normal. Mais, d'accord. Mais voilà, moi, c'est juste une question parce que voilà, moi, mon rêve, c'est de venir. Enfin, dans l'animation radio aussi, je vous écoute depuis longtemps et en fait le délire c'est j'aurais aimé assister à vos studios etc pour voir comment ça se passe. Ouais bah viens quand tu veux Alex, y a pas de problème. Comment ça se passe? Tu envoies un mail à Sandro, elle va gérer ça à sandro@funradio.fr Alex, sans problème. D'accord, ok. Y a pas de souci et tu passes nous voir quand tu veux ou presque. Ouais, ça marche. Et on a le droit à un petit pack Lovin Fun ou un petit truc comme ça? Lovin Fun, non mais un pack fun tu peux l'avoir, oui. Ok, ça marche, pas de soucis. Tu vas gérer ça au standard, je te repasse Geoffrey le stagiaire. T'hésites pas, dès que tu l'as au téléphone, tu dis écoute-moi bien, espèce de sale enculé, je veux mon pack maintenant, d'accord? Et si jamais il te raccroche au nez, tu me fais un mail et je le vire. Ok, ça marche, bon, merci. Ça marche, parfait. Bon, allez. Salut Alex, ciao, à bientôt, ciao à toi. Ouais, Mehdi. Je peux passer une dédicace, moi? Allez, vas-y, Mehdi. Mehdi. Oui. Pour toi, c'est 5€ la dédicace, hein? Mon vieux. Ou sinon la prochaine fois je viens à Marseille quand on fera l'émission en direct de Marseille, je viendrai avec un mec du PSG. Viens, y a pas de souci, viens. Viens. Si jamais tu fais le malin, je viens à Marseille quand on fera l'émission en direct de là-bas avec un maillot du PSG. Yeah. Allez. Mais c'est toi qui le porte, t'as mis le maillot. Ah ouais. Allez, tu le mettras un maillot d'Ibrahimovic. Eh ben viens, encore pire. Déjà tu vas te faire niquer. Ah t'as mis Ibrahimovic, tu pétais. Bon allez vas-y Mehdi, fais la dédicace, vas-y. Alors, j'ai fait une dédicace déjà à tous les Marseillais. Évidemment. Une grosse dédicace à tous les Marseillais. Je vous embrasse tous sur la bouche, là, comme vous écoutez. Ouais, mais voilà. Est-ce qu'elles sont d'accord, c'est un autre problème? D'accord? Non, je dis est-ce qu'elles sont d'accord, c'est un autre problème, mais vas-y, continue. Non, mais d'accord ou pas d'accord, je les embrasse quand même. Ah oui, mais bien sûr, ouais, c'est ça. Ouais. Et tous ceux qui m'ont reconnu, je vous aime. Très bien. Et bon. À Sandro, une grosse dédicace à Sandro. Il n'y a pas besoin de dire que je l'embrasse déjà. Pas de problème, tu peux lui faire même. Oui, elle-même le sait. Tu peux lui même faire un petit roulage de patin, un petit roulage de langue, pardon. Une petite soupe de langue. Allez, vas-y. Allez, voilà, pas de problème. Quelle horreur. Bon, salut Mehdi. Je vais essayer ça la prochaine fois. Et, salut Mehdi, et un petit message, hein. Paris. Oh, et respecte. Voilà. Allez, salut Mehdi, à bientôt. Vas-y, ciao. Ciao, bye bye. On revient dans quelques minutes sur Fun Radio en direct avec vous toutes et vous tous, avec encore plein de trucs à goûter là, hein, parce que Sandro, je n'ai pas vu manger grand chose là. Mais là, on a défoncé le pâté là, on attend mais le dessert. Elle a bu, hein, par contre. Ah oui, on attend le dessert, ouais. Ah, mais elle a déjà bien bu. Ah, ça tease, hein. Qu'est-ce que c'est bon, vin blanc. Allez, restez sur Fun Radio. On a également le calendrier de jeudi qu'on va vous remettre pour ceux qui n'étaient pas avec nous, évidemment. Et puis, on va s'écouter le son de Ellie Goulding dans quelques minutes sur Fun Radio. Ellie Goulding avec Burn, c'est ce qui va débarquer dans quelques minutes. On refera un coup aussi de call avec Gabriel dans quelques minutes. Et si vous voulez gagner votre Wii Mini ou votre iPhone 5S, eh bien rencard sur le Facebook maintenant. facebook.com/mikl officiel. Hello everybody. Mikael débarque en Lorraine. Mikael, c'est Mikael No Limit. Fun. Jusqu'à minuit. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio là jusqu'à minuit et on est en direct de Fun Radio à Nancy évidemment. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, bah n'hésitez pas évidemment, vous êtes les bienvenus. On va récupérer Gabriel pour la colle de ce soir. Gabriel qui va donc repartir peut-être avec la Wii Mini et donc vous aussi d'ailleurs. Gabriel qui nous avait posé la colle. Gabriel, comme t'es là, répète la colle en speed. Alors, je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle, qui suis-je? Voilà, je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, eh bien, vous envoyez tout simplement M-I-K-L espace votre réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle, qui suis-je? À gagner donc par SMS ou alors sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Gabriel, on te récupère dans quelques minutes? Pas de soucis. Parfait, eh bien ne bouge pas de là. On va revenir juste après, comme promis, le son d'Ellie Goulding qu'on écoute maintenant sur Fun Radio. C'est Burn, bonne soirée, bonne nuit tout le monde. C'est Mickaël No Limit, on est en direct de Nancy jusqu'à minuit. Toute l'équipe de Mickaël No Limit est en direct des studios de Fun Radio Lorraine. Sur Fun Radio. Exactement, et en direct sur Fun Radio là jusqu'à minuit. Soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. On est en direct avec Amandine dans quelques minutes là, qui sera avec nous de Nancy également. Ça va bien Amandine? Salut. Ça va bien? Ouais, tranquille. Bah tranquillement, là on est bien, on est chez toi Amandine, on est à la cool, on est bien reçu, on est au top. Et qu'est-ce qu'on mange bien? Ah mais qu'est-ce qu'on mange bien avec Eric là. Merci. Alors on rappelle le nom de la boulangerie d'Eric si vous voulez y aller, n'hésitez pas, vous pouvez y aller de notre part, il n'y a pas de problème. Alors c'était où encore là? Du pain à Malzéville. Au cœur du pain à Malzéville, voilà c'est ça, parce que là Polo il vient de prendre 10 kilos là en 30 secondes, mais il a tout dégobé, il a tout gobé. Ah ouais non mais c'est super bon. Alors il y avait la le bras d'argent. Non, le bras de velours. Le bras d'argent. Et la duchesse. Non mais c'est fait. Et la duchesse. Eh ben il a dégommé les deux. Et il a pété la duchesse sans problème. Avec le bras de velours, il a pété la duchesse. Ah ouais, sans problème. Bon, donc Amandine, tu restes avec nous. On va te reprendre dans quelques minutes, Amandine. Et alors je voulais vous demander aussi aux autres, est-ce que vous envoyez beaucoup de SMS, de textos? Ça vous arrive vous qui êtes dans le studio là? Oui. Beaucoup de SMS? Beaucoup? Oui. Ouais quand même. Bon d'accord, ok. Il y a l'air qu'il y a des championnes là-bas. Hein. Ouais, il y a l'air d'avoir des championnes. Et combien de SMS à peu près, grosso modo, par semaine ou par mois? Attends, on t'entend mal, tu dis? Par jour au moins 500, je pense. Quoi? Ah oui, quand même. Ouais. Mais t'es sérieuse? T'écris à qui? Oh, à beaucoup de monde. Mais t'écris quoi? Ah bah, je pense qu'on passe notre journée au téléphone, je pense. Enfin, au SMS. En SMS, d'accord. Bon, genre à la place, je te retrouve où? Tu fais je t'envoie, t'envoie. Non, mais... Ah non, tu fais des vraies phrases quand même. Des vraies phrases. Eh ben, ah, ouais, bah écoute, très bien. Bon, non, en fait, je demandais ça, si ça vous arrivait aussi d'envoyer des SMS, t'envoies des messages à ton mec ou... Oui, aussi. Est-ce que c'est des messages parfois un peu cul? Oui. D'accord, non mais ça tombe très bien parce que je voulais en parler. Non, je demande ça parce qu'il y a les vieux anglais en fait qui avouent passer plus de temps à envoyer des sextos que des textos normaux. Donc apparemment les vieux, les anglais, ouais, ils s'envoient des sextos, ouais. Ça les a bien fait rire, donc je pense qu'elle aussi. Hein. Ouais, je pense, ouais. Mais elle est pas vieille, elle est pas anglaise, enfin, elle est pas anglaise. Non mais par contre, non, elle envoie bien des messages. Elle envoie bien des messages. Et donc du coup, en fait, je voulais savoir si vous aussi, eh ben, vous envoyez beaucoup de SMS de cul. Voilà, donc dans le studio, là, SMS de cul, soyez francs. Hein. Je ferme les yeux comme ça, je vois pas. Dites-moi juste oui ou non. Voilà, oui, très bien, oui. Ouais, il y a quand même quelques-uns. Ouais, je pense que c'est un oui collectif. Ouais, quand même, hein. C'est peut-être pas collectif, mais en tout cas, il y en a beaucoup. Donc, on en parle dans quelques minutes là. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà envoyé des messages de cul à vos copains, copines? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était cool? Est-ce que c'était pas cool? Est-ce que vous vous referiez ou pas? Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Tous vos messages également avec le hashtag MIKL sur le Twitter. N'hésitez pas. Il y a Henrik aussi qui dit: je veux un message de bienvenue, bien violent, s'il vous plaît. Je vous aime, putain. C'est Mickaël. Première fois que mon cousin Antonin écoute. Écoute, Mickaël, un message de bienvenue. Oui, bah écoute, on va t'en mettre un de message de bienvenue. Alors attends, faut que je prenne un bon là. Qu'est-ce que je peux me... Alors, un bon message de bienvenue. Vous me faites chier. Ouais, ça peut être... Ah, si, celui-là, j'ai parfait. Votre grand-mère est suce des nains. Voilà, celui-là est pas mal. Il y a Moms aussi sur le Facebook qui dit: j'envoie 200 messages en 2 heures, rien qu'à mon ex. Oui, mais c'est ton ex, il y a un moment, faut lâcher l'affaire. DJ Blockops qui dit: c'est de la merde des paris sportifs. Bon, on en parlait tout à l'heure. Et puis Dédé qui dit: lors des JO à Londres, j'ai failli gagner le gros lot en prédisant la victoire de Florent Manoudou. J'ai pas joué, j'ai regretté. Ah bah oui, qu'est-ce que tu veux, ce sont les choses qui arrivent. Et Baptiste qui dit aussi: bonsoir, bisous à ma caissière préférée Colline, passez une bonne soirée. Ta caissière préférée, c'est-à-dire Colline, tu travailles où Colline? Colline, allô Colline, tu travailles où Colline? Je vais enquêter sur Colline, reporter de l'impossible, je suis Colline. Tu travailles où Colline? La caissière. Tu travailles où Colline? Allez Colima. Où ça? Je sais pas, rigole bien. Attends, on a pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais pas. Ah, elle est loin là. Non, bah, qu'est-ce qui se passe la copine? Donne à la copine. Est-ce que la copine peut répondre pour elle? Bon, la copine. Ah, elle travaille à Auchan. Ah, ok. Très bien. Écoute, faut bien payer ses études, y a pas de problème. Mais y a pas de honte, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. Donc en tout cas, il y a des auditeurs qui, des clients qui t'ont reconnu. Donc c'est parfait, bah écoute, voilà. Bon, et puis il y a Nanou qui dit aussi: est-ce que vous saviez qu'un appel masqué peut être démasqué? Ah bon? Ben non, écoute, on ne savait pas. Qu'un appel masqué peut être démasqué. Ben je ne savais pas non plus. Bon, avant de récupérer Gabriel avec la colle, avant de récupérer Amandine de Nancy, et puis vos avis aussi par rapport au sexto, on va se refaire le canular spécial mariage qu'on avait l'occasion de faire jeudi. Pour ceux qui n'étaient pas là, bah alors écoutez, hein, c'était encore une fois du caviar. Et si vous voulez vous aussi piéger votre copain, votre copine, n'hésitez pas, vous inscrivez dès maintenant en envoyant un mail à Sandro, sandro@funradio.com. Le canular de jeudi, on se l'écoute maintenant sur Fun Radio. Comment ça va? Ouais, ça va, ça va. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors, Steph qui nous appelle de Courcelles, tout près de Charleroi. Oui, c'est bien ça. Bon, alors Steph, toi t'appelles parce que t'as envie de faire un canular à ta mère ou à ton... À qui? C'est à ta mère, c'est ça? Non, une amie à ma mère, en fait. Ah, une amie de ta mère, d'accord. Oui. Alors, quelle va être l'histoire, grosso modo, en deux mots? Ben, en gros, ma maman doit se marier le 16 novembre et j'aimerais bien faire croire à son amie que ma maman est dans une soirée, qu'elle est complètement pétée et que finalement, elle est toute mariée. Bah, ça lui arrive quand elle est en soirée avec son ami, là, justement, donc... D'accord, ok. Je pense que ça pourrait le faire. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que Toff va se faire passer pour ton mec, donc il va s'appeler Mickaël. Ça va être compliqué, hein, ouais. Mais vous allez voir. Donc, Toff va devenir Mickaël, ok, ton mec. D'accord. Elle s'appelle comment, ta mère ? Anne-Marie. Anne-Marie, d'accord. Et oui. La copine ? Delphine. Ok, très bien. Bon, alors on va l'appeler, c'est parti. Et puis bah Stéphanie, je vois un peu paniquée. Et puis bah je compte sur toi, hein. Ok, ça allez, va. Allez, c'est parti. Bonne chance Steph, nous on est derrière. T'inquiète, et t'es avec ton mec Mickaël, hein. Moi je suis toujours okay, derrière. Ça voilà, c'est ça. Allez. Allô Delphine. Allô. Oui. Allô Delphine. Oui. Bonjour, excuse-moi de te déranger. Ici, c'est Stéphanie, la fille d'Anne-Marie. Allô? Ah oui, Stéphanie, oui, dis-moi. Ben, ça en fait, va? Ben non, ça va vraiment pas, j'ai un souci avec ma mère. Je sais pas si elle t'expliquait quelque chose. Ben, je sais pas, elle a été invitée aujourd'hui chez des amis du club qu'elle connaissait avant, des Barakis. Et ils m'ont appelé comme quoi, enfin, elle était dans un drôle d'état. Si je viens d'arriver, elle est complètement bourrée. Et il y a un type qui est là et elle veut coucher avec, elle veut plus se marier avec Vaz, elle dit qu'elle reste avec Vaz parce que c'est vous qui l'aimez bien, qu'elle veut pas vous décevoir, mais moi je sais pas quoi faire. Attends, parce que j'ai des gens chez moi, qu'est-ce que tu me dis ? Qu'elle elle est pas heureuse et qu'elle est complètement bourrée, je sais pas ce que je dois faire, le type il est là et... Elle est partie où Anne-Marie là ? Mais elle est où ? Elle est partie avec Michel. Elle est partie chercher un verre et puis je l'ai plus revue. Dis-moi que j'aille la chercher. Mais je sais même pas c'est où, c'est à Montceau. Elle me dit que c'est ta faute, c'est toi qui as insisté pour qu'elle se marie avec Vaz. Bah, et attends, là c'est une blague. Parce que, pourquoi est-ce que moi je vais insister pour que ta maman elle se marie avec Vaz? Dis-moi. Mais je sais pas, mais ils font faire quelque chose. Bah non, mais sûrement qu'elle est bourrée, elle dit n'importe quoi, maintenant... Bah oui, oui, je suppose. De là être bourrée et qu'on lui saute dessus, je pense pas que c'est le genre de ta maman. Bah non, oui, qu'elle est un petit coup... Si, je te jure, elle me dit, elle veut plus se marier, elle mais me c'est dit... Mais c'est qui là au téléphone? Allez, dégage, c'est une copine à ma mère, si tu veux, toi, hein. Je te connais même pas. Attends, qu'est-ce que tu dis? Écoute, Delphine, essaye de le calmer, s'il te plaît, parle-lui et essaye de le calmer, oui. Qu'il laisse ma mère tranquille. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Bonjour. Oui, à qui je l'heure? Delphine. Bonjour, Delphine. Déjà, bonsoir, on dit. Oui, bonsoir. Oui, écoutez, on n'est pas dans le détail. Oui. Apparemment, vous êtes la meilleure amie d'Anne-Marie. Je pense, oui. Ah bah très bien. Bah écoutez, moi elle est venue vers moi ce soir là, je comprends pas très bien là. Elle me dit qu'elle est sa fille l'autre là, que je dois rien faire. Ah écoutez, moi il y a une fille, une femme qui arrive vers moi et qui me fait des propositions comme ça, je peux pas refuser quoi. Je pense que ça se fait pas. Et éventuellement vous êtes célibataire ? Non. Ah écoutez, bon bah tant pis, bah, je vais me rabattre sur l'autre alors. Hein. Bon c'est vrai qu'elle est pas toute fraîche, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est vraiment pas sympa, parce qu'en plus elle est dans un état de faiblesse, la pauvre, et je vois pas pourquoi... Juste pour préciser, c'est pas moi qui l'ai fait de boire, moi je suis arrivé, elle était déjà comme ça. Hein. Vous êtes lucide alors. Ouais, moi j'ai un petit verre, mais après dans l'absolu, oui je vois bien, oui. Bah oui, mais enfin, moi j'ai une meuf. Bah écoutez, il y a une fille qui se met là en comme ça devant meuf, moi là. En plus t'as une meuf, bah, c'est encore pire. Et alors pire. Bah elle se met à quatre pattes devant moi, j'ai passé à côté, ce serait con quand même. Non, ça m'étonnerait beaucoup d'elle. Ouais, enfin c'est imagé. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse si elle est bourrée? Bah il y a plein de trucs faisables. Oh et t'as l'air un peu coincé du cul toi par contre, hein. Ben si tu le dis, oui, je sais pas, mais en tout cas j'ai vraiment pas envie de te connaître. Donc c'est-à-dire que toi dès que t'as un verre dans le nez, alors on peut rien faire quoi. Mais je pense pas avoir un verre dans le nez, non. Non, mais pas maintenant. Non. Oh, elle est con. Oh là là, quelle est bête. Vraiment, t'es le genre de... Oh, quelle est bête. Casse-couille, mais oh, casse-couille. C'est vraiment grave, hein. Pourquoi? Ah non, excusez-moi, hein. J'étais en train de parler avec la fille, là. Enfin, vite fait, quoi. Bon, qu'est-ce que vous disiez, là? J'ai pas compris. Mais je dis que tu dois être le genre de type qui attend la faiblesse d'une femme pour se coucher dessus, parce que tu dois vraiment être lamentable et minable. Ah ouais, mais c'est pas grave. Moi, après, j'en ai trouvé une, là, ce soir, donc c'est cool. Dès qu'elle va revenir, là, apparemment, elle a été se refaire belle aux toilettes. Oh là là. Bah ouais. Donc du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Bah je sais même pas pourquoi je parle avec toi en fait. T'es sûr t'es pas bourré là toi? Ah non, non, moi je suis pas bourré, moi j'ai rien bu. Enfin, je suis un petit verre, mais on le sent plus quoi. Bon enfin bon écoute. Bon bref, va, bon, et donc du coup, elle est plutôt chaude ta copine ou pas là? Pas du tout. Elle est bourrée, apparemment, est-ce que j'ai pu comprendre? Ouais mais ça je m'en fous, mais dans l'absolu, elle est chaude ou elle est pas chaude? Mais je sais pas, tu me le diras après, hein. Je sais pas, sonne-moi et dis-le-moi. Hein. Ah d'accord, ok. Non, non, mais c'est, parfait. C'est, hein. Par contre, il y a un autre mec là. Il y a un autre mec, c'est qui celui-là là? Il y a une tête de con là. Il est avec l'autre, avec la petite. Ah ça va, ça, je parle pas, c'est mon copain. Ah c'est le copain. Ah bah je suis désolé. Hein. Attends, Stéphanie, si tu me passais l'adresse, que j'aille récupérer ta mère. Ah non, parce non, elle lui donne pas l'adresse, elle a l'air chiante. Mais je sais même pas c'est où. Attends, Michel. Ouais. Michel, allez, regarde. Donne-moi l'adresse, s'il te plaît. On est où ici? C'est... il vaut mieux pas qu'elle le sache. Tu vas quand même pas me dire, tu vas faire confiance à ce type-là, il a l'air déglingué. Comment ça, j'ai l'air déglingué? Je sais pas, il manque un cachot. Tu sais pas lui mettre un, lui foutre un jeton ou lui mettre un coup de pied entre les couilles, ça va l'assommer un petit peu. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Oh là, mais évidemment, c'est normal, t'as vu la gueule que j'ai, c'est normal qu'elle soit emballée. Attends, mais ta gueule. Eh ouais, reste calme, sinon je mets une patate à ton pseudo mec, là, ta tête de con, là. Mon mec, il t'a rien fait. Hein? Ah toi, c'est quoi comme... Mais attends, c'est vraiment pas de con là. Et regarde l'autre, elle pleure, t'as l'impression qu'il y a un drame qui s'est passé, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais oui, mais putain, mais moi j'aime pas voir ma mère. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, elle est contente, je vais lui mettre une cartouche, elle va être heureuse. Bah oui, attends, c'est ça, c'est ça, lui la cartouche. Putain, je vais lui en mettre une petite. En plus, elle a l'air mal baisée, alors moi je m'en occupe. Mais tu sais qu'il est pas normal, le gars là. Mais non, mais y'a personne qui est normal ici. Je sais pas ce qu'elle est venue faire ici. Elle est professionnelle. Elle me dit, je vais chercher un costume que quelqu'un a bandé chez ces gens-là. Et puis, on m'appelle, viens, c'est dans un drôle d'état. Limite, je sais même pas si c'est pas un coup monté pour que je vienne aussi. Elle vient ou pas, la morue? La morue, il parle de moi là. Il parle de moi là, l'autre trou de cul là. Mais attends, va regarder ça dans ton slip, on verra si c'est une morue ou pas avant de parler. Qu'est-ce qu'elle dit? Quel connard, mais derrière un téléphone, on dit ce qu'on veut, hein. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi pour un type? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais ta gueule, putain, chacun de parler du monde qu'on est ici. Qu'est-ce qu'elle dit? Et c'est pas la police, c'est l'ambulance que tu dois appeler. Qu'est-ce qu'elle dit? Bah oui, peut-être que je devrais appeler la police, alors. Mais tu vois pas que c'est insensible, pauvre malheureux, il s'en rend même pas compte. Bon, moi je vais baiser ta mère. Ton mari n'est pas là pour le calmer un peu, lui. Bon, moi je vais baiser ta mère. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il baise par parler, celui-là, il doit avoir un troufion comme un nain de jardin. Allez, je sais pas, mais bon, hey, calme un peu, hein. C'est qui la tête de con, là? Bah, j'aurais déjà difficile d'avoir une tête de con, du coup, que je suis une fille. Tu me parles pas mal, espèce de connard, va. Oh putain, il a trompé sur Mika, c'est pas vrai, non. Vas-y, calme-toi, ici. Ouais, c'est bon, qu'est-ce que tu fais, espèce de connard, va. Maintenant. Calme-toi, ici. Tu veux pas venir, tu vas pas venir taper dans la vieille, là, c'est la mienne. Mais vas-y, parle pas comme ça de sa mère. Ouais, j'en ai rien à foutre, moi, j'ai bien vu que t'avais des vues sur elle aussi, alors casse-toi. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est mon copain, il est pas comme ça, lui. Je suis sûr qu'il a envie, toi. Attends, vas-y, calme-toi, j'en ai rien à foutre. C'est pas possible. J'en ai rien à foutre. C'est quoi ce délire? Non, écoute, qu'est-ce toi, qu'elle est trop folle, mais pas à ce point. Non, je suis sûr et certain. Où elle est, mais moi je sais pas comment j'ai fait pour... Vas-y, calme-toi. Vas-y, fais pas chier. Oh là là, t'as tes deux coups de merde, là. Eh, je vais lui péter la gueule. Oh putain, il est en train de tout péter. Et oh là là, Michael est parti. Alors, tu sais qu'est-ce que tu fais? Soit tu appelles la police et ils te localisent. Pourquoi elle va appeler la police? Soit tu essayes de me dire où tu es. Mais moi, comme ça, je sais pas qu'est-ce que... Oh putain, tu sais pas lui mettre une claque. Allô? Oui. Ah, ça fait moins le malin, je suis au téléphone, là. Ah, ouais. Au moins, j'appelle quelqu'un. Comment elle s'appelle? Ça te regarde pas. Comment elle s'appelle, la grognasse? Je te connais pas. Mais ça va, la grognasse parle pas comme ça. La vieille peau. Comment elle s'appelle, la vieille? Ah voilà, la vieille, je m'appelle. Elle s'appelle la vieille, ça te va bien? Ah bah oui. Ah bah tout le monde me le dit. Ah bah tant mieux. Ouais, pas que toi. Ah bah tant mieux. C'est génial, hein. Dis donc, t'as l'air relou quand même, hein. Loulou, t'as vu combien de fois tu répètes la même chose? Dis donc, tu m'appelles pas Loulou, je te mets une patate, t'as compris? Ouais, quelle patate. Ah ouais, tu vas voir. Je vais t'en mettre une belle, moi. Hein? Ouais, c'est facile. Quelqu'un qui a moitié endormi, qui soi-disant, parce que tu dois franchement être le genre de type hyper moche qui doit se faire des bonnes femmes bourrées. Ouais. Ah mais ça sûrement, marche. Sûrement, je suis sûr et certain. Ah mais ouais. Ça marche. Bah ouais, bah t'es fier. Ah bah oui. T'es fier. Ah bah tant mieux. C'est le principal. C'est le principal, je sais pas moi. Et donc, ça veut dire qu'on t'apprécie pas. Ça veut dire qu'on t'apprécie pas. Ça doit pas être quelque chose de très très. Je sais pas moi. J'ai même pas envie de te connaître, tu vois. Ah t'as pas envie qu'on se voit demain? Non, même pas. Non. On pourrait éventuellement déjà, se faire un. Trop, tu répètes 36 fois la même chose. On pourrait se faire un date. Agaçant. On pourrait se faire un date. Quoi? Un petit date. Non. Un rendez-vous quoi? Non. Un rendez-vous galant? Non. Bon, sûrement pas. Hein, je te prendrais comme ça, sur le siège arrière. Ah ouais. Il faudrait déjà qu'il y ait un siège arrière. Ouais, mais chez moi, je te mettrais une petite cartouche. Oh, qu'il est con, mais putain, tu ne serais pas soigné. Hein, je sais pas, on t'a jamais dit que t'avais un gros souci. T'as pas envie que je te mette une cartouche? Non, pas du tout. Non, je préfère que tu te la mettes à toi. Ah bah non, c'est compliqué ça. Non, mais c'est compliqué ça. C'est compliqué de la mettre à soi-même. Attends, moi je sais pas comment tu fais. Et pour baiser et pour parler, hein. Ouais. Ouais, hein. Bon, tu vas pas te coucher, hein. Et peut-être demain, tu iras un peu mieux. Ouais. C'est sympa? Ouais. Oh tiens, tu parles plus, c'est génial. Ouais. Bon, donc, elle va me refiler l'adresse et j'espère que tu vas te calmer. Et tu vas aller voir un psychiatre dans pas longtemps. Ouais. C'est génial, non? Ouais, ah bah tu vois, t'es d'accord pour tout. Et généralement, les fous disent toujours oui. Ouais. Genre ton cas. Ouais. Hein? Ouais. Voilà. Voilà, t'as tout compris. Donc demain, tu vas voir un psychiatre et dans pas longtemps, tu seras hors de portée de tout le monde. Putain, j'ai joué le rôle de Toff à merveille. Tu étais parfait. Mal, je suis presque reconnu. Bon, Delphine. Oui. Delphine, c'était Mickaël. Oui. T'es sur Fun Radio. Il y a juste la fille de ta copine qui veut te casser les couilles. J'ai essayé de faire ce que je pouvais pour être relou, mais j'aurais dû laisser ce rôle à Toff. Oui, j'aurais été parfait. Ah oui, je pense également, mais, effectivement. Mais, oui. Je sens que je vais te tuer. Je suis désolée, Delphine. Je vais t'étrangler. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous filer des places pour aller au parc Astérix, si vous voulez. Comme vous n'êtes pas très très loin dans l'absolu, vous allez pouvoir y aller, 4 personnes, pour notamment peur sur le parc, avoir des citrouilles, des têtes de Toff un peu partout. De quoi? À qui? À moi? Eh ben, on va vous en filer, il y en a 4, vous partagerez comme ça. Wow, merci Delphine. Bah voilà. Du coup elle est ouverte. Ah bah je te défile seulement si on peut te mettre une cartouche. Cadeau pour le mariage. Ouais. Je t'ai dit la cartouche, je suis clairement en plein front. Comment elle me parle encore? T'as remarqué ça? C'est quand même c'est un truc du moment, c'est de mettre sur le front. Oui sur le front, ouais, il y a que le front qui fonctionne effectivement. Ouais. Bon allez, bonne soirée les filles. Ok, merci. Voilà, et donc si vous voulez vous aussi faire un petit canular éventuellement, peu importe le sujet, n'hésitez pas, vous vous inscrivez dès maintenant, sandro@funradio.fr. On va récupérer Amandine dans quelques minutes, Steven également pour parler des sextos, et puis on va prendre également la colle avec Gabriel. Ce sera juste après le son de Selena Gomez qu'on écoute maintenant sur Fun Radio avec Slow Down. Et je rappelle qu'il y a toujours l'iPhone 5S à gagner, hein. Venez, maniez-vous d'ailleurs, hein, facebook.com/MIKL officiel si vous voulez tenter votre chance de gagner l'iPhone 5S, facebook.com/MIKL officiel, bonne chance. Mickaël, No Limit, en direct des studios de Fun Radio Lorraine, sur Fun Radio. Fun Radio. Oui, et on est en direct jusqu'à minuit d'ailleurs, hein, en direct ici, depuis les studios, tranquillement, de Fun Radio à Nancy, les studios de Fun Radio Lorraine, vous êtes les bienvenus évidemment. On va prendre Amandine dans quelques minutes, mais avant cela, Gabriel, puisque tout le monde attend, là on a 8 minutes de retard, mais c'est pas grave, hein, j'avais dit 10h, 10h30, on n'est pas loin. T'es toujours là, Gabriel? Ouais. Eh ben très bien. Alors attention Gabriel, on va se faire maintenant la colle. Gabriel, on va appeler quelqu'un au hasard, celui ou celle qui aura probablement donné la bonne réponse. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche, eh bien il ou elle gagne. Si la réponse est bonne, bien entendu. Si elle est mauvaise, ce sera pour toi Gabriel. On y va. Allez, vas-y, magnifique musique de colle. Allô? Allô? Bonjour, oui. Comment tu t'appelles? Romain, salut Romain, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Et je t'appelle, salut Romain. Et je t'appelle avec Gabriel qui est avec nous et qui a une question pour toi, Gabriel, vas-y. Alors, je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle qui suivent. Alors c'est l'aspirateur? Ouais. Et ben voilà. Et ben bravo Romain. Merci. Eh ben je t'en prie, écoute avec plaisir. Tu repars avec la Wii Mini, je sais pas si tu l'as vu sur le Facebook. Elle est toute belle. Et ben voilà, elle est pour toi, Romain. Félicitations. Et Gabriel, Gabriel, grâce à Romain, tu repars chez ta mère les mains vides. Voilà. Bravo Romain, hein. Et bravo Gabriel aussi d'ailleurs. Merci. Bon, et Gabriel, Gabriel, on va quand même te filer un pack fun. Tu vas retourner au standard. Voilà, exceptionnellement sans Sandro, mais c'est le stagiaire qui décroche ce soir et qui fait du très mauvais travail, je tenais à lui dire. Non, je plaisante, pour l'instant en tout cas, pour l'instant. Tu voulais dire un truc, Gabriel ? Faire une dédicace, ou pas ? Oui, bah une, alors vas-y. Alors à Jérémy, Jen, c'est tout. Très bien, et bah écoute, le message est passé. Voilà. Salut Gabriel, à bientôt. Merci. Ciao. Et puis bah Romain, bah félicitations à toi, hein, tu repars toi aussi avec la Wii Mini. Bravo à toi Romain. Merci à toute l'équipe. Alors. Et bah écoute, avec plaisir. Salut Romain, à bientôt. Hein. Salut. Ciao, bye bye. Ciao. Et bah si vous aussi voulez choper votre Wii Mini, et bah il y en aura encore une à gagner dès demain soir à partir de 23h sur Fun Radio. Donc soyez bien là. Et puis bah dernière ligne droite aussi, là dans moins d'une heure 20, avant minuit, on fera le tirage au sort pour savoir lequel d'entre vous repartira avec l'iPhone 5S que je vous offre ce soir sur Fun Radio. Rencard maintenant sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. On va parler des sextos maintenant avec Steven qui appelle de Bourges. Salut Steven. Oui, allô, bonjour. Comment ça va? Bah bien. Bon, on avait fait un petit tour du côté du studio ici avec les auditeurs qui sont sur place dans les studios justement de Fun Radio Lorraine où on est jusqu'à minuit. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, surtout des filles, une en particulier, qui envoyaient beaucoup de sextos à son mec. Mais il n'y a pas de mal, c'est la seule qui est franche. Droit. Et d'ailleurs, de tout le temps où on était là en... Elle a textoté. Voilà, c'est ça, de tout le temps. Elle envoie, mais c'est bien. Et donc du coup, les filles et les garçons, je voulais savoir si vous étiez comme ces Anglais justement, les vieux Anglais apparemment envoient plus de sextos que de textos. Voilà, et donc on voulait savoir si c'était pareil chez vous. Donc bah, venez nous en parler. Alors Steven, toi comment ça se passe au niveau des sextos? Et ben en fait moi je voulais faire une blague à mes potes. Ouais. Et en fait bah, ils l'ont mal pris. C'est-à-dire? Et ben comment dire des Oui, textos, comment dire bah, pas trop cochon, mais ils l'ont quand même mal pris. Non mais attends, t'as envoyé un message de cul à tes potes, mais genre tu l'as fait exprès ou c'était une erreur? Bah pour voir leur réaction. Et alors ils ont réagi comment? Bah ils m'ont mis une baigne dans la gueule. Pas mal, il y en a un, il est venu, il m'a tapé. Bah voilà, c'est ça. Grosso modo, c'est ça qui s'est passé, Steven? Bah ouais, un petit peu. Ah oui, mais t'as des potes cool toi, tu vois, les mecs sont, ils ont de l'humour, tout ça, c'est pratique. Sauf que maintenant à cause de ça, on se parle. De quoi? Oui, Steven. Mais sauf qu'à cause de ça, on se parle plus maintenant. Ah oui, donc t'as vraiment des potes cons en fait, Steven. Bon, alors bouge pas, on en parle dans quelques minutes. Les autres, venez nous en parler. Et Sandro apparemment qui envoie beaucoup de sextos à Toff. Non mais je me demandais comment réagirait Polo si Toff lui envoyait des sextos. Mais c'est ce qu'ils font de temps en temps. Une paf dans sa gueule, dans sa grosse gueule. Mais on s'en envoie tout le temps. Mais oui, évidemment. Non, attends, il y a une explication à ça. En fait, c'est parce que comme il trompe 90% de ses copines. Non, 100%. Et 100%, pardon. Ouais. En fait, il m'envoie des textos comme ça pour faire croire. Ah mais non, mais j'envoie Apollo. Évidemment. Bon, bah restez là, il y a Calvin Harris qu'on va s'écouter dans quelques minutes avec Thinking About You. Et attention également, si vous voulez venir parler avec Steven et avec nous aussi d'ailleurs, hein, 01 42 48 5000, vous nous appelez évidemment, vous êtes les bienvenus, vous tomberez sur le stagiaire, n'hésitez pas à l'insulter quand vous l'avez au téléphone. Et puis bah, le 02 851 4x0 depuis la Belgique, ne bougez pas, on revient en direct, toujours en direct de Nancy d'ailleurs, jusqu'à minuit sur Fun Radio. Mickaël débarque en Lorraine. Mickaël, c'est Mickaël nos limites. Jusqu'à minuit sur Fun Radio. Et on est en direct effectivement sur Fun Radio jusqu'à minuit, encore une heure hein, d'ailleurs avec l'iPhone 5S à gagner dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Et ben voilà, on est au taquet sur, sur Fun Radio. En Lorraine, on est bien accueillis en tout cas. On a reçu des bons gâteaux là et tout. Là, on était au top du top. Et donc l'iPhone 5S a gagné. Alors attention, parce qu'il y en a plein qui vont nous chier une pendule. Parce que oui, mais on gagne pas. Bah oui, mais pour gagner, il faut répondre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le concept est simple. Vous allez liker la photo ou la partager. La photo où je suis avec l'iPhone 5S. Et donc vous la partagez, vous la likez. Et après, nous, on va piocher au hasard des gens qui l'ont fait. On leur envoie un message privé en leur demandant leur numéro de téléphone pour les appeler en direct. Donc évidemment il faut aller voir vos messages privés, ça va pas tomber du ciel. Donc allez-y, vous allez voir dans vos messages privés. Si jamais vous avez un message de Toff ou de moi, hein, n'hésitez pas à répondre. Et surtout ne pas me répondre 6 mois après, parce qu'il y a des gens qui me répondent à des messages envoyés le 2 octobre. Et bah oui, en c'est disant, ça. Ah ça j'ai gagné. Non, perdu, là. C'était trop tard, hein, t'as juste un mois de retard. Donc si vous voulez tenter votre chance, allez-y, regardez vos messages privés. Pour les autres, rencard sur le Facebook de l'émission. Vous likez la photo où je pose avec l'iPhone 5S. Voilà, vous pouvez pas rater. Facebook.com/mikaelofficiel. Et pensez à regarder les messages autres. Oui, allez voir dans les messages autres, parce que parfois Toff est considéré comme spammeur, puisque bah forcément comme il va draguer toutes les meufs, il y a un moment ou un autre, ça finit là quoi. Ah, forcément. Voilà. Donc allez voir dans autre. Exactement, allez voir dans autre. Retour avec Steven dans un instant pour parler des sextos. Les filles, les garçons, venez nous en parler également. Et bien vous nous appelez au 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Est-ce que vous envoyez justement des sextos à vos copains, vos copines? Comment ça se passe? Qui a commencé? Comment il ou elle l'a pris? Bref, venez nous en parler, on vous attend avec impatience. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On écoutera Dubs tout à l'heure. Il y aura Martin Garrix et puis Calvin Harris qu'on écoute maintenant. C'est Thinking About You sur Fun Radio. Nos limites. Mickaël, en direct des studios de Fun Radio Lorraine. Jusqu'à minuit. Mickaël, nos limites. Nos limites. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct de Fun Radio, effectivement, à Nancy, en Lorraine. Et donc, ouais, je voulais simplement vous signaler également bravo aux Stéphanois qui ont battu les Parisiens, là, 2-1. Quelle honte, quelle honte. Alors Paris, qu'ils étaient à 10 contre Paris. 11. Donc bravo, ah, hein. Eh, pas mal, il y a eu 2-2 ouais. Ah bah ouais, tout juste alors, très bien. Enfin, ça reste un match nul quand même, malgré tout, c'est pas non plus la folie. Hein. Bon, allez, suite maintenant, évidemment, d'émission de LHK minuit sur Fun Radio. On parle encore de sexto dans quelques minutes. Est-ce que vous avez tendance à envoyer des sextos, vous, avec votre copain, votre copine, ou au contraire, c'est pas du tout votre truc? Venez nous en parler, venez nous expliquer un petit peu ça. On a encore un petit canular aussi à faire avec Toff, là. Bien sûr. Avec quel thème on va prendre, alors, là, maintenant? Bah, je sais pas, on a les trous du cul ou les gros sexes? Bah, je sais pas, vous l'écoutez quoi, les auditeurs qui êtes là, là? Trous du cul ou gros sexe? Gros sexe? Très bien. Allez, voilà, vous inquiétez pas, de toute façon on fera les deux avant la fin de l'émission. Parce que là on vient de mettre, on vient de les mettre en galère à Paris, donc ah bon, ouais, bien. Parce qu'ils avaient prévu les trous du cul, mais ils vont caler taille du sexe. Voilà. Bah, ils vont caler taille du sexe. Allez, attends, dans ta gueule. C'est ça, sans déconner quoi. Bon, allez, c'est parti. Et Victor, sois bon pour une fois. Bon, on y va. Victor, c'est monsieur qui pousse les boutons à la radio dans le studio où on est d'habitude. Bon, alors du coup c'était. Donc on a dit taille du sexe. Maintenant. Ah oui, taille du sexe. Voilà, j'avais confondu. Quoi que je ferais bien l'autre quand même, non? Bah, je sais pas, c'est quoi? Oh, on peut pas en prendre un autre juste pour faire chier Victor? Non, on peut pas parce qu'il a que ceux-là qui sont prêts. Ah, voilà. Non, allez, c'est parti. Donc, si vous n'écoutez pas l'émission, eh bien, toute la semaine de 23h à 2h du mat, voici ce que vous ratez. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir quelle est la taille du sexe de votre mari? Et ta mère, tu la connais ta mère? Oui, je la connais très bien madame, mais je vois pas le rapport avec la question. Voilà, très bien, là, on était pas mal. Classe, rapide, efficace. Bah, classe, rapide, efficace. Du coup, on va rappeler, hein, c'est parti. On l'avait rappelé d'ailleurs, hein, pour ceux qui n'étaient pas là pendant la semaine. On écoute la suite. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui, j'étais en communication avec votre femme, malheureusement ça a coupé. En fait, je voulais savoir quelle était la taille de votre bite. Attends. Vous voulez quoi? Je voudrais connaître la taille de votre bite, monsieur. Pardon? Combien mesure votre membre? Pourquoi faire? Vous êtes quoi, vous? Moi, je suis moi et je vous appelle pour connaître la taille de votre sexe. Je vais appeler les flics, là. Oui. Et je vais prendre votre numéro. Vous faites quoi, là? Vous arnaquez les gens? Vous faites quoi, là? Vous parlez à ma femme? Vous les coins? Je veux savoir, en fait, si vous êtes satisfait de la taille de votre chibre, monsieur. Quel chiffre que vous voulez m'arnaquer avec votre chiffre? Non, je... Allez, tu peux dégager ton salopard, ouais. Ferme ta gueule. Tu le fermes. Tu appelles la prochaine fois, je te casse. Oui, mais il faut qu'on trouve son numéro. Je vais te trouver ton numéro, espèce de connard, ouais. D'accord, mais vous voulez pas répondre à la question, plutôt? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, j'étais au téléphone avec je ne sais pas qui, et en fait, je voulais connaître la taille de votre sexe, monsieur. Écoute, regarde, de toute façon, je connais quelqu'un qui travaille avec les accessoires, on va prendre les relevés téléphoniques. Je vais bien trouver ton numéro. Oui. Et je t'explique. Je vais pas appeler la police ou quoi, mais je vais venir directement chez toi. D'accord, mais vous... J'espère que demain, le plus rapidement possible, je vais trouver ton numéro. Mais je peux vous le donner si vous voulez, on peut gagner du temps. Ouais, je veux bien, bah donne-le-moi. Ouais. Alors, donc 01. Ouais. 42. Ouais. 48. Ouais. 50. 00. Mais tu veux quoi en fait exactement? Je voulais savoir la taille de votre sexe, monsieur. Mais demande à ta mère, on va te le dire directement. J'ai l'habitude de le mettre dans le huc. D'accord, mais en centimètres, ça fait combien? Et t'es qui toi? Comment t'as eu ce numéro déjà? Juste dis-moi, c'est pas bien. Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Non, mais t'appelles mes parents, espèce de fils de pute, je fais des blagues au téléphone, espèce de putain de ta mère, t'as pas honte? Mes parents, c'est des vieilles personnes, ils ont pas ton âge. Pourquoi tu fais des trucs comme ça, espèce de fils de pute? Pourquoi t'appelles les gens à ce moment-là, tu déranges les gens? Bah, pour savoir quelle est la taille de votre sexe, monsieur. Mais, si, demande à ta mère, avec plaisir. D'accord, mais moi je veux juste un chiffre en centimètres, parce qu'en fait, après, je voulais vous demander si vous en êtes satisfaite de la taille de votre sexe. C'est quoi demain? C'est quoi? J'espère juste que je vais trouver ton numéro là, parce que toi tu sais pas, t'es en train de parler avec qui, tu sais pas, t'appelles qui. C'est ouais. Facile de appeler masqué, c'est facile de parler avec les gens. Je viens de vous donner mon numéro, monsieur. Tu m'as donné un faux numéro, c'est quoi? Je l'ai même pas noté, je suis très bien, c'est un faux numéro. Mais non, c'est mon numéro. Si vous appelez, vous pouvez me joindre. Donne ton numéro, donne. Je suis ah oui, mais... juste pour voir c'est quoi le numéro que je me donne. Donne, je vais rigoler un peu, donne. 01 42. Je répéterai pas après, parce que ça me fait chier. 42, 48. Eh ben voilà, il avait raccroché, donc on n'était pas plus avancé. Non. Eh ben, il avait été très sympa. Mais il avait été effectivement gentil, très gentil, cordial, agréable. Ouais. Non, vraiment trop sympa. Quand ouais, même. vraiment. Ouais. Bon, il y a plein de messages qui sont arrivés. On salue d'ailleurs tous ceux qui sont connectés ce soir. Il y a Steph, il y a Cali Cruz également qui est là. Il y avait Quentin, il y avait Edwin, Loïc, il y a Mimi 71 qui est là également. Dédé, Paul, Let's Be Fritz. Il y avait Tom également, etc. Naughty Boy. Donc venez encore, hein, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Twitter, vous mettez tout simplement, vous m'ajoutez en mettant M-I-K-L underscore, donc la petite barre en bas, officielle. Et puis bah, tous ceux qui m'ajoutent, eh ben, je vous ajouterai également. Il y a Kémy d'ailleurs qui dit gros dédié au collège Saint-Jean-de-Lacroix, en particulier au 5-2. Il y a la directrice et la secrétaire, elles sont cool et ma classe. Bon bah très bien, écoute, hein, si tu salues, c'est que t'as déjà réussi à avoir une petite... petit avantage quoi. DJ Block Ops aussi qui dit bonne soirée à toute l'équipe, bon appétit surtout et bonne soirée également à tous ceux qui écoutent Mickaël. Et ben on embrasse tout le monde. Et Fanny qui dit putain vous êtes les meilleurs, je vous kiffe grave, continuez comme ça. Et Mickaël Jean qui dit merde, il fallait que mes parents aient cette putain d'idée d'aller en Allemagne le jour où tu viens à Nancy. Coup de pelle et lance-flamme pour moi, d'accord. Hop là, voilà, et un petit coup de lance-flamme aussi. Ah la PS, j'ai toujours pas eu de message de bienvenue, bah très bien. Eh ben attends, je t'en mets un autre, tiens, voilà, hop là, attends, je t'en mets un autre, un petit sympathique. Au baltringue côtier, au PD côtier, enculé, va. Eh ben voilà, eh ben Clara aussi qui dit baston, baston, baston, et puis DJ Block Ops qui dit un troufion de nain de jardin, belle imagination. Ah mais les gens ont beaucoup d'imagination, hein, ce qu'on appelle, hein, ça c'est clair. Retour avec Steven et également Thomas pour parler des sextos, et Thomas qui vient de Clermont-Ferrand. T'es là Thomas ? Salut, je suis là. Comment ça va ? Ça va. Bon, très bien. Est-ce que comme notre auditrice, comment s'appelle d'ailleurs l'auditrice qui envoie beaucoup de sexe, qui est encore en train d'envoyer. Vois, il y a un qu'elle est en train d'envoyer des messages cochons. Qu'est-ce que t'étais en train d'envoyer? Comment tu t'appelles déjà? Qu'est-ce que... Vas-y. Qu'est-ce... Comment? Chris. Chris, voilà. Qu'est-ce que t'étais en train d'envoyer? Bon, à qui t'envoyais encore là? À une amie. Ah oui, oui, non, bah non, oui. À une amie, t'envoyais quoi? Pour aller boire un coup après sur Nancy. Ah bah voilà, très bien. Est-ce qu'on peut voir ses anciens textos? Oui, bien sûr. Les anciens sextos, ça ressemble à quoi? C'est genre, c'est vraiment trash ou... Ou c'est érotique, ou c'est pornographique, ou c'est bon, quoi allez, tout, on va dire. Ah, c'est tout. Un mix, quoi. Bah, non, mais bon. C'est un mix, d'accord, très bien, ok, très bien. On fait un peu de tout, on va dire. Oui, oui, non, mais y a pas de problème, hein. Donc c'est con, t'as aucune chance, là. Ouais, je sais, c'est pas grave. Ah bah ouais, bah si, c'est un peu grave. Une de plus, quoi. Bah oui, un échec de plus. C'est ça. Alors que t'étais parti de Nancy en vainqueur, là t'es revenu, t'as perdu la guerre. Bah là j'ai tout perdu. Hein. Ah ouais là c'est... Bah, pas une seule victoire de la soirée. Ah bah que dalle, un vrai drame. Bon, venez nous parler grave, hein, aussi, vous les filles, est-ce que vous envoyez beaucoup de sextos? Comment ça se passe chez vous, tout simplement? Est-ce que vous utilisez ça souvent? Quand on dit sexto, ça peut être les mails, Twitter, etc. Évidemment, on n'est pas spécialement dans le SMS. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon Thomas, alors toi comment ça se passe avec ta copine? Non mais moi j'en ai reçu un qui m'était pas destiné en fait. Ah c'est bon ça. Mais de qui? De quelqu'un que tu connaissais ou pas? Pas trop. Oui, ma mère avec mon beau-père. Oh putain. Bah le pire c'est quand t'en reçois un du mec que tu kiffes et qui te dit ah non excuse-moi c'était pas pour toi. Ah ouais. Ah c'est du vécu ça. Ah c'est du vécu ça non. Ah, c'est ah ça bon ouais. C'est ça. Si on sent bien que c'est on du vécu. C'est le vécu. Et il y avait quoi dans le message Thomas? Ouais je suis dans le lit, je me déshabille, dépêche-toi. Il était bouillant le chien. Ah ouais, Thomas j'arrive. Il avait déjà la main dans le pantalon. C'est ça. Et après t'as répondu ou pas au message? Bah non, vu qu'il m'était pas destiné, j'ai ouais, rien. Mais t'en sais rien. Oh mais tu sais pas s'il était pas destiné? Non mais j'ai pas. Ouais, je travaillais pas moi donc. Ah oui d'accord, ok, parce qu'il ou elle avait précisé ça, ouais. Mais au final tu sais pas si c'est un garçon ou une fille qui te l'a envoyé. Non voilà, je sais pas. D'accord, ok. Attends, il y a Samia aussi qui vient d'arriver, la Dévreux. Salut Samia. Salut. Oui, bonsoir Samia, 29 ans, comment vas-tu? Ça va très bien et vous? Bah écoute, ma foi plutôt pas mal, Samia là, tranquillement, hein. Tranquillement. Ah, attends, il y a Toff qui va te parler. Non. Deux secondes, je prends le carnet. Ah, il prend le carnet, oui, il avait fait tomber son petit carnet. Ouais, c'est, non, c'était le stylo pour écrire. Alors, ah, pardon. Samia, combien mesures-tu? Combien je mesure? Oui, combien tu... Très bien. Combien pèses-tu? 55 kilos. Ouais, ah, oui, très bien, ça va. Quel est ton tour de poitrine? C'est mon gros coquerine 85C. Oui. Ah. Oh là là. Oh. Oh là là. Et la taille de les pantalons que tu as acheté? 36. Oh ah oui, musique top. Bon alors j'ai pas la musique ici, oh, hein, faut la faire en live. Bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne, qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah oui, j'avoue, je suis assez bonne, Oh le temps se ramène. J'adore. Comment elle se la ramène. Mais t'as raison, Samia, hein, il faut. Quand tu te sens bien, c'est bien de le dire. Si personne me passe de la pommade, comment je fais quoi? Ah mais top, il peut te passer de la pommade. Je peux te passer autant de pommade que tu veux et où tu veux. T'es pas si bonne que ça si personne te passe de la pommade. Est-ce que tu peux nous envoyer une photo? Le sous-chef exige une photo. Exactement, mais vous pouvez l'envoyer d'ailleurs au comité de censure, hein, polo@funradio.fr. Oui, je suis là. Et voilà, c'est le comité de censure. C'est scientifique. Hein. Tout à fait, bien sûr. Bon, Samia, est-ce que tu envoies beaucoup de sextos, toi? Ou est-ce que tu aimerais en envoyer? Écoute, je vais vous raconter un truc. Il y a pas longtemps, j'étais avec quelqu'un, je suis restée longtemps avec. Et on s'envoyait des sextos, on faisait des scénarios, en fait, par téléphone. Sympa. Attends, ça va exciter Tof, ça. Les scénarios, mais comment ça se passe, les scénarios? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vas-y. Est-ce que tu veux qu'on joue? Je te donne mon numéro, tu m'envoies des messages. Voilà, c'est ça. En plus, maintenant, c'est gratuit, pas de problème. Alors, c'était quoi les rôles? C'était quoi les délires? C'est des histoires sexuelles, forcément. Oui, j'imagine. T'allais pas raconter un cours d'histoire. Je suis chez moi, il y a un mec qui rentre, on se chauffe et puis... Genre le plombier, le livreur de pizza pour faire dans l'original? Non, des trucs un petit peu moins classiques, tu vois. N'aie pas honte, vas-y, ça m'a fait radio. Dis-nous tout, surtout à moi. Genre un collègue de boulot, on se chauffe par texto, on s'envoie des photos et puis et ça mettait mon mec dans des états, laisse tomber quoi. Après quand je rentrais... Tu prenais ta mère. Ouais, carrément. Et c'est dommage, pourquoi c'est fini avec le mec? Parce qu'il est con. Bah écoute, c'est pas grave, je prends la place. Eh ben t'inquiète pas, t'auras un autre con. Je prends mon tour. Hein. Voilà, t'auras un autre con aussi, donc tu seras pas dépaysé. Voilà, tu auras échangé un con pour un con. Exactement. Mais au moins, moi je resterai. Oui, ça reste à voir. Hein. Ah non, moi tant qu'il y a des textos à s'envoyer, moi j'en reste. Bien sûr. Tu te feras discret jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Mais oui, bah c'est ça, évidemment. Oui, j'arrive. Et du coup, Samia, mais il est parti parce qu'il a été voir une autre ou c'était quoi? Non, parce que ça faisait longtemps qu'on était ensemble et on avait marre, écoute, parce que je trouve toujours être un peu chiante malgré les textos sexy que j'envoyais, je devais être un petit peu chiante quand même. Ah oui, c'est possible aussi, Samia. Hein. Enfin, on se connaît pas, hein, mais c'est possible, ouais. De toute façon, tant que t'es pas chiante au lit, y a pas de problème. Hein. Le reste te répondrait pas. D'ailleurs, je comprends pas parce que je pensais qu'un mec, on le tenait par le cul et en fait. Non, on le tient par les couilles, mais c'est ça que tu n'as pas compris. Mais oui, il fallait tenir au mauvais endroit, Samia. Hein. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ah oui, tu t'en es au mauvais endroit. Attends, reste encore avec nous. Il y a un message de Cédric qui vient d'envoyer un message sur le Facebook qui dit coucou, je vous écoute toute la journée actuellement, maintenant et franchement, vous assurez, vous faites bien rire avec vos blagues. La taille du sexe de votre mari, c'était pas mal. Continuez, bonne soirée, bisous à toute l'équipe. Ben, merci Cédric pour le message. Étienne également qui dit ça fait 2 mois que j'écoute, j'ai pas encore eu le message de bienvenue. Comment ça, t'as pas eu le message de bienvenue? Attends, j'en ai un bien là. Je vais t'en mettre un là. Voilà. T'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Oh, on l'avait déjà mis celui-là. Pardon. Attends, j'en ai un autre. J'en ai un bien violent qu'on avait eu quand on avait appelé un ami corse. Ah oui. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh ben viens, moi je te coupe entièrement. Espèce de petit pédé de merde, va. Amène-toi et tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Pouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà, c'était la finalité. Hein. Et je rappelle qu'on n'a pas remonté l'extrait. Hein. C'est vraiment la suite de tout ce que Tof a pris dans la tronche en 17 secondes. Et ça c'est beau. Et ça c'est vrai qu'on peut en mettre beaucoup en 17 secondes. Ah, en 17 secondes on peut en mettre beaucoup, effectivement. Et également il y a Maxime qui dit va au Bertom ou à l'Ambassie pour boire un coup. Tiens voilà, ça c'était pour l'autrice qui était passée nous voir et qui envoie beaucoup de sextos a priori. Il y a fan de Mickaël qui dit elle va boire un verre là, un mec. Bah oui, mais bon, et peut-être. Ah, elle en a plus. Ah bah attends, je remets la musique. J'en remets la musique. Attends une seconde, Samia. Voilà. Okay. Ah, il bave. Alors, combien mesures-tu? Attends, dans le micro, parce que t'entends mal. 1m70. Combien pèses-tu? 48 kilos. Ah, faut manger maintenant. Prends un peu de gâteau encore, n'hésite pas. Tiens, il me reste un petit peu aussi si tu veux. Ouais, voilà, c'est ça. On peut le partager. Et en plus, il y a de la crème. Ouais, il y a de la crème. Quel est ton tour de poitrine? 90C. Oh là là là là là là. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Oh là là là là là là. 1, 2, qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Solo. Par l'autre, il a cru qu'il était en concert, non? Il était en concert, là. N'importe quoi. Ah, bon, ah oui, Samia, t'as de la concurrence, hein. Ouais, et bah écoute, et bah tu sais quoi là ce soir, je suis un peu, je me sens un petit peu seule. Parfait, on arrive avec Toff. J'ai un ami que j'aimerais bien choper et j'ai envoyé des textos là et je suis dans ma chambre en train d'attendre qu'il vienne. Mais attends, mais on va l'appeler Samia, mais il est complètement con. Allez, vas-y, on vient, on l'appelle, tu chauffes au téléphone. Mais oui, Samia, attends, bouge pas, on va donner le numéro de téléphone au stagiaire Samia, d'accord? Okay. Ah bah il est déjà au standard, c'est très bien. Bravo le stagiaire, hein. Tu auras un coup de pelle demain quand je rentre. Oui Steven. Je pourrais parler à Thomas. Bah il est là, profites-en, il est là. Thomas? Ouais. Il y a Steven qui veut te parler. Ouais. C'est dommage que tu lui as pas répondu, parce que t'aurais pu lui demander... Attendez, je vais resituer un peu le truc, parce que là, depuis le temps qu'on en a parlé, donc c'est Thomas qui avait reçu un message sexto d'une meuf qu'il connaissait pas en fait, et donc du coup il a pas répondu comme c'était pas destiné pour lui, c'était ça Steven? C'est ça. Ouais. Et donc tu disais que c'était dommage que... Eh ben c'est dommage que tu aurais pu lui demander qui c'était, et puis après t'aurais pu lui rendre tes comptes avec. C'était pas très clair, ouais. Steven, mais en gros, il disait que c'était con de pas avoir répondu, qu'on sait jamais, sur un malentendu, tout pouvait arriver, quoi. Ouais, mais elle avait 20 ans, quoi. Ouais, bah alors, justement, ouais, Thomas, là, t'as qu'à essayer. Bah ouais. Mais oui, évidemment, ouais, évidemment. Bon, attendez, on va récupérer Samia dans quelques minutes. Thomas, t'as encore un truc à ajouter? Je peux passer le débit. Allez, vas-y, profites-en. À Charles et à Armand. D'accord, message passé, pas de problème. Salut à toi, à bientôt, Thomas. Et tu reviens quand tu veux, Steven, également, hein. D'accord, bonne soirée, ciao. À bientôt à Bourges, ouais. Salut Steven, ouais. Merci à toi. Retour avec Amandine aussi dans quelques minutes de Nancy, bien sûr. Et puis Samia, on a le numéro de ton mec, enfin de ton futur ex-mec. Comment il s'appelle? Il s'appelle Mathias. Mathias, très bien Samia. Alors ne bouge pas de là. Je pense que je vais me prendre un gros râteau. Mais non, on sera là pour ramasser les morceaux Samia, ne t'inquiète pas. Attends, je te consolerai. J'ai envoyé un texto, je lui ai dit que j'avais plein de dentelles et que je l'attendais dans ma chambre parce qu'on est à l'internat. Oh là là là là là là. Y'a rien de si que ça. Oh, t'inquiète pas, tu t'en s'en fout. Il est pas dans le détail lui. Hein. Mais moi je fais pas dans la dentelle. Bon, il y a Zédéric aussi qui dit vous êtes des malades. Il y a Charlotte qui a envoyé message également sur le Facebook. Je t'adore et tu me fais trop marrer, continue comme ça. Merci Charlotte. Et puis Maxime qui dit ah non, ça j'avais déjà lu, pardon. Il y a également un autre message de Clara qui dit je kifferais pas du tout recevoir un sexto d'un inconnu, ça me ferait flipper. Ouais, pas faux, effectivement, ouais. Bon, on va faire un tour du côté aussi dans quelques minutes. Top Twittos, Toff. Bien sûr, allons-y. T'as ce qu'il faut? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, bah alors vas-y, alors allons-y, c'est parti, avant de mettre la pub et le son de Dubs avec Tsunami. On y va, numéro 5 pour l'instant. Alors, numéro 5 pour l'instant, c'est Morgan 88S. Très bien, numéro 4. Alors, Frère Benjamin 31. Très bien, c'est à nouveau ça, bah salut à toi. Numéro 3. Le Prince Nadia. Voilà, numéro 2. Intrader. Nouveau aussi, a priori. A priori. Très bien, numéro 1. Numéro 1. Let's be freaks, bien entendu, comme à peu près d'habitude, voilà. Bon, si vous voulez tenter de devenir numéro 1 et de devenir l'auditeur le plus influent de la soirée sur le Twitter de l'émission, eh bien, n'hésitez pas, hashtag M-I-K-L sur Twitter, tout simplement. On fera l'élection du meilleur auditeur tout à l'heure à minuit sur Fun Radio. Restez bien là, dans quelques minutes, je vous l'avais promis, on écoutera le son de Dubs. Dubs avec Tsunami, et si vous voulez écouter un son en particulier, n'hésitez pas évidemment, avant minuit, vous mettez le hashtag et Mickaël, allez-y, n'hésitez pas, et l'iPhone 5S encore à gagner, je vous explique comment ça se passe juste après la pub. Hello everybody. Mickaël débarque en Lorraine. Mickaël, c'est Mickaël nos limites. Fun. Jusqu'à minuit. Radio. Et il reste trois quarts d'heure là en direct de Fun Radio Lorraine. On est à Nancy depuis cet après-midi. Donc on a offert pas mal de cadeaux, des places pour Starfloor. On a offert également une PlayStation 3. C'était tout à l'heure sur la place Stan. Vous avez été nombreux d'ailleurs à venir. Il y a les photos sur le Facebook de l'émission. Et puis ce soir j'ai encore un iPhone 5S à vous offrir. On fera le tirage au sort parmi les auditeurs qui auront fait leur like et leur partage sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/MIKL officiel. Le principe est simple, il y a une photo où je suis en train de poser avec un iPhone 5S caisse. Il suffit simplement de faire votre like et votre partage dessus. Et si on vous tire au sort, eh bien c'est gagné. Le tirage au sort, c'est simple, on vous envoie un message privé et on vous demande votre numéro de téléphone. Donc ne loupez pas, regardez bien les messages privés que vous recevez dans autres hein, aussi, hein, ça peut être dans les spams, on sait jamais. Donc voilà, faites bien attention, c'est comme ça qu'on vous tire au sort. Donc regardez bien dans vos messages privés si vous avez été sélectionné. Peut-être que l'iPhone 5S sera à vous. On fait le tirage au sort tout à l'heure avant la fin de l'émission, avant minuit sur Fun Radio. Donc allez-y, facebook.com/MIKL officiel. Retour avec Amandine dans quelques instants. Samia également, on va appeler son futur ex-mec là qui bah, qu'elle chauffe depuis tout à l'heure. Oui. C'est ça Samia hein? Ouais, c'est ça, ouais. Très bien. Alors qu'elle est quasiment nue dans son lit, elle le chauffe et le mec, il répond pas ou il veut pas venir? Et il m'a dit qu'il pouvait pas venir. Oh, oh, qu'il est bête. Oh, qu'il est bête. Bon, Samia, on l'appelle en direct dans quelques minutes. Ne bouge pas de là, on va s'écouter Dubs. Ça te branche, Samia, Dubs? Ouais, Tsunami. Ça me branche, ouais. Tsunami. Très bien, parfait. C'est ce qui va se passer dans le lit de Samia si jamais Mathias débarque. Hein. Oh, qu'il est bête. Ah là là. Ouais, ouais, bah, allez. Bon, là, je lui fais sa fête. Hein. Bon, bah ne bouge pas, Samia, on revient après ça. Le son de Dubs à l'instant sur Fun Radio, c'était Tsunami, on récupère Samia, Amandine et on est toujours en direct évidemment jusqu'à minuit. Toute l'équipe de Mickaël No Limit est en direct des studios de Fun Radio Lorraine. Sur Fun Radio. Exactement, oui, exactement. Venez nous rejoindre encore évidemment, on est en direct de Nancy jusqu'à minuit et on passera encore dans une autre ville hein, d'ici un bon mois. Bah dites-nous d'ailleurs où est-ce que vous voulez qu'on vienne en fait, tout simplement. Dans quelle ville vous voulez qu'on vienne la prochaine fois? Je propose Monaco, ça a l'air pas mal. Monaco. Ça peut être une idée, je sais pas moi, Marseille, Toulouse, Dunkerque aussi, pourquoi pas. Non mais c'est vrai. Mais je crois que Polo aimerait bien aller à Dunkerque. Mais Dunkerque, oui, effectivement, il a une entrée apparemment là-bas, Polo. Il sait où dormir déjà. Bah non, non. Je pense pas. Je pensais. Je sais où aller manger à Auchan, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. Non, mais on peut aussi aller. Bah après, il y a aussi Bruxelles, Charleroi également que Polo voudrait voir. Revoir, pardon, parce qu'il a déjà vu, il est resté coincé sur un rond-point qui n'avait pas de sortie à l'époque. C'était très pratique. Non mais voilà, dans la absolu, on n'est pas fermé, on peut bouger un petit peu partout. Donc on va vous remettre une petite question là sur le Facebook très prochainement pour vous demander quelle est la ville où vous voulez qu'on vienne la prochaine fois. Voilà, à savoir également qu'on sera à Paris, ce sera donc mardi entre 21h et minuit au Paris Games Week. Et puis on sera de minuit à 2h évidemment en direct de la radio, hein, normal. Mais voilà, si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus. On testera la PS4 et la Xbox One pour vous et avec vous d'ailleurs. Donc Paris Games Week, ce sera mardi exceptionnellement des 21h sur Fun Radio, donc bon voilà, on a décidé de changer l'heure, mais que pour un shot, on va dire ça comme ça. Plein de messages qui sont arrivés, il y a Aurélien qui dit je vous écoute tous les soirs et j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue, comment ça? Dans ton cul, au connard. Bah voilà, tu l'as eu maintenant le message de bienvenue, sans problème. Je vous écoute tous les soirs également, vous êtes géniaux. Il y a Salim qui dit génial votre émission, je suis accro. Johan également, vous êtes énorme les gars, continuez, ben merci beaucoup. Et puis à mourir de rire, le canular by Mickaël, c'était DJ Block Ops qui avait envoyé son message tout à l'heure. Nathan qui dit viens à Grenoble. Ah ouais, pourquoi pas, mais après Grenoble c'est peut-être mieux d'y aller quand il y a un peu de neige quoi. Tant qu'à faire. Ouais, mais les stations sont loin quand même. Bon, ça va. Tant qu'à faire, on fait une pierre deux coups, on est bien. Il y a DJ Blockovs qui dit mort de rire, le coup de pied dans ses couilles. Et puis Clara qui dit un message de bienvenue, s'il vous plaît, pour moi. Et malheureusement, la suite du message n'est pas là, mais avec plaisir. Non, mais calme-toi, voilà. Ferme ta gueule, être là. Voilà. Et Nanou qui dit aussi, vous avez un appel, vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Non. Bah, écoute, je ne savais vous pas. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Voilà, Baptiste qui proposait qu'on aille à Avignon également. C'est une très bonne idée, Baptiste, avec plaisir. Vous savez qu'un appel masqué peut être démasqué. Oui, on sait maintenant. Et puis il y a Doudou qui dit aussi, Mickaël, s'il te plaît, passe une dédicace à tout le collège, le stade, à Cassandra, Axel et Audrey. Et puis Bastien également, venez à Brive-la-Gaillarde. Bon, de toute façon, on essaiera de passer un peu partout, quoi qu'il arrive. Bon, Samia, t'es de retour? Oui, je suis là. Parfait. Samia, nous allons appeler ton... Alors, ce mec sort d'où, en fait, Samia? En fait, c'est un de mes collègues. On est devenu un peu potes, mais si tu veux, il est super sexy. Et t'aimerais bien lui, t'aimerais bien qu'il te casse les pattes arrière. Non, je voudrais pas qu'il me les casse. Et par contre, s'il pouvait me faire l'entretien de la chaudière. Oh, mais quel porc celui-là! Quel porc! L'entretien de la chaudière. On est un petit ramonage, hein, c'est obligatoire. Hein. Ouais, c'est avant ça. Avant l'hiver. Avant l'hiver, évidemment. C'est... C'est quand tu veux, on est interne en médecine et c'est mon collègue et Et voilà, j'aimerais bien qu'il vienne, là. Il est pas très loin. Bon, attends, avant de l'appeler, Samia, Si tu te prends un vent demain au boulot, ça va être sympa. Mais non, ouais. On va pas se prendre un vent, t'inquiète, on va gérer, Samia. Si je me prends un vent, je n'en ai rien à foutre. T'es pas faux. Bon, Samia, juste un truc. Qu'est-ce que tu lui as envoyé ce soir comme message, là, pour qu'on sache? Eh ben, écoute, je lui ai dit qu'il pouvait venir, que ma porte était ouverte. Et il m'a dit qu'il pouvait pas venir parce qu'il était avec un pote. Et après, mais ce n'est pas grave, les deux peuvent venir. Mais il est gay? Non, je veux pas les deux, moi, j'en veux qu'un seul. Ça ah, d'accord. Bien. C'est dommage parce que ça fait double plaisir. Enfin, ouais, bah ça reste et à voir encore. Il m'a dit après que j'avais plein de dentelles et que je me couchais mais que ma porte restait ouverte. Et il a répondu quoi là? Ouais, il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu derrière ça? Il a pas répondu encore. Non, sinon tu me donnes l'adresse et puis moi je me débrouille. Hein. Ouais, mais tu vas peut-être perdre au change aussi. Hein. Je sais pas à quoi ressemble ton. Non, parce que entre rien et moi, il gagne quand même un peu. Ah, ça reste à voir, ça reste à voir. Parce que l'adjectif utilisé tout à l'heure était sexy quand même. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Hein. C'est ça. T'as dit qu'il était sexy le mec. Ah oui. Tu vois, t'as aucune chance. T'as aucune chance. Dans le noir, ça passe. Non, mais même dans le noir, t'es sérieux là. Dans le noir, elle verra pas ma tête, ça passe. Mais oui, bien sûr. Bon, écoute, ce qu'on va faire, Samia, c'est qu'on va l'appeler. Ouais. Tu lui parles toi ou je lui parle moi? Je lui parle déjà. Mais d'accord, je sais pas si il va répondre. Ouais, bah, pourquoi il décrocherait pas? Bah parce qu'il est occupé avec un pote a priori. Ouais, il est occupé, donc à mon avis je crois que t'as aucune chance, hein. Je crois que le mec il est gay. Hein. C'est ça, là, il est déjà en train de se faire ramener, il peut pas. Attends. Si c'est bizarre, attends, si le mec. Samia. Il est pas gay parce qu'on s'est déjà chauffé. Oui non mais d'accord, mais c'est techniquement un mec célibataire. Où t'as une meuf qui a l'air bien, a priori, plein le chauffe et lui dit « Voilà, moi je suis là, je suis ouverte, ma porte est ouverte, tout est ouvert, tout est open bar. » Le mec il dit « Non, mais je suis avec un pote là, c'est bon, je peux pas venir. » C'est qu'à un moment, il est pas clean. Ouais, j'avoue, il y a peut-être un truc là-dessous. Parce que voilà, c'est pas normal, Samia. Bah non, Polo, il a d'autres théories là-dessus. Il m'a dit qu'on était vachement potes, que ça le dérangeait un peu, tout ça, parce que c'est vrai qu'on est très potes. Mais moi, je n'ai rien à foutre, je peux très bien passer la nuit avec et continuer à être pote avec, quoi. Ouais, mais peut-être que lui est amoureux. Ah, de son peut-être. Mec. Ah, de son mec, peut-être. Bon, écoute, on l'appelle. Non, c'est peut-être parce que en fait, t'es chum, quoi, en fait. Ah oui, peut-être, et qu'il veut pas de toi du tout. Ah non, je suis pas du tout. Parce moche. Que on peut avoir de très belles mensurations et pas ressembler à grand chose. Et on veut une photo. Et je vous emmerde, je suis pas moche. Ah non, on sait pas, Samia. Nous, on dit ça, c'est une théorie. Hein. On sait pas encore. Non, mais je vous le dis. Non, mais on je veux bien croire. Je veux bien le croire. Bon, Samia, on y va. On va appeler le pote maintenant. Bah, je te laisse faire. Nous, on est derrière. Ok, ça marche. Ah bah parfait, c'est le répondeur. Nickel, on est au top. Bon, Samia, c'est un échec total. Merde. Ah bah oui, mais ça n'a même pas sonné, hein, c'est direct le répondeur, donc je pense qu'il est en train de se taper son mec et qu'il a préféré couper le téléphone. Hein. Ah oui. Oh, ah bah oui. Putain, les boules quoi. Ah l'angoisse totale, Samia. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu es habillée actuellement là? Quoi? Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu es dentelles. Comment tu es vêtue? J'ai dit que j'avais plein de dentelles. Un rideau en dentelle. Sous ma couette, voilà. Ouais. Hey, mais ça se trouve, il est avec une autre meuf. Il t'a dit qu'il était avec un pote, mais. Ça en fait, c'est possible. Il est avec sa meuf. Je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je le veux pas pour toute ma vie. Je veux oui, mais bon. Non, mais d'accord, mais. Qu'à cette nuit, son gourdin est pour quelqu'un d'autre. Eh oui. Non, mais cela dit, effectivement, s'il est avec une autre meuf ce soir, même si toi tu t'en fous que tu le veux que pour cette nuit, la place est prise. Hein. Tu sais, quand tu veux louer une voiture, hein, s'il est loué, elle est louée. Hein. Ouais, mais maintenant il sait que t'es open en tout cas. Ah ouais. Donc, non, mais c'est vrai. Il viendra quand il aura envie. Là, avec les messages que j'ai envoyés, si c'est pas clair, mais t'inquiète, demain on fait une soirée de fin de boulot et ça va être chaud. Et est-ce qu'on est invité, Samia? Bah bien sûr. Ah, très bien. Même tof? Même tof, tout le monde. Ah putain, c'est vraiment, t'es en chien là. Hein. T'es en chien là. Ah bah oui, Samia, sérieux. Elle a faim. Ah ouais, t'as vraiment la dalle toi, t'as l'écrou Samia. Hein. Ah j'ai la dalle, ça fait 6 mois que j'ai rien fait, laisse tomber. Non, 6 mois, t'as rien fait depuis 6 mois. Mais oui, mais j'étais avec un mec et c'était compliqué, c'est la dentelle. Le deuil et tout. Ah ouais, le deuil, etc. Ah ouais, d'accord, ok Samia. Bon, et bah écoute, donc t'es surévreux, hein, si jamais un garçon sexy est intéressé, qu'il n'hésite pas à contacter le stagiaire hein, au 01 42 48 5000. Attends, j'appelle le stagiaire. Ouais, mais un mec vraiment sexy, hein, pas un mec moche. Hein. Merci. D'accord. Ouais, c'est vrai. Mais bon pardon, je rappelle. Mais vraiment sexy. Jour. Oui, appelle un autre jour, effectivement. Bon, ben Samia, je te fais des gros bisous en tout cas. Gros bisous. À bientôt, Samia. Ciao, bye. Et Amandine est avec nous maintenant. Là. Bonsoir, Amandine. Ah, Amandine est là, très bien. Bonsoir Amandine, comment ça va? De Nancy en plus, Amandine. Ah. Eh bien, sache que tu habites dans une très belle ville et qu'on est très très bien. Polo est là, à côté d'une autrice, s'appelle Colline. Il est bien. Ouais. Il est bien content installé. D'être venu, Polo. Ah, mais je suis content. Est-ce que tu peux faire un peu de pipeau, Colline, à Colline? Bien sûr. Est-ce que je peux avoir la compression? La compression externe. Alors, attention. 3. Réalisateur, s'il vous plaît. 4. On y va. Parfait. Oh, quel bravo, talent. Polo. Oui, voilà, la Polo. Quel talent, quel talent, quel talent, quel talent. Et est-ce que tu as vu ce regard pétillé dans les yeux de Colline? Tellement elle était subjuguée par ce C'est marrant, polo. J'avais pas vu le même regard, moi. Ah merde, pardon. Non, c'est juste qu'elle est bourrée, c'est tout. Oh, laissez-la tranquille, la pauvre. Bon, Amandine. Oui. Qu'est-ce qui t'amène, dis-moi? Bah, c'est pour faire un défi. Un défi de quoi? N'importe. Ah, n'importe, ça reste quand même très très vague. Tape-toi Amandine, la tête avec une casserole. Voilà, parce que un défi. Parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui appelons, on dirait, bon, allez, vous faites un défi, si vous faites ça, vous gagnez ça. C'est rare que quelqu'un nous appelle pour faire un défi gratuitement. Hein, Amandine? Oui. Hein, bah, réfléchis peut-être au défi, Amandine. Ce sera peut-être plus logique. Et puis la contrepartie également, etc. Donc, reste avec nous, Amandine. Ce que je te propose, c'est qu'on mette, on va mettre le son de Martin Garrix. Si on l'avait demandé tout à l'heure, en plus, avec Animals. Et on te reprend juste après, Amandine. On va également tester un petit peu de spécialité, de Nancy ou de Lorraine. Lorraine. Enfin, en tout cas, locale. Voilà. On teste ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Soyez les bienvenus. Il est 23h28. On est en direct de Nancy jusqu'à minuit sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique pour nous joindre. Hello everybody. Mickaël débarque en Lorraine. Mickaël, c'est Mickaël No Limit. Fun. Jusqu'à minuit. Fun Radio. Et oui, sur Fun Radio jusqu'à minuit, on est en direct. Venez également nous rejoindre sur l'Instagram si vous voulez. Vous me faites un follow et moi je vous fais un follow également. C'est pas plus compliqué que ça. Vous tapez @mikael_officiel. Pareil sur le Twitter, ça fonctionne également de la même manière. On va récupérer Amandine dans quelques minutes. Apparemment, quelqu'un serait intéressé également par Samia. Et puis on va quand même goûter aussi là ce qu'on nous a laissé. Hein. D'ailleurs, c'est il faut remercier Vanessa Seys et le label La Lorraine, notre signature, voilà, qui nous a déposé pas mal de choses là. Tof, on va déballer. Oui, déballer là. Moi je n'ai pas accès. Donc c'est un label apparemment qui regroupe plus de 52 producteurs locaux qui fabriquent 900 produits, ce qui est quand même pas mal effectivement. Non mais déballer, Tof. Si ce que je te dis, tu t'en as rien à branler, tu me le dis surtout, hein, n'hésite pas surtout. Hein. D'accord. M'en branle. Non, mais très bien, mais c'était pour être sûr. M'en branle, moi je déballe la bière. Ouais, très bien, bah déballe alors. Ah bah Sandro se coupe de la boue. Voilà, très bien. Allez hop, donc alors il y a quoi? Il y a de la bière, il y a. Nougat. Il y a du nougat, il y a quoi d'autre aussi? Il y a les macarons de boulet. C'est bien ça, les macarons, bien goûté. Hein, qu'est-ce qu'il a fait? Bah la bière coule. Hein. Non, c'est Tof. Ah non, c'est ce mongol. Bah oui, ça il a dû faire de la merde. Mais qu'est-ce qu'il est bête? Qu'il est bête? Oh, qu'il est bête! Oh, qu'il est bête! Oh, qu'il est bête! Oh là là, qu'il est bête! Mais pas surtout toi! En plus, c'est bien parce que c'est le bureau des journalistes où on se retrouve ici. Ils vont être bien demain matin quand ils vont débarquer avec l'odeur de la bière partout. Voilà. Ça va être parfait. Bon, alors ici j'ai un petit chardon fait main apparemment. Découvert de la Lorraine. Et tous ceux qui habitent en Lorraine ici, vous connaissez tout ça ou pas spécialement? Parce qu'en général, les trucs locaux, personne n'y goûte. Donc voilà, je voulais juste être sûr. Bah moi, je suis pas trop fan de bière, mais enfin, je vais quand même goûter. C'est pour que tu goûtes. Ouais. Ah bah ça sent bien la bière. Ah ouais, non, ça tu peux pas. Ah là, de ce côté-là, on est plutôt tranquille. Alors attention. Hop, on resserre le petit. Petit et tout comme de la vraie bière. T'entends. On resserre le deuxième. Allez, Sandro qui va se mettre à la bière. Hein. Bah oui, santé Germaine. Et je ne sais, je sais pas comment je m'appelle là. Santé Germaine. Santé. Germaine, t'appelles Germaine. Germaine, très voilà, bien. Voilà, très bien. Tu diras à ta mère d'ailleurs. Bravo pour ce choix de prénom. Très très bien, Germaine. Oh, qui veut des nougats? Voilà. Eh ben, écoute, ouais, je suis fan. Moi. Vas-y, là. Ah, bon, bah, merci en tout cas à tout le monde. Voilà, attends, paradis. Quand même la bière pour voir. Colline. Bon alors la bière. Ta Colline. Ah bah c'est la bière, moi je suis pas trop fan de bière donc faut vous demander un vrai fan de bière. Non elle est bonne la bière. Elle est douce, bonne. Bon, ah, franchement bien. Non elle est cool la bière. Oui, elle est douce, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Qui veut goûter la bière? Eh bah attendez, on va faire le tour dans le studio, il y a tous les auditeurs qui sont avec nous là. Et on va prendre Mehdi également qui est avec nous là. Bonsoir Mehdi. Mehdi, comment ça va? Je veux qu'on crache sur la tête et que tu chauffes. Ouais, attends, parce que merde. C'est Polo qui a poussé sur un bouton, du coup ça a fait le son du requin de merde. Je n'en avais absolument pas contre toi Mehdi, bien entendu. Hein. Bon Mehdi. Ouais. Alors toi tu nous avais appelé parce que tu voulais rencontrer Samia, c'est ça? Ah et ben voilà Samia là, t'as vu, on a trouvé chaussures à ton pied peut-être. Peut-être, on sait pas. C'est pas mal. Bon alors Mehdi, est-ce que t'es sexy? Bah ouais, pas de soucis à ce niveau-là. Ouais bah tu t'emballes peut-être un petit peu. Hein. Putain. Eh disons que. Eh Samia. Ouais. T'as quand même dit tout à l'heure que t'étais bonasse, alors au final, hein, l'un dans l'autre, si je puis me permettre. Ah bah oui, mais moi j'ai dit la vérité. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. C'est juste que là, quand je dis, Mehdi, est-ce que t'es sexy, tu dis, oh putain, bah le mec, tu sais, genre, il se la ramène. Alors qu'au final, tu te la ramènes aussi. Ah bah oui, je me la ramène un peu, ouais. Bah voilà. Bon, bah, alors, du coup, bah bien sûr. Bon, alors Mehdi, là, qu'est-ce que tu pourrais dire qui donnerait envie, là, comme ça, ce soir à Samia? Bah écoute, comme elle a dit, pourquoi pas tenter quelque chose, quoi. Bah bien sûr. Mais est-ce que t'es dans le même coin, toi? Je sais pas, elle est d'où? Elle est d'Evreux. Et toi, t'es où, Mehdi? Moi, je suis de Lyon. Ah bah oui, juste à côté, quoi. Ouais, je suis pas loin. Ouais, bah oui, bah voilà, bien sûr. Mais oui, Lyon, juste à côté d'Evreux. Ah, t'es vachement à côté, ouais, d'accord. Ouais, mais tu sais, après, il y a des mecs... Rien que pour tirer un coup, ils sont capables de faire le tour du monde. Hein. Regarde Toff. Toff, il a fini un moment en train de niquer une meuf sous un arbre. Je me souviens plus où c'était. Mais je me souviens plus d'où c'était, mais c'était il y a quelques années, effectivement. Avignon et Cannes. Ah, c'est quoi? C'était quoi entre Lyon et Cannes? Entre Avignon et Cannes. Il y avait Louis, c'est vrai. Bah oui, elle était passée à l'antenne. Il y avait une auditrice qui nous avait appelé. Par contre, il se déplacera, hein, parce que moi... T'inquiète, ouais. Je me déplace toujours. Ah bah, elle te parle pas à toi, Toff, elle parle à Mehdi. De quoi, Mehdi? On fait moitié-moitié, on se rejoint sur une herbe. Il est encore plus glamour que moi. Eh putain, non, Mehdi pas... Non, attends. Il faut que je lui explique à Mehdi que là, il n'est pas glamour et que les filles, c'est des princesses et que si... T'emballes pas sous l'arbre là. Toutes les filles sont des princesses, je suis désolée. Ah ouais, on peut faire le déplacement. Oh là là. La tête de Samia. On peut évidemment faire un peu le déplacement. Ouais, on peut. Ouais, je peux bouger. Il y a du déplacement possible, Samia. Mehdi. Ouais. Bon, fais la route, hein. Tu vas pas chier. Hein. Fais-nous confiance. Fais-nous confiance, tu perdras pas. Fais-nous confiance. On vient de voir la tête de Samia. Tu peux y aller, Mehdi. Y a pas de souci. On peut pas avoir une photo? On en a une là. On te conseille de faire la route. Je n'ai pas mon Facebook et tout. Non, t'inquiète pas, je prendrai juste la photo Samia et je la vends 10 euros à Mehdi. 10 euros, putain, je vends 10 euros quoi. Mais attends, c'est une photo, t'es sérieuse? J'ai la louche, alors qu'on n'a pas le vu. Mais non, mais justement, tu peux nous faire confiance, Mehdi. Ouais, franchement. Voilà, moi je fais très attention au physique et Samia est bien, Mehdi. Y'a pas de problème. Bah voilà, enfin moi je dis ça, c'est comme tu veux, hein. Attends, y'a un autre Mehdi qui est là, décidément, c'est la soirée. Salut Mehdi, l'autre. Ah, putain, j'ai combien de Mehdi là? Ah bah y'en a plein. Salut Mehdi, le deuxième. Ouais, on est là. Comment ça va? Ça va et vous? Bah tranquille. Alors Mehdi, toi aussi tu voulais parler à Samia? Ouais, exactement. Bon alors vas-y, fais péter, dis-moi. Enfin je te présente plutôt Samia, Mehdi, Samia. Bonjour. Enchanté. Depuis tout à l'heure j'écoute Fun Radio là et je vois que t'es un peu chaude. Je suis pas un peu chaude, elle est bouillante, Samia. Ah, elle est complètement chaude comme la braise. En plus, ça fait 6 mois là, faut se lâcher là un petit peu. Quoi? Faut se lâcher un petit peu, ça fait 6 mois là. Mais j'attends, je fais que ça, y a rien d'intéressant qui se présente, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh, moi je suis pas à Toulon, je suis à Mantes, je suis à 30 minutes, 3 quarts d'heure. Et tu vas couper ta radio, Mehdi, hein, ce sera mieux encore. Ouais. Voilà, comme ça fera pas d'écho. Donc y a pas de souci, moi je suis pas avec un pote, on est pas gay nous chez nous. Eh ben écoute, je t'attends. Oh bon. Pour l'adresse. Mehdi, est-ce que tu vas débarquer jusqu'à Évreux? Tout de suite. Tout de suite, il prend la route, là, il saute dans sa voiture, il fait la route. Voilà. Demain, Mehdi, c'est un vrai. Demain je travaille pas, c'est arrêt. Ah ben voilà. Parfait. Samia, on t'a trouvé chaussure à ton pied. J'avais bien l'expression un peu plus vulgaire, mais je vais quand même la garder pour moi. Non, vas-y. Non, Samia, tu préfères pas... Si, je préfère. Non, vraiment. Si, vraiment. Non, vraiment, j'insiste. Et c'est Toff qui te l'a soufflé. Hein. J'insiste, ça aurait pu, effectivement, oui. Voilà, on t'a trouvé de quoi te sustenter. On a trouvé chaussure à ton pied. Voilà, mais je l'avais déjà dit, celle-là. Tu sais, mais c'est pas grave. Ok, c'est cool. Bah avec plaisir, Samia, t'as vu, tu nous appelles. L'autre Mehdi, par contre, désolé, hein, tu t'es fait mettre dehors là. Ouais, trop loin. J'aimerais bien qu'ils se battent pour moi, là, ça me ferait plaisir. Ah, d'accord. Mais on n'a pas de boue, malheureusement. Alors, les deux Mehdi. Ouais. Bon, entretuez-vous pour la belle Samia. Non, moi, je suis pas comme ça, moi. À ma voix, le combat, il est déjà gagné. il a pas tort, il a pas complètement tort. Bon Mehdi de Lyon. Ouais. Eh ben merci à toi d'être passé, tu reviens quand tu veux. Lyon, ils ont perdu contre Monaco. De quoi, Mehdi? Lyon, ils ont perdu contre Monaco en plus. Ah oui, bah oui, mais ça arrive à beaucoup, hein, Mehdi, hein. En même temps, fais pas le malin, PSG a fait qu'un 2-2, hein. Ah, c'est mon grave, on est premier. J'ai moyen. De quoi, Mehdi? Y'a mon pote, tu voulais vous parler vite fait. Bah, avant speed, alors passe-le nous vite fait, ouais, Mehdi. T'as vu que t'étais aussi avec un mec. En fait, y'en a rien à foutre de moi, il voulait juste vous parler. Mais non, ça c'est le premier Mehdi, y'a le deuxième Mehdi qui est toujours chaud après toi, t'inquiète pas, Samia. Ouais, le pote de Mehdi, comment il s'appelle? Ouais, c'est Ryan là. Ryan, bah salut Ryan, tu voulais passer un message? Ouais, bah moi aussi, je suis intéressé par Samia. Ah, toi aussi, bah très bien, écoute. Ouais, mais elle a dit qu'elle en prenait qu'un à la fois. Ouais, elle a dit qu'elle en prenait qu'un à la fois et apparemment c'est Mehdi de Mantes là qui passe le premier. Mais dis-lui, écoute. Non, mais c'est pas la porte ouverte non plus, hein, je vais pas me taper 50 ans. Ah, bah non, mais un seul, Samia. Allô. Oui, Mehdi. Je prends la route dans combien de temps là, faut me dire là. De quoi, Mehdi? Faut me dire là, je prends la route là. Non mais t'inquiète, je te repasse. Putain, le mec, il est ouf, quoi. Je te repasse Samia en antenne, Mehdi. Ok. Ça marche. Bon bah salut à vous deux en tout cas, hein. Gros bisous et bonne bourre, hein. Et vous nous rappelez demain. Ouais, on se tient au jus, hein. Enfin non, je voulais dire on se tient au courant. Très bien. Allez, salut vous deux, à bientôt, hein. Salut. Ciao. Bon, top tuto dans un instant pour terminer l'émission. On aura le générique aussi dans quelques minutes, bien entendu. Et puis on va continuer. Polo, il a déjà tout bouffé, donc il est bien. Myrti, comment ça se passe? C'était génial. Alors j'ai mangé les bergamotes de Nancy. Ah, fais voir les bergamotes. Et nougat saveur myrti, c'est extraordinaire. Voilà. Et le chardon fait main. Il en reste. Ah, il en reste. Ça va. Donc ça, il en reste encore moi, un petit peu. Bergamote. Bon, est-ce qu'il y en a qui veulent là dans les auditeurs là? Vous voulez goûter un petit peu? N'hésitez pas. Hein, Non, n'hésitez pas, il y en a, on va distribuer pendant la pub, il n'y a pas de problème. Bon, restez avec nous, tirage au sort aussi dans 5-10 minutes là pour l'iPhone 5S sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel, dernière ligne droite en direct de Nancy, ce sera dans quelques minutes avec le son de Magnani Forfaila, ce sera Just Another Night sur Fun Radio. Allez, 01 42 48 5000, appelez-nous d'où vous soyez en France. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. On est en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Hello everybody. Mickaël débarque en Lorraine. Mickaël, c'est Mickaël nos limites. Fun. Jusqu'à minuit. Fun Radio. Exactement, en direct sur Fun Radio, dernière ligne droite. Et oui, dans un quart d'heure, vous allez pouvoir écouter ce magnifique générique. On chantera tous ensemble, d'ailleurs, ça va être magnifique. On fait ça dans quelques minutes. On aura le gagnant de l'iPhone également, l'iPhone 5S. On a déjà sélectionné quelques personnes et vous avez encore 5 minutes, on va dire ça comme ça. 5 minutes pour vous inscrire, facebook.com/MIKL officiel. Si vous voulez tenter de repartir avec l'iPhone 5S, il est là, disponible. N'hésitez pas, il suffit d'aller faire un like ou un partage sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Retour avec Amandine dans quelques instants qui voulait faire un défi avant de partir. Eh bien nous allons le faire. Amandine, t'as réfléchi à ton défi? Oui. C'est quoi? J'ai réveillé mon père en faisant le bordel avec ses casseroles. C'est une idée, Amandine. C'est une très bonne idée. On l'avait déjà fait il y a pas longtemps. Eh ben on va la faire, on va le refaire dans quelques minutes. Tiens, ne bouge pas de là, Amandine. Et on se met, eh bien, comme promis, le son de Magnan maintenant et Flor Faila, c'est Just Another Night sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde, c'est Mickaël No Limit en direct de Nancy jusqu'à minuit. No Limit. Jusqu'à minuit. Fun. Mickaël débarque en Lorraine. On Fun Radio. Et oui, on est là, c'est la dernière ligne droite sur Fun Radio avec le gagnant de l'iPhone 5S dans quelques instants. Et encore avec les auditeurs qui sont avec nous jusqu'à minuit. Bon, ça va bien les gars? Ouais. On a quand même perdu en filles. Il y a beaucoup qui sont partis, il reste les garçons. Il reste combien de filles? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Ouais, c'est ouais. C'est... derrière, je crois encore. Ah, il y a derrière. Il y en a deux qui... Il y en a qui se cachent encore ouais. Derrière. Ah, d'accord, ok. Il y a une blonde. Très bien, mais il en reste encore 4 derrière. Donc ça, finalement, ça va, on est pas mal. Bon, avant de filer l'iPhone, il y a Amandine avec nous maintenant. Allô, Amandine? Oui. Oui, très bien. Amandine de Nancy, donc, qui voulait faire un défi. Donc, le défi de réveiller ses parents à coup de casserole. Ouais. Et tu as bien raison, c'est un très bon défi. Tu sais que j'ai à prendre une baigne pour ça. Ouais. Bon bah alors d'accord. Non mais elle est contente. Si t'es au elle courant, elle ira pas à l'école demain. Si t'es au courant, en même temps, il y va pas quoi qu'il arrive, il y a congé. C'est fermé. Hein, c'est férié, donc on est tranquille. C'est ça. Au final, il reste pas grand chose. C'est ça. Bah voilà. Bon, Amandine. Oui. Bon, et ils sont où tes parents là dans le lit forcément? Mais par rapport à toi, c'est loin, c'est pas loin? Ouais, non, c'est pas loin de moi. Hein. Vas-y, on ninja. T'as pris quoi comme casserole là, techniquement? J'ai pris des couvercles. Non, t'as pris des quoi? Des couvercles. Vas-y, ouais. Tape les couvercles pour voir. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Si bon. Je peux en commander pour ce genre de défi une grande casserole avec une cuillère en bois, ça fait beaucoup plus de bruit. Oui, c'est vrai, c'est pratique aussi. Bon, Amandine, on va faire avec les moyens du bord là. Hein. Ils sont, ton père, il est tout seul ou avec ta mère ou belle-mère éventuelle? Oh non, il est tout seul. Il est tout seul. Donc le pauvre, en plus, il travaille demain matin. Sale gamine. Ouais, il se lève. Oui, parfait, tu as bien raison. Voilà. Bon, et il est plutôt du style à s'énerver rapidement ou pas? Ouais, normalement. Bon, d'accord. Allez, c'est okay. Pour la bonne cause. Mais oui, voilà, c'est ça, exactement. Bon, on y va, attention Amandine. Ouais. On va réveiller le père là maintenant. Défi qu'elle s'est lancée toute seule. Hein. Ah, non, nous n'avons pas forcé. Voilà, je ne suis coupable de rien. Donc on y va, c'est parti. Eh ben, j'ai envie de te dire bonne chance Amandine. Merci. Ah bah vas-y, allez, c'est parti. Allez, sois bonne. Avance. Ouais. Mais je m'en fous avec toi, c'est les vacances là. C'est pas pour moi le pauvre. Oh le pauvre d'Aran. Oh le pauvre. Putain Amandine. Oui. T'as vraiment pas de pitié. Tu mérites un coup de pelle, le pauvre là. Passe-le nous hein. Ouais oui, malheureux là. Comment allez, vas-y, retourne. Comment il s'appelle ton père? David. David, tu le passes là ou il va nous insulter? Non, allez-y. Allô David? Oui. Ah bonjour David, dis donc, elle a un problème votre fille hein. Ouais, elle a un sacré problème. Elle est complètement pas finie hein. Elle est scandaleux. Ah bah ouais, c'est une catastrophe. Là, vous dormiez là ou pas? On peut tutoyer? Ah j'ai dormi hein. Ah ouais, mais tu fais quoi comme travail? Boulanger. Ah oui, donc tu fais tout en plus. C'est vraiment lui tuer la nuit quoi. Oh ouais. là. Bon alors ce que je te propose c'est que tu lui ramènes demain un petit gâteau mais périmé. Ouais voilà. Exactement, non mais c'est pas sérieux ça. Du pain sec et de l'eau toute la semaine. Exactement, bah punition, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme punition à la petite là? Qu'est-ce qu'elle fait souvent des conneries? Bah qu'elle vienne, elle se lève le matin pour faire du pain. Ah oui? Ah ouais, ouais. Bah c'est pas mal ça, qu'elle vienne demain matin pour aider. Ouais. Bah parfait, on fait ça comme ça. Bah voilà, voilà. Ça me paraît un très très bon plan. Pas de problème. Même plus que bon plan, tu vois, effectivement. Bah ouais, c'est parfait. Eh ben on fait comme ça alors. Bon, le papa d'Amandine. Oui. Bon, on va quand même vous filmer une petite caméra numérique hein, pour la peine. D'accord. Voilà, avec plaisir. Et salut. La filmerai faire du pain. Oui, exactement, oui, exactement. Bon, bah bonne soirée, enfin bonne nuit, enfin bon, ce qu'il en reste quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bon. À bientôt. Salut. Au hein. Au revoir. Ciao. Bon, bah voilà, Amandine. Oui. Eh ben voilà, sale gamine. Elle est contente. Tu seras puni. Et elle est contente. Et voilà, ça la fait marrer. Bah tant mieux, elle est contente. C'est magnifique, c'est le principal. Bon, eh ben Amandine, comme j'avais dit à ton père, on va vous filer une caméra numérique. Vous allez rester là, d'accord? Ah, merci. Avec plaisir. Salut à toi. À bientôt, Amandine. Au revoir. Allez, au ciao. Revoir. Bon, gagnant de l'iPhone maintenant. Attention. Vous avez été plus de 10 000 à participer à ce concours hein, pour gagner l'iPhone 5S maintenant. Alors attention, on y va. Il est là, il est beau, il est forcément neuf. À savoir que même le sous-sous-chef de la radio n'a pas un 5S. Il est passé d'un 4 à un 5. Ah, en même temps, c'est le sous-sous-chef. Oui, c'est le sous-sous-chef, effectivement. Parce qu'il faut savoir que le Big Boss Jérôme a déjà le 6. Ouais. Voilà. Ça, c'est parce qu'il a du talent et mais c'est ça, exactement. La puissance de Jérôme. Parce qu'il a le bras long, quoi, exactement. Bon, alors que on y va. Le sous-sous-chef. Alors que oui, sous-chef lui il a le 5. Et encore à mon avis il a dû le voler parce qu'il avait le 4 la semaine dernière. Il va prendre un Blackberry Cure. Je sais pas d'où il vient mais bon. Allez, on appelle maintenant le ou la gagnante. Allez, c'est parti. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, Masdeline. Comment? Masdeline. Mais t'as eu ton prénom en solde ou il s'est passé quoi Masdeline. Mais Masdeline. Ça vient d'où? C'est égyptien. Et t'en veux à tes parents ou pas? Non, ça va. Non, d'accord, ok, Masdeline. Bah écoute, pourquoi pas. Hein. On t'appelle comment alors, Mas ou D? Non, Masdo. Masdo, d'accord. Avec bah, écoute, un J. Et bah toi, ça fait Sado, donc si tu veux. Hein, Sado Masdo, ça ferait bien quand même. Ouais. Non, mais c'est pas un Z, c'est un J. Oui, mais bon, on n'est pas dans le détail. D'accord, mais combien mesure-t-elle? Oui, bon, on s'en fout, elle est là pour l'iPhone. Elle est pas justement, là pour, justement, est-ce qu'elle mérite? Mais n'importe quoi. Alors, combien mesures-tu? 1m57. Oui, très bien, ça ne culmine pas très haut, mais ce n'est pas grave. Combien pèses-tu? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95. Oh là là. Et la taille de les pantalons que tu as acheté? 40. Musique! Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne. Oh là là, n'importe quoi. Bon, alors Mazdeline, tu avais envoyé un message, enfin tu avais fait un like et un et un partage, voilà, c'est ça, sur la page de l'émission. Voilà, et ben t'as été tiré au sort, l'iPhone 5S c'est pour toi. Bravo Mazdeline. Merci beaucoup. Elle se tape dans les mains. Bon, t'es dans quelle région toi Mazdeline? J'habite en Alsace. En Alsace, d'accord. Bah écoute, l'iPhone 5S va partir en Alsace. Hein. Super. Livré dans la choucroute. Bah livré dans une choucroute, exactement, avec la saucisse et tout ce qui va avec. Bah voilà Mazdeline, tu feras une photo quand tu le recevras? Oui. Voilà, parce qu'après évidemment il y a tous les jaloux, tous ceux qui gagnent pas, les mauvais perdants qui disent ouais de toute façon le jeu c'est truqué, on gagne pas vraiment, en fait c'est du pipeau. Donc voilà, donc comme ça Mazdeline, dès que tu le reçois. Il s'en bat. Ah, on a dit pipeau mais c'était pas pour ça. Ah, donc voilà Mazdeline, bravo à toi, l'iPhone 5 c'est pour toi, je te félicite, je te fais des gros bisous. Et puis bah et puis la prochaine fois, bah bonne chance encore, hein. Bonne chance aussi à tous les autres. À tous ceux qui ont joué, t'imagines que t'avais plus une chance sur un peu plus de 10 000 et c'est sur ton que c'est tombé quand même. Hein. Ah mais j'ai eu de la chance. Ah bah je te confirme. Bah, avec plaisir. Gros bisous, à bientôt Mazdeline. Salut, ciao à toi, bye bye. Et ben voilà, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Bravo à Mazdeline. Et puis on reste sur le top tweetos également maintenant là. Oh. Eh bah oui, top tweetos, c'est top, n'était pas prêt. Si, je suis prêt, mais alors j'ai un problème. Ah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est-à-dire que le cinquième et le deuxième, c'est la même personne. Ah, là il y a un problème effectivement, oui, avec la machine. Non, enfin c'est pas la machine qui a un problème, c'est Let's Be Freaks qui a un problème. Pas compris. Bah, elle a deux comptes et donc elle est deuxième. Oh, qu'elle est relou. Hein. Bah tant pis, disqualifie un des deux et puis on met le sixième, cinquième et ainsi de suite. Bon, allez, d'accord. Alors, donc, numéro 5. Donc c'est Tom No Limit. Tom No Limit, très bien, Tom. Yeah. Numéro 4. Quatrième, donc le prince Nadia. Le prince Nadia qui a perdu des plumes depuis tout à l'heure. Numéro 3. In Trader. Numéro 2. Bah, Let's Be Freaks. Non. Bah si, puisque je t'ai dit qu'elle est deuxième et cinquième. Ah oui, putain, donc elle est... Ah ouais, merde, et numéro 1. Et si on additionne les deux, elle est numéro 1. Oui, mais non, on ne peut pas additionner les deux. D'accord, donc elle est deuxième. Et numéro 1. My My 71-960. My My 71-960. Ouais. Très bien, et ben voilà, numéro 1, comme quoi finalement tout peut arriver. Hein. Bravo à My My, etc. Qui est... 71-960. Oui, ça c'est facile, t'as les chiffres en dessous les yeux, toi. Bon, ben bravo en tout cas à toi, bravo pour le top tuto de ce soir, comme quoi finalement Let's Be Freaks n'est pas forcément abonné au numéro 1. Oui. Pas tout le temps. Non, mais parfois elle peut arriver à être deux fois dans les cinq premiers. Bah parfois oui, effectivement, oui, effectivement. Bon, alors, faut fermer à minuit pile? Ah non, d'accord, parce qu'on me fait des signes, je me dis, eh merde, il faut fermer la boutique à minuit, je suis inquiet. Bon, bah alors très bien, alors faisons le générique de fin. Alors, ouais, hein, ouais, vous êtes prêts pour le générique de fin? Est-ce que vous connaissez la musique du générique de fin? Ferme ta gueule, enculé, etc, etc. Bon, alors je vous le mets, de toute façon Toff, Polo va démarrer évidemment. Ah, avec plaisir. Et puis bah les autres, vous allez pouvoir... Vous placez le mot enculé à chaque fois. C'est ça. Exactement, exactement. Alors attention, avant de partir, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Pour des bites, Toff te sucer, toi l'enculé. L'enculeur, t'enculé ton oncle. Encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton oncle. L'enculé. Dormir, on vient toute la journée. Colline, avec moi. Allez, Colline. Allez, ne t'inquiète pas, tu nous suis, c'est pas trop compliqué. Avec nous. Ah. Allez. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Toff est venu à Nancy, il n'a rien fait chaud. Non, hélas. Quel grand héros. Allez, ah, oui. Attention, on y va. Allez, Colline. Toi, là. L'enculé. Et là, c'est pas toujours la même chose. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu fous des bites à te sucer, toi l'enculé. C'est l'enculé. Non, c'est l'enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Voilà. Quel talent. Salaud, effectivement, effectivement. Bah merci à vous tous et toutes d'avoir été si nombreux ce soir à venir sur la place Stan tout à l'heure à 17h dans les studios. Il y a pas mal qui ont enchaîné, qui ont tourné. Toff aurait bien voulu que ça tourne un peu plus, mais bon, hélas non, on ne peut malheureusement pas tout avoir, bien entendu. Et donc on se retrouve déjà dès demain à partir de 23h. Merci à tous ceux également qui étaient connectés ce soir sur le Facebook, le Twitter, où on était plusieurs fois top tweet ce soir. Merci beaucoup Annelise également, Cédric, il y avait Cali Cruz également qui était là, il y avait Maël, Marouane qui vient de débarquer, Marine, etc, etc. Merci à vous toutes et tous. tous. Sur le Twitter également, sur le Facebook et sur l'Instagram. Et puis rencard dès 23h. Et en tout cas, merci à tous les Lorrains qui nous ont accueillis. Merci pour toute la bouffe que vous avez apportée. Ah, merci également à Eric. Ah bah, je te confirme. Merci à Eric également, le boulanger qui est passé. D'ailleurs, il y a l'adresse hein, sur le Facebook et le Twitter. Et même l'Instagram. Merci vous tous. Et puis bah Polo, je te laisse ramener Colline en taxi. Hein? Bah, je sais pas, oui, je vais, oui, si elle veut. Je crois que Colline a sa voiture. Ah, bah très bien. Je ne vais pas la forcer. Non, bah c'est parfait alors, merci. Mais c'est Colline qui va te ramener au voilà, final. C'est ça. Voilà. Elle va m'abandonner dans un parc là-bas. Et on ne remercie pas évidemment le stagiaire hein, qui a fait que de la merde. Comme d'habitude, hein, voilà. Mais il sera fouetté demain comme il se doit. Exactement, exactement. Et le sous-chef aussi. Et le sous-chef qui est parti d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il y a qu'une meuf au. Il est avec une meuf dans les chiottes là. Ah non, pardon, attends, moi. Merci à Valentine aussi pour les autocollants. Et à Bruno. Et à Valentine, justement. Ah oui, t'as voilà. Demandé. Exactement. Non, Valentin. Non, bon, voilà. Et très bien. Et bah, puis merci. Bruno. Exactement. Et puis Victor qui n'a fait que de la merde également, qu'on renverra chez Dario avec grand plaisir. Voilà. Merci à vous en tout cas, Rocard. Demain dès 23h, je vous embrasse. Et puis, bonne nuit. Et puis, bonne semaine de congé encore pour ceux qui profitent là. À demain 23h. Salut tout le monde. Mickaël. No. No. Limite. En direct des studios de Fun Radio Lorraine. Sur Fun Radio. Fun Radio. Très bien, bon bah apparemment il y a Party Fun qui va débarquer, je pensais que ouais. Ça marchait tout seul là. Comment ça va Adrien? Bah ça va bien et vous? Bah écoute, nous on est plutôt pas mal, des jolies filles. Ouais j'ai cru comprendre. Des mecs, on a essayé les foutre dehors mais ça a pas bien marché. Ouais on peut pas. Et puis sinon on est pas mal. Et toi, bien aussi? Ouais ça va, mais c'est vrai que vous manquez un petit peu là, c'est vide c'est alors vrai. Mais ouais, je sens seul, c'est ça. Franchement, je te comprends. C'est moi-même, si je me retrouvais seul dans le studio, je me manquerais. Oui, c'est vrai. Voilà. Bah du coup, je me retrouve avec Victor. C'est pas évident. Hein, je vous cache pas. C'est dur. Oh putain, c'est dur. Et attends, Victor, il est stagiaire. Oui, c'est vrai. Mais si tu veux, tu peux taper sur le stagiaire. Ah ouais, tu peux y aller. Hein. Par contre, il y a un truc, les gars. Vous avez laissé que les stagiaires, mec. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'a pas de stagiaire fille, en fait. Ouais. Ah d'accord. Voilà. On nous l'a interdit parce que Toff a fait beaucoup de conneries à l'époque et depuis, on n'a plus le droit. J'ai plus le droit. Voilà. C'est pour ça. Les mêmes à n'importe où. Exactement, on n'a plus le droit aux filles et c'est décevant, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Ok, bon, d'accord. En pleine forme et Party Fun alors jusqu'à, jusqu'à tard. Jusqu'à 2h du mat. Oui. Vous allez sortir un peu à Nancy ou pas là du coup? Non, à mon avis, le temps qu'on comment t'expliquer que le temps qu'on termine encore tout ce qu'il y a à boire ici, je pense qu'on sera plus apte. Mais d'accord. Je rappelle qu'il faut picoler avec modération. C'est vrai. Bon, bah amusez-vous bien en tout cas et alors. Merci beaucoup. Et puis Party Fun jusqu'à 2h. Et puis retour avec notre ami Bruno des 6h, yes. Bien entendu, hein, avec cet inimitable rire. Voilà. Quel talent. Hein, on essaye d'imiter au fur et à mesure. Et j'essaye comme ça de m'améliorer jour après jour. Bon, bah bonne nuit alors à Party Fun, Adrien. Yes. Et puis rencard demain dès 23h. Merci. Juste après le Fun. Merci Mickaël. À ce soir, 23h, avec toute l'équipe de Mickaël No Limite. On y va, Party Fun Remix. Jusqu'à 2h, c'est parti. Nous y sommes enfin. Party Fun. C'est Party Fun Remix. Avec Adrien Thomas sur Fun Radio. Nous y sommes enfin. Jusqu'à 2h. C'est Party Fun Remix. Party Fun. Avec Adrien Thomas sur Fun Radio.